J'ai senti un truc, je me suis demandé ce que c'était. Je viens de vivre un truc absolument dingue. Oyez, tas de bâtards! Je vais chier sur la moquette. Il s'agit du flow de cast. Ça pue sa mère! Oui, oh là là, la guitare, le générique. Bonjour à tous, c'est Florent. Bienvenue dans cette rentrée de flow de cast, dans l'épisode 14 de cette quatrième saison. Je vous fais un petit message d'introduction parce que j'ai des choses à vous dire. Voilà, des choses qui ne se disent pas sur un répondeur ou par des SMS. En gros, les épisodes de Floodcast seront un peu enregistrés en avance à partir de maintenant, ce qui fait que nous devrions, alors attention c'est du conditionnel, nous devrions tenir le rythme hebdomadaire. On a déjà en tout cas un mois d'avance, donc on va tenir le truc pendant un mois, ce qui est déjà pas dégueu. L'épisode que vous allez écouter est un peu particulier, en effet l'enregistrement a duré 4h30, c'est un petit peu long. Donc du coup j'ai décidé, à mon âme et conscience, pardon, de couper la partie recommandation du début, parce que c'était un peu long et je me suis dit que le plus intéressant, c'était quand même le sujet, le thème, à savoir l'Internet d'avant YouTube qui rémunère les créateurs, d'avant la télévision qui s'intéresse à nous et en même temps, le passage à tout ça. Donc voilà, les invités, c'est John Rachid, Davy Mourier, François Descraques et Baptiste Lorbert. Adrien Méniel nous rejoint dès la semaine prochaine. J'espère que cet épisode vous plaira. Je vous fais des bisous et bon épisode. Au revoir. En fait, si je vous ai invité, il y avait un but clairement intéressé. Je voulais faire un sujet sur Internet il y a 10 ans ou plus. Je voulais parler des débuts de la création sur Internet. Alors, on va pas partir sur un délire de « Ah oui, alors aujourd'hui, YouTube, c'est quand même moins bien, tout ça. » On va pas être dans le « c'était mieux avant, loin de là ». On pourra le dire un petit peu. Tu le dis si tu as le droit, si tu as envie, mais peut-être je serais pas d'accord et on va débattre 8 ans. Et du coup, on va peut-être éviter. Non, moi, je voulais surtout revenir sur vos parcours et même expliquer. En fait, je me suis pris une claque dans la gueule récemment puisque j'ai fait un gag qui a peu marché auprès de ma communauté la plus jeune qui ne connaissait pas les termes « motion maker », qui ne connaissait pas le site Real Player, enfin le logiciel Real Player. Voilà, moi je me disais même récemment, je fais « Ah, les gens ne savaient pas peut-être que sur les ordi portables, fut un temps, il y avait un lecteur CD, voilà, enfin des choses comme ça. » Même les DVD bientôt. Ouais, ça c'est un truc. Ouais, la plus grosse claque comme ça, où j'ai vraiment fait genre « Non, merde, attends, j'ai quel âge, quoi ?» Des gamins qui viennent me voir, « Oh, génial, génial, ils connaissaient tout sur moi. » Et ils me disent « Ah, mais grâce à toi, j'ai découvert les nuls. » comment ça? Mais si, parce que tu le tweets et tu mettais sur Facebook. Je fais non, mais comment ça? Non, mais je suis fan et tout, j'adore, j'ai tout regardé. Après, je fais mais tu connaissais pas? Bah non, je mettais à quel âge? Je devais avoir 15 ans. Puis bon, hop, on part. Et là, je fais le calcul. Je fais putain, les nuls se sont arrêtés en 93. Ils ont sorti leur film en 96, 3 ans après, je crois. Même 95, même, je crois. Et donc, le mec était pas né en fait. Ouais. Tout simplement. Récemment, c'est ce qui m'a un peu rassuré. Il est né quand ça s'arrêtait. Donc, c'est logique, en fait, qu'il ne connaissait pas, quoi. Récemment, je me suis dit un truc. En fait, à un moment, je me suis dit, j'ai eu un moment en nostalgie, comme j'en ai beaucoup trop souvent dans ma vie, de « Oh putain, quand même, Golden Moustache, c'était cool quand j'y étais. Enfin, je me suis amusé pendant cette période. J'aurais aimé que ça dure plus longtemps, comme j'aimais, machin, truc. » Et en fait, je me suis dit, mais en fait, les nuls, entre objectif nul, et objectif nul et la fin des nuls, il y a 5 ans, 6 ans. Ah ouais, 6 ans, 87, c'est ça commence en 87. Et ils ont eu le décès d'un pote, enfin tu vois, ils ont eu des gros trucs, des gros moments d'arrêt. Et des changements de style, des formats différents. Et j'étais un peu genre, ah mais en fait c'est normal qu'au bout d'un moment t'arrêtes en fait. Mais parce que les inconnus, ça durait que dalle aussi. Ah ouais, c'est des cycles de 3-6 ans. Ouais. Généralement dans les collectifs de. Parce que nous, ça s'étend sur toute notre enfance, mais eux ils ont bossé sur un endroit précis. Exactement. Et du coup je me dis, bon bah ça m'a un peu rassuré. Bon, en fait apparemment c'est normal. Après, c'est les nuls, ça va pas durer. La différence c'est que nous, nos sketchs sur YouTube restent, et moi il y a encore des gens qui me disent c'est quand ton prochain sketch chez Golden Moustache? J'en ai plus fait depuis 2014. Je le rappelle. et c'est assez dingue parce que bah ils regardent, tandis que nous, les nuls et les inconnus, regardaient à la télé, puis après ils ont disparu, fallait qu'on achète après, des trucs, il fallait attendre, ils sont revenus sur les enfants de la télé, mais voilà. Et tandis que là, ouais, sur Internet en fait c'est bizarre, la temporalité est vraiment plus étrange. Les gens regardent pas les dates, dès qu'ils tombent sur quelqu'un qu'ils connaissaient pas, ils se matent tout et ils se disent bon bah alors c'est quand que tu refais alors que tu as plus fait ça depuis 6 ans, quoi. Ouais, c'est vrai. Et du coup je vais commencer avec toi Davy, parce que je crois pourquoi mais pourquoi parce que je pense que t'es un peu sur la création d'Internet, la création sur Internet. Alors, on a pas l'image, la création d'Internet, on a pas l'image, mais on est en noir et blanc maintenant. tu es un peu le gars, on est un Real Player qui est emboîté, mais les gens comprennent pas du coup. Non, mais même avant Real Player, toi tu es un CD-ROM offert avec joystick, je crois, avec manga, Joypad, manga manga, le magazine manga. Quoi c'est pas C'était sur les films néo-zélandais. Non, c'était ouais, c'était Kazé qui faisait ce magazine. Et il nous alors, avait... si tu veux expliquer, pardon, pour les... comment t'as commencé, parce qu'en fait, je suis parti sur une inside est-ce joke. Est-ce que tu veux pas le dire, parce que je crois que tu connais beaucoup ma vie. Non, non, mais pas tant que ça. Comment t'as commencé à faire des sketchs disons des sketchs, mais pas sur Internet, des sketchs. C'est marrant parce qu'on m'a demandé de faire une masterclass sur les web-séries. Et j'ai commencé à... Je vais faire ça à Nantes dans quelques semaines. C'est SoFilm qui organise ça, je crois. Étonnant. Ah, stylé. Ah, ouais, ouais, ils m'ont dit que tu pouvais pas. Donc du coup, on m'a appelé. En gros, ils ont fait toi, ils ont fait Slim, et après ils ont fait, bon, on va faire David Moyer. Et David Moyer, il a dit oui. Bref. Non, mais... ça m'arrive tout le temps, moi. François vraiment, est mort de rire, mais... Moi, ça m'arrive tout le temps, ils tapent vraiment très haut, et puis après ils font, bon, John Rachid, c'est bon, c'est cool. J'ai vécu exactement la même chose pour la chaîne YouTube de Kev Adams. Bref, on n'en parlera pas. J'ai envie de savoir. On en parlera hors micro, mais bref. Je crois que j'étais le 25e. Bref. Et donc, j'ai réfléchi et je pense que c'est Alex Pilot, le directeur des programmes de No Life, Ex No Life, Fun No Life, qui a amené un truc. Lui, il est allé au Japon, il adorait le Japon, et il adorait les trucs de Bioman. Power Ranger pour vous les plus jeunes et donc du coup parce qu'avant d'être un film c'était une série télé oui voilà ok on va loin passer au Club Dorothée tout ça Maskman voilà Bioman 3 Bioman moi c'est voilà. Ça Sankukai aussi il va Sankukai bien avant dans les années 80 Beetleborg plus tard dans les années 90 et donc il va au Japon et il découvre qu'il y a des fans de ces séries qui se déguisent dans la pampa tokyoïte et qui refont des épisodes. Lui, il se dit, putain, c'est tellement drôle. Je vais faire pareil à Nice. Il revient, il sort ses VHS et il fait des bitomanes. Putain, les bitomanes, j'allais te dire. Je te jure, on s'échange. Pardon, excusez-moi. J'ai eu un peu trop d'enthousiasme. Mais ça m'a rappelé avec des potes à l'époque, à Lyon. J'avais 14, 15 ans, je sais plus, 16 peut-être. Et on s'échangeait des cassettes, des bitomanes. Mais oui. Et c'est, pour moi, je pense putain, que c'est le premier mec. T'es lié avec ça? Ben, du coup, moi, je regarde sur Game One. Il est pris en stage chez Game One. Game One, ils ont pas de pognon. Et à un moment, lui, il dit, moi, je fais des films avec mes potes. Ils font, putain, qu'est-ce qu'on diffuse? Oui. Bah, allez, on n'a qu'à diffuser ces films aux stagiaires, voilà. Et il y a une soirée sur Game One en 98, je dirais. Et ça s'appelle La Nuit des Films Amateurs. La Nuit des Films Amateurs. Et j'étais devant ma télé. Ouais. Attends, avant, ils passaient Bitoman. Après, ouais. Ils ont eu l'idée de faire La Nuit des Films Amateurs. Ouais. Donc, d'abord, moi, je vois les Bitoman et je me dis, waouh, on peut faire des références au Club Dorothée. Et moi, je comprends, mon voisin comprend et on est drôle. En fait, on fait comme si c'était les nuls et les inconnus, mais avec avec nos références. Ouais. L'invention des blagues geeks, quoi, si tu veux. Et là, je me dis, c'est génial. Du coup, j'achète une caméra et avec mes potes, on commence à faire Resident Kitsch, Resident Evil, tout ça. Là, Game One dit, on fait la nuit des films amateurs, envoyez vos films. Donc, avec mes potes, on tourne 2-3 films, on envoie. Comment vous envoyez vos films? Je me disais, je regarde VHS. Ouais, dans un colis, en fait. Ouais, ça, colis, VHS. Ouais. On apprend à faire du montage, tout ça. Et je fais partie de ces gens. J'avais envoyé une VHS. Aussi. Sauf que j'avais 15 ans et c'était de la merde. Donc, ça n'a pas été diffusé à l'époque. Ah ouais. Ouais. C'est drôle. T'as mis Bito, tu l'as, je te jure, on s'échangeait. Quoi? Tu l'as encore, cette VHS? Oui, après, j'ai pas de bezoscope, donc ça sert à rien. Moi, j'en ai un. Moi, j'en ai un. Numérise-la et publie-la. Attends, il y a un moment. Pour faire une soirée, j'en ai un. Il y a Florent dedans. Hein. Ah, bah oui. Florent Dorin. Ah, je croyais que c'était toi. Ah, ouais, d'accord. Non, j'aurais eu 4 ans et demi. Mais c'est dingue cette histoire de bitoman, parce que je te jure que j'avais un pote, en fait, qui s'appelle Vincent, qui avait ouvert un magasin d'export de japanime et de machin comme ça. Et c'est lui qui avait ses cassettes de bitoman et il nous les prêtait. Et je trouvais ça complètement très drôle et complètement dingue d'avoir déjà des parodies, puisqu'on sortait du Club de Rodin. Du Sud. Ouais, c'est ça, avec l'accent du Sud en plus. Et puis, il y avait même des guests des fois, non? Il n'y avait pas eu 2-3 guests de Bernard Minet ou un truc comme ça? Pas à l'époque. Non, pas à l'époque. Non, non. Peut-être que tu confonds avec France 5. C'est ça. Ouais, c'est d'être ça. C'est ouais, ça. Il y avait ça, toutes ces cassettes. Il y avait des guests en France 5. Ouais. Et toutes ces cassettes, il nous les prêtait, Vincent, Néopolis. Il avait son magasin Néopolis à Lyon. Et il nous mais les oui, prêtait. J'y allais. T'es sérieux? Bah, moi, je suis de Rhône-Alpes. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Bah, ouais, ouais. Et donc, Vincent, il avait les cheveux longs, un blond, et il continue à vendre sur le net maintenant. Bref, on s'en fout. Et il nous prêtait ces cassettes-là. Et toujours, je trouvais ça génial. La Bitoman, je m'en rappelle très très bien. Et voilà. Bitoman, donc ça date apparemment de 94 quand même. Ah oui, c'est ça. Ah, remonte, oui. Ouais, donc, du coup, je crois que c'est en 96 qu'il a diffusé et que La Nuit des Films Amateurs, c'est 98-99, ouais, ouais. Un truc comme ça. Et ces films étaient diffusés à l'époque, même pas sur Internet, puisqu'Internet n'existait pas. C'était dans des conventions type cartooniste à Toulon. C'est les premiers à avoir diffusé ça et ils donnaient des petits prix. Du coup, tous les ans, nous, on faisait des films, on les diffusait dans ces trucs-là parce qu'il y avait un public. Et les gens dansaient, riaient. C'était fou, tu faisais de la merde. Mais les gens disaient, c'est génial. Et tu disais, je suis Spielberg, je vais en faire plein. Et du coup, ben, on en faisait tous les ans, on faisait ça, on essayait de gagner tout ça. C'est là où Rudy Pomared a commencé, c'est là où les gens de Noob ont commencé. Rudy voilà. Qui faisait Flanders. Flanders Company à l'époque. À l'époque, non, Damned à l'époque. Damned, oui, tout à fait. Merci. Et il y a des gens de Beatoman qui sont après allés chez Nerd ou je sais pas. Non, mais ils ont créé No Life. Et c'est No Life. Ah ouais? C'est eux qui ont créé No Life. C'est chaîne No Life. Et en France fait, 5, c'est eux qui ont créé. Donc, je continue l'histoire. Ils diffusaient donc sur Gaiman et donc ils ont fait une soirée où tous nos films ont été diffusés en 99-2000, un truc comme ça. François était devant, moi aussi, enfin voilà. Et c'était la découverte. Toi, t'étais dedans. Moi, j'étais dedans. Mais dedans de loin. Moi, j'étais en Ardèche. Non, mais moi, je me rappelle de Resident Kitsch. C'était le truc diffusé et oui. Tout. Et je me rappelle, donc, il y avait oui. Ça, Damned, des. Oui. France Phase 1, je crois, à l'époque, peut-être. Moi, j'ai fait chier Game One à l'époque. Je leur ai dit, on peut venir dans vos locaux. Enfin, ouais, non, mais c'est bon, on diffuse ta cassette. Oui, mais on peut venir dans vos locaux pour vous voir. Oui, mais enfin, vous n'êtes pas obligé. Enfin, non, c'est pas grave. On prend des billets de train et on vient, on paye et tout. Et on est genre, monté. Genre Disneyland, quoi. Genre la visite guidée. Bah ouais, parce que Game One à l'époque, c'était un peu la seule chaîne dans laquelle on pouvait se reconnaître. Ouf, c'est que Studio Bagel, des années plus tard, ils ont racheté les locaux et Black. C'était quoi la boîte de prod? Black Flag. Black Dynamite. Black Dynamite. Ouais. C'était là où il y avait Game One quand j'avais traîné là-devant. J'étais arrivé à l'avance pendant 3 heures. Ouais. Pendant 3 heures, j'étais devant les locaux de Game One et j'attendais que ça soit l'heure. Tu vois, en regardant la porte, en voir si je voyais Marcus sortir ou pas, tu vois. Et là, j'y suis retourné et c'était pour. Et moi, je peux comprendre c'est ton enthousiasme parce que petit, je me souviens la première fois que j'avais été, enfin petit, j'avais 15-16 ans, j'étais en option audiovisuelle et on nous avait, c'était à Nantes, et on avait été dans un studio mais de films institutionnels et il y avait des caméras. Et j'étais. Ça va, c'est une caméra. Ouais, mais c'est une caméra professionnelle en fait, j'en ai jamais vu de ma vie et. Ouais. Et j'avais vraiment l'impression d'être dans un studio de télé qui devait être l'équivalent d'un appartement avec 2 caméras. Et j'étais comme un fou, j'en tremblais. Quoi. Et, et je m'imaginais 1000 choses à faire avec ce truc. Et puis je suis sorti de cette pièce avec plein de rêves dans la tête en disant j'ai touché une caméra. En fait, il y en a à Nantes. je savais pas. Elles ont des nifs. Enfin bon, bref, tout ça. Les conventions, les films amateurs, le web arrive. On commence à mettre les trucs sur le web. Sur quel site tu te uploadais la première fois? Nous. Alors, au début, il n'y avait rien. Ouais, donc, du coup, on fabriquait site, notre fait. Site. Ouais. Donc, achète une case en moins.com. On met nos vidéos. Et ce que je disais au début de l'émission, c'est qu'on était obligé de bloquer parce qu'en fait, on payait les serveurs. Donc, du coup, voilà, c'était en 56K. Les mecs téléchargeaient. Ça coûtait énormément de thunes. Quand ma mère décrochait, je l'entendais. Elle disait, ça fait un bruit bizarre. Raccroche, maman, c'est Wanadoo. Ouais, parce que vidéo, en plus, ça, c'était très long à charger. Très long, Internet. Et c'était très petit. C'était le son qui faisait. Voilà. Ouais, après, l'évolution, comme disait François tout à l'heure, c'est Movies. Movies, ça a été les premiers, je crois, en France, à créer une plateforme. Movies et Ciné-Cours, c'était un peu les. Oui, les c'est ça, Ciné-Cours et Movies, où on pouvait, par catégorie, aller voir ces films amateurs. À l'époque, c'était. Pas des podcasts, c'était pas des voilà, c'était des films amateurs, des courts-métrages. Voilà, et c'est là où moi j'ai eu je crois le premier prix web humour movies à Nantes. Voilà, en faisant un truc en 2000 ou un truc comme ça, tu vois. Et c'était la première fois où c'était eux qui payaient les frais de d'hébergement. D'hébergement, voilà. Du coup, c'était tout l'avant Dailymotion, l'avant YouTube en fait, en gros. Et puis après, des années plus tard, moi j'ai complètement raté YouTube, le coche. J'ai pas compris à quoi ça servait. J'avais pas compris Facebook non plus. J'étais déjà vieux, en fait. Genre, tu t'es réveillé, tu fais. Mais merde, ouais, j'ai dormi 5 ans. Ouais, c'est ça. J'ai raté 2 jours de. Pour moi, le reste de l'aventure, après, c'était No Life. Et c'était quand Alex a dit. Tous ces gens-là qui avaient fait les films web amateurs sur Game One, il a dit on a besoin de programmes. On a ressorti toutes nos vieilleries. On en avait beaucoup. Et on a dit on va faire des nouvelles. Et là, avec Poulpe et Didier, on a fait Nerds. Okay. Et la Nerds, on se l'est fait voler et les gens l'ont mis sur YouTube. À aucun moment, on voulait le mettre sur YouTube. Pas du tout. Moi, j'y croyais pas du tout à YouTube. Je suis pas du tout un visionnaire. Sur YouTube ou sur Dailymotion? Sur What? Sur YouTube. J'avais vu Nerds sur What. Ils nous l'ont volé. What, il y avait tout. What? What? Je me souviens, Poulpe. Je me souviens, c'est un très vieux souvenir que j'ai. Poulpe qui dit, moi, mon What, je l'ai bossé. Je veux que ma page What, elle pète et tout. Mec, j'ai une anecdote avec Poulpe. Et David, où on a fait une OP pour What? Pour Uno. Pour Wattai, le jeu. Ah ouais, Wattai. Oui, c'est une sorte de Uno. C'était un espèce de jeu de société. Nous, on avait fait un truc pour le foot. Ils nous avaient payé pour faire une mini-série sur le foot. Mais c'était dégueulasse, hein, je crois qu'à l'époque, c'était 400 Watt, euros. Faut rappeler que Watt, c'est le lecteur vidéo de TF1. Oui, à la base. Ouais. Feu, oui. Ils ont tout fermé. Et eux, ils nous payaient un peu pour mettre Nerds. Donc c'est pour ça qu'après on a mis Nerds. Ok, c'est pour ça qu'il était. Voilà. Okay. Ah, c'était saison officielle quand ça arrivait sur. Ça c'était saison 3 parce que Dailymotion m'ont dit allez vous faire enculer. Ah, non, Dailymotion, c'était plus subtil. C'est on partage. Viens, signe. Vas-y. Non, oui, t'inquiète, on partage. Non. Et là, tu signais. Tu... Ah, j'ai fait des millions de vues là. Ah, c'est bien. Mais du coup, j'ai calculé. Ça devrait faire à peu près zéro. Tu auras zéro en fait. Ouais. Je vais partir. Non. Si, je vais partir. Alors, nous, c'est. Moi, c'est. J'ai dit. Juste. Voilà, on met la web série. On n'a vraiment rien. On l'a fait avec rien. Juste, est-ce que vous pouvez payer les pizzas les jours de tournage? Moi, excuse-moi, vraiment, tu serais pas vraiment, un fin négociateur. Le mec de Dailymotion m'a fait « Non ». Vous connaissez le prix d'une Regina? Et j'ai fait « Ah bah non, alors ». Putain, dur en affaire. Ouais. Moi, je me rappelle de Watt où il y avait Nerds. C'est là que je regardais Nerds et tout. Et puis moi, j'étais aussi très bien chez Watt où ils mettaient en avant. C'était le seul site qui me mettait en avant. MacGyver du Bled. Ouais, à l'époque. Ouais. Et ils ne mettaient pas en avant sur Dailymotion, sur l'autre plateforme. YouTube, c'était inconnu pour moi. Aussi. C'était fallait pas y aller. YouTube, c'était les vidéos très amateurs. Mais moi, qui je me souviens ça qui était très drôle. Qui était sur YouTube? En fait, YouTube, moi, j'avais un souvenir de YouTube. C'était là où il y avait les flammes et effectivement les chats qui parlent français, quoi. Enfin, tu vois, c'était un truc de c'était un peu la décharge en fait. Oh, c'était le vidéo gag du web YouTube à la base. C'était genre, ouais, il y a des vidéos un peu à la con, il y a un fan de Britney Spears dégueulasse. C'était des vidéos de curation sur les sites de divertissement. Il y avait, pas de création, quoi. Non, c'était vraiment des espions, en fait, tu vois. C'était ça, c'était une app de espions sur un site entier, quoi, tu vois. C'était que des vidéos un peu chelou. Quand nous on est passé de Dailymotion à YouTube de façon officielle, on était les premiers, je me souviens. On s'est fait insulter par la communauté et tout le monde. Et pourquoi vous allez sur YouTube? Mais pourquoi? Bah en fait, il y a un robot et il paye, il y a l'AdSense. T'as un accès aussi, tu vois l'argent en temps réel. Attends, c'est vrai, parce que là, Dailymotion, oui, il te paye pas. Ouais, bah comme tout le monde. Ouais, bah allez-y. Et nous, on avait supprimé. Il y a une petite trace de Dailymotion dans ta gorge. Ils ont tout loupé. Ils avaient tout le monde. Tous les jours. Parce qu'ils payaient pas les pizzas. Non, mais c'était ouf, parce que la semaine Dailymotion, c'était. Il y avait. Donc, le Visiteur Futur, c'est grâce à eux qu'on a pu mettre en avant. Il y avait Jean Dugrenier qui est apparu, Norman, Cyprien, Du à perdre. Ils avaient tout le monde. Ils avaient des liens directs avec les gens, en plus. Je me rappelle que moi, c'était Pierre Cross qui taffait là-bas et qui me mettait en avant. Ouais. C'était Pierre Cross qui disait, putain, je vais te mettre en avant, t'inquiète pas, cette semaine. J'ai eu plein de réunions avec Pierre Cross à l'époque. C'est ouf. Mais c'est vraiment c'est dommage. C'est le dernier. Car il est parti, après c'est fini. Ouais, rien, mais ils avaient tout, ils avaient de l'or dans les mains et ils ont joué au con, en fait, parce que c'était quand même le seul site où il y avait de la pub. Enfin, il y avait des vidéos entre les pubs, surtout. C'était hallucinant, quoi. C'était pas pratique non plus, ce player pas pratique. Enfin, les pop-ups qui arrivaient. À l'époque, ça allait. À l'époque, c'était fou. Mais ils ont arrêté de mettre à jour ce truc. Il y avait un truc un peu méritant qui était cool sur Dailymotion. T'étais motion maker, quoi. Il y avait quand t'étais en homepage. Ouais, t'étais en homepage. Et puis t'avais un petit badge. Et quand tu faisais la homepage et que t'étais avec Rémi Gaillard qui était tout le temps homepage, c'était jour de fête, quoi. Quand je me rappelle, quand j'étais en première page de Dailymotion, j'étais là, alors on est là ou pas, il y a quoi? C'est vrai que j'avais oublié cette sensation. Et oui, c'est vrai que tu fais ouais, alors on est pas en homepage là, ça va être vu là. Sauf qu'aujourd'hui, première page de Dailymotion, tu fais baf, qu'est-ce que j'ai merdé dans ma vie. Tu la vois même pas. Tu sais, ils ont inspiré ma vidéo. Mais mec, tu rigoles, mais c'est exactement ce qu'ils font avec mes vidéos YouTube. Sérieux? Je te jure, parce qu'un jour, je crois que. C'est pas Dailymotion, c'est des gens. Non, Dailymotion. Parce qu'un jour, je crois que j'ai tourné une OP avec Dailymotion sur des merguez avec Ophélie Victor. Sur les barbecues, c'était n'importe quoi. C'était très bien payé. Oui. Non, mais t'inquiète, il y avait Aude Gossinger aussi qui est venu ici, qui était dedans. Aude, exactement. Avec Aude, en plus. Aude, Ophélie Winter. Avec Ophélie Winter. Tu le vends très mal, hein. Tu le vends très mal, hein. J'ai acheté merguez. Alors, pardon, mais c'est un peu dur de le vendre bien aussi. C'était vraiment très moche. C'était pas bien. Mais en plus, c'était réalisé par Ken et Ryu qui font Pas Confession. Ça devait être bien, mais c'est pas bien du tout. Et à ce jour-là, il y avait des gens de Dailymotion avec nous parce qu'on est parti une semaine dans le sud et tout. Une semaine à Marseille, mon gars. C'est très bien. Je vais aller la chercher à cette pub. Ça s'appelle Fan de Barbecue. J'en ai rien à foutre. C'est derrière nous. J'en ai rien à foutre. J'étais très bien payé. Il y a eu jour de plus entre temps. Exactement. C'était là-dessus. Et du coup, j'avais rencontré les gens de Dailymotion qui étaient là-bas pour le tournage. Et un mec, il me dit, pourquoi tu reviens pas un peu sur Dailymotion et tout? Je fais, mais non, ça n'a aucun sens. Je suis très bien sur YouTube. Je fais mes vues, c'est super. Et il me fait, est-ce que tu nous autorises à récupérer tes vidéos sur YouTube et les mettre sur Daily? Wow. Et depuis, toutes mes nouvelles vidéos. Est-ce que t'avais dit oui? J'ai dit, ouais, bah, vas-y, faites ce que vous voulez, j'en ai rien à foutre, j'y vais plus. Donc, ouais. Et donc, depuis, toutes mes nouvelles vidéos sont uploadées par un mec chez Dailymotion qui fait bon, bah, c'est toujours ça de prix, 40 vues. c'est extrêmement gênant parce que nous, avec Gaël, on avait. Parce que Dailymotion a été racheté par Canal+, pour ceux qui ouais. le oui, savent non, pas. Non, sans déconner. Si, si, il y a. Oh, il y a quelques temps. Hein. Vivendi, ouais. non, très, ouais. non ouais, mais en gros, c'était Canal+. Qu'est-ce qui se passe là? Il y a un problème. Hein. Ah ouais, c'est. Ah, ils ont lâché l'affaire, mon gars. Le foot, non, Dailymotion, oui. Et là, il commence à nous dire, et nous, ouais, voilà, est-ce que ça vous embêterait que vos sketchs soient en exclusivité 24 heures avant sur Dailymotion? Alors, on répond oui. Ah, ouais, mais c'est quand même pas mal et tout. Et donc, on était en rendez-vous avec un des boss de Canal+, qui nous expliquait que c'était bien Dailymotion. Et là, tu joues aussi un peu ta chaîne, le budget qui peut être alloué sur ta chaîne, etc. Oui, c'est ça, parce que, enfin, voilà, sans faut pas cracher dans la soupe non plus, tu vois. Nous, et t'as lui dire, c'est compliqué. Ouais. Tu dis, non, c'est très, très compliqué. Ouais. Et le boss de Canal, je le dis, qui dit, ouais, c'est marrant que vous dites ça, parce que j'en parle à mon fils de 15 ans, et il me fait, bon, papa, tu vois, il y a Quick et McDonald's. Ouais, il fait quand est-ce que t'as été chez Quick la dernière fois? Ah voilà. Et je fais, bah putain, oui, le fils d'un chef d'entreprise est très intelligent. Ouais, il a très bien résumé. Ouais, ouais. Il était en costard. Le film Baby Boss vient de ce gars. Tu vois McDonald's, tu vois Quick? Écoute, papa, prends un siège. J'ai vendu une série qui n'est pas la meilleure série de ma vie, mais j'ai vendu une série qui s'appelle Space à Golden Moustache après l'avoir réalisée dans ma grange et tout ça. Et j'étais très content de l'avoir vendue quand même. Moi, j'aime bien Space. C'est gentil, merci. Bon, bah, en tout cas, elle a les défauts de ses défauts. Elle vaut le prix que tu t'as coûté. Et surtout, elle vaut pas le prix que je l'ai vendu. Et ça, c'est bien. Du coup, Golden Moustache l'achète, mais ils la mettent que sur leur site. Ils se disent, Guy Mourier, il va ramener du monde sur leur site. Non. Du coup, eux, ils disent, merde, on rentre pas dans nos frais. Mais ils me disent rien. Et les gens, des fois, me disent, mais Space, c'est pas où tu l'as mis où et tout ça. Je fais, mais c'est chez Golden Moustache. Et les mecs me disent, non, on le trouve pas. Moi, je vais chez Golden Moustache, sur le site, je regarde, je trouve pas Space. Je me dis, putain. Ils en ont fait quoi? Ils m'ont rien dit et tout. Et je cherche un peu et je trouve sur Dailymotion. Putain. Et les mecs, vu qu'ils n'arrivaient pas à rentrer dans leur frais, l'ont vendu à Dailymotion sans me le dire. Et je vous jure, il y a 40 vues par épisode, quoi. Et quand j'ai dit aux gens, en fait, c'est sur Dailymotion, les gens se font, ah bah ouais, bah on va pas le voir du coup. Putain. Mais c'est sur Dailymotion. Mais vous avez lancé une recherche sur Dailymotion dernièrement ou pas? Bah, juste une recherche. Karine Debache, moi, m'a ramené un peu à Dailymotion avec l'émission Crost, parce que je crois qu'il a un deal avec eux. Chroma. Chroma, oui, pas Crost. Et du coup, j'y suis retourné pour ça. Mais mec, quand tu lâches, quand tu tapes une recherche, et bah ça tombe pas du tout sur ce que tu recherches. C'est aucun sens. Tu t'habites, c'est que des trucs de dictionnaire. C'est des vieux moteurs de recherche nuls. Ça ne marche pas. Moi, j'y suis retourné il y a pas longtemps pour voir le court-métrage de Charlotte Lebon. Ok. Qui était que sur Dailymotion. Qui était sur Dailymotion. Enfin, elle mettait un lien vers ça et du coup, je me suis retrouvé dessus. Et moi, ça a fait cramer mon ordinateur. Non, c'est n'importe quoi. Ils ont tout gâché, c'est vrai. Peut-être pour recentrer, on en était à 2000. On est allé un peu vite puisqu'on parlait du passage. Parce que je pense que là, maintenant, moi, je suis arrivé vers 2007, mais je pense que vous, c'est à ce moment-là où vous rentrez dans le. Oui, vous y étiez. Voilà, j'allais juste, tu m'ôtes les mots de la bouche. J'allais y venir. Non, mais t'inquiète. Quelle transition. John Rashid. Toi, c'est quand l'année à peu près où t'as commencé sur les créations sur Internet? Alors déjà, putain, mec, il y a des trucs honteux que j'ai fait supprimer justement à l'occasion de fans de barbecue. Du porno. Parce qu'en fait, j'avais une deuxième chaîne qui s'appelait Clark Kent 69002. Parce que est-ce que c'est parce que Clark Kent 69001 était pris? Non, c'est mon cas. Je suis dans le deuxième. Ah d'accord, pardon. Et du coup, en fait, c'était honteux. Je faisais des montages, mais tellement honteux avec du gros rap derrière. Mais il y avait un petit peu de créa bizarre. Et il y avait aussi des playbacks de sketchs des inconnus. Ah, mais ça, je crois qu'on a tous commencé un peu en refaisant des sketchs des nuls et des inconnus. Des trucs tellement sales. Et puis bref, j'ai demandé de supprimer cette chaîne parce que j'avais plus les codes. Et ils m'ont supprimé cette chaîne. J'aurais peut-être pas dû, j'aurais dû sauvegarder les vidéos. Des trucs. Moi aussi, j'ai ça, j'ai cette connerie. C'est dommage. Aussi. Mais ça a commencé bien avant. Quelqu'un dans les bois n'existe plus. Quelqu'un dans les bois n'existe plus. J'en reviendrai. Attends, je veux voir ça. Oui, j'y reviendrai. Et oui, en fait, j'ai commencé bien avant parce qu'en fait, j'étais en famille d'accueil. Truc que je raconterai dans une prochaine vidéo d'ailleurs. Mmh. Et le fils de la famille d'accueil faisait une école de cinéma ou de journalisme, je sais plus quoi. Et il avait une caméra, une vraie caméra. Et il me filmait de temps en temps et je la prenais et je faisais des petits sketchs aussi. Et quand je rentrais chez moi à Lyon, de cette famille d'accueil, je faisais des montages avec deux magnétoscopes en enregistrant un truc et en le coupant et en mettant la suite et tout. Sur les inconnus, sur des playbacks d'inconnus. Wow. Et je faisais des montages et on faisait des soirs avec des potes. Je fais, putain, regarde mon dernier montage et tout. Et c'est comme ça que j'ai fait mes premières vidéos, genre à la maison, mais c'était en 99 ou 2000, ou je sais pas, 98 même peut-être. Et du coup, après, pour quand. Alors, je suis parti en vacances à Lloret del Mar et il y avait des Bretons. Et les Bretons. Attends, c'est très important cette anecdote. Mais en début déjà. Donc. C'est eux qui m'ont fait découvrir Windows Movie Maker. D'accord. Parce qu'en fait, c'était des Bretons. Moi, je venais d'avoir un ordi et ces Bretons-là. En fait, c'était des Bretons. Mais attends, c'est très important. Ils prenaient des photos où ils se bourraient la gueule, ils faisaient des vidéos où ils se bourraient la gueule et ils m'envoyaient des montages. Tu sais, après les vacances, tu dis putain, on garde contact et tout. Et on avait MSN et ils m'envoyaient des montages de quand on se bourrait la gueule avec. Je ne bois plus d'alcool, je buvais à l'époque, voilà. Et ils m'envoyaient ces montages-là. Et du coup, j'ai fait, putain, c'est vachement bien monté, t'as fait avec quoi et tout. Il me dit, bah, c'est un truc génial, ça s'appelle Windows Movie Maker, c'est dans Windows et tout. C'est gratuit, c'est offert avec Windows. Et mec, j'ai fait le montage de nos vacances avec ces Bretons-là, avec nos photos et les vidéos que j'avais. Et j'ai fait le montage, mon premier montage avec Movie Maker, et je l'ai mis sur Dailymotion, sur la chaîne Clark Kent 6900. Je leur ai envoyé sur MSN, je fais, putain, regardez le montage de nos vacances. Et c'est après que j'ai fait plein de petites vidéos et tout, etc. Et un jour, j'ai créé une autre chaîne parce que celle-là était dégueulasse. Et un jour, j'ai pris un pote. Et je lui ai dit, c'était sur la tectonique, et je lui ai dit, putain mec, c'est quoi ce mouvement de taré décérébré? J'ai pris trois sapes dégueulasses, trois sapes dégueulasses complètement, du orange, fluo et tout, etc. Et j'ai fait, vas-y, filme, on s'en fout, j'ai trouvé une idée, je vais dire qu'on a inventé la technique en chassant les mouches. Très basique. Pas que je ne pourrais pas écrire aujourd'hui. Très on n'est pas dans le jugement, c'est non, le passé. Non, mais c'est on le passé, c'est ouais. Le passé, tu vois. Et du coup, j'ai dit, vas-y, bah, j'ai dit à mon pote, tiens, prends-moi, filme, c'est un gars de mon quartier, Moussa, qui a pris l'appareil photo. C'était avec des appareils photo que j'ai acheté à la Fnac. J'ai dit, vas-y, filme, on s'en fout, je vais dire des trucs en impro. J'étais très. Alors, attention, on part dans le. Dans ce qu'il ne faut pas dire. C'est très dieudonné à l'époque. Ouais. Et du coup, dans l'intonation, c'est vraiment du dieudonné. Quand je parle comme ça, je fais. Et dans les blagues cool. Pas dans les blagues, mais dans l'intonation et dans le truc, je vais pas nous casser les couilles, je parlais comme ça, tu vois. Et là, oui, j'ai inventé la tectonique, et puis voilà, tu sais, je parlais un peu comme un beauf à la Dieudonné, tu vois. Bien sûr. Bah, qui faisait très très un bien. Pro, oui. Un pro total de ce machin avec ce petit mort. Montage. Si, je crois. un pro montage de ce truc sur la tectonique où je chasse les mouches, bref, bam, bam, bam. Je me pose le soir, je le mets sur Dailymotion, je fais le montage sur Movie Maker, je le mets sur Dailymotion. Et c'est comme c'était la folie de la tectonique. Je l'upload, mes vidéos faisaient 100 vues ou 200 vues. Je les mettais sur mon Skyblog et c'est les gens de mon Skyblog qui les regardaient. Donc 300 vues, 400 vues. Je mets le truc sur la tectonique. Je me couche, je me réveille et je vois 50 000 vues. Je fais. Ah, c'est énorme. Ouais. Puis ça, ah ouais, c'est colossal. Ouais. Quoi? Pourquoi? Qui? Et en fait, il y a un blog spécial tectonique, un Skyblog spécial tectonique qui était vachement suivi par tous les fans de la tectonique. Pendant un an. C'est exactement ça. Et qui avait publié cette vidéo. Et du coup, tous les fans de tectonique avaient vu ça en disant putain, génial, ils se foutent notre gueule, c'est génial. Et ah ça, ouais, mais c'est des insultes aussi. Un petit peu dedans, ouais. Ah ouais. Il n'y a, pas le lobby de la tectonique qui t'a couru après. Non, genre, mec, ils étaient contents. Non, parce que j'insultais pas vraiment. J'ai dit, je faisais passer ça pour un mouvement à la con, mais c'était pas méchant, tu vois, c'était pas virulent. Et mon perso était totalement mal joué. Enfin bref, c'était nul. Bah, tectonique, c'est là où ils ont inventé la quenelle d'ailleurs. C'était un truc. Mais oui, pour revenir à du donné, quoi. Ouais, bah, voilà, exactement. Et du coup, je mets ça sur 50 000 vues. Je fais putain, merde, c'est quoi ce délire et tout. Il n'y a plus que mes potes qui regardent. Et après, comme je suis un énorme forceur, ça a fait 200 000 vues au final. Ça y est encore avec Dailymotion, avec 200 000 vues, c'est mon score de ouf, quoi. Et sur Dailymotion, c'est sur ouf. Sur Dailymotion, oui. C'est ouf, ouais. 200 000 vues, ça y est encore. Hein. La tectonique au commencement. Et du coup, après, comme je suis un énorme forceur et que je me suis dit, putain, ça marche, génial, j'ai fait plein de vidéos avec ce perso. Et c'était nul, de tectonique à la montagne. Mec, c'était complètement nul et ça marchait moins bien, mais ça marchait un petit peu, tu vois. Et c'est là qu'à un moment... Si c'était la même blague, c'est... Mais voilà, oui, et c'est là que je me suis dit, je raconte tout. Hein. Attends, non, mais t'as raison, mec, c'est ce que tu veux, mais je raconte. Non, non, là, je laisse, là, jusque-là, je laisse. Et donc après, c'est là que je me suis dit, merde, putain, c'est génial de faire des personnages, c'est génial de... J'étais pas du tout dans le truc où il faut que je sois comédien, même si j'avais fait du théâtre et tout, tu vois. Non, ça te faisait marrer, en fait. Ça me faisait marrer, et du coup, j'ai fait, putain, il faudrait peut-être que je structure ça, parce que je les écrivais pas, les tectoniques. Là, tu sais, je prenais la caméra et je faisais n'importe quoi, quoi. Impro. Et j'ai fait, mec, peut-être qu'on va peut-être structurer ça. Et ça a donné Dallas du Bled. D'accord. Donc, je suis allé chez mon ancien éducateur de foyer, qui reste en contact avec nous, et je suis allé, putain, j'ai fait un buzz, regarde, est-ce qu'on pourrait pas écrire un petit truc comme Les Inconnus et tout. T'as dit buzz à l'époque? Non, sûr. Non, j'ai pas dit non, ça. Que c'est Baptiste qui l'a inventé avec Buzzman, bien sûr, tu vois. C'était bien. Oui, avec l'agence Buzzman. Je sais. Mais ouais. Et je dis à cet éducateur, putain, vas-y, on pourrait pas écrire un truc tous les deux, et c'est lui qui trouve le nom de John Rashid, parce que je voulais faire une parodie à comme Les Inconnus, en fait. Tu sais, à l'hôpital Velpo ou l'autre, ça te barbera, ce sketch-là. Et je me suis dit, putain, c'est ça que je veux faire, moi, c'est un truc comme Les Inconnus. Et il trouve le nom de John Rashid, parce que JR Ewing, et on a parodié Dallas, on l'a écrit. John Rashid, JR, putain, ça vient de là. Et on a parodié Dallas. Scoop, je t'ai persuadé que c'était John Rambo. Mais pas vraiment. Non. Et attends, il y a aussi pas une histoire avec le H qui est pas bien mis? Si, alors, c'est ça. Attends, j'arrive à ce truc. Et ce truc, donc on écrit cette histoire, John Rashid y trouve, et j'écris Dallas du Bled, le premier épisode, qui me faisait rire, qui était ultra communautaire, à base de porc en halal et bien tout, sûr. Etc. C'était très communautaire, parce que ça me faisait marrer et que je me rendais pas compte de l'enfermement ethnique que ça faisait. On faisait ce qui nous faisait rire. Voilà. C'est le droit de faire ce que tu veux. Mais, ouais. mais je trouve ça, maintenant, je le ferai jamais de ma vie. Je trouve ça trop. C'est un arabe qui fait des vannes sur les arabes, c'est beau, dans un moment. Il y a déjà le Jamel Comedy Club. Voilà, c'est ça qui a eu. Mais c'était avant, c'était en même temps. En même temps. Bref, je fais ce sketch et tout, et je fais le montage de Dallas Dublet, parce que maintenant, j'étais un tueur sur Movie Maker. Et tu verras bien que c'est les typos de Movie Maker. Et je marque John Rashid. J'étais très nul en orthographe. Je me suis amélioré avec grâce aux réseaux sociaux. Et je marque John Rashid, J-H-O-N. Je monte. Hop. Et j'upload ça avec le J-H-O-N. Et là, les gens me font, mais j'ai une faute d'orthographe sur le nom et tout, etc. Je fais, mais c'est complètement fait exprès, mec. C'est une vanne. Si tu comprends pas les vannes, il y a un moment. Et donc, je me suis complètement trompé comme un connard. J'ai gardé ça parce que. Bon, c'est voilà. marrant, c'est bien. Voilà. Et j'ai lancé Dallas Dublet. Et là, gros buzz. Dailymotion à l'époque. Ouais, Dailymotion. OK. Gros buzz sur mes propres réseaux, Skyblog et tout. Et buzz communautaire. Ouais. Tu vois, tous les rebeux de Lyon ici, régional, les rebeux de Lyon et tout, ils se partageaient ça en se disant, c'est génial Dallas Dublet. Gros forceur, j'ai fait plein d'épisodes. Ouais. Et énorme forceur, parce que ça marchait pas mal, tu vois, c'était cool. T'as pas fait MacGyver du Dublet? Si, énorme forceur. Moi, c'est MacGyver. Et énorme forceur, je me suis dit, et Quentin Dublet. Après Dallas, ouais, et Côte Quantum Dublet. Ah putain, j'en ai pas plus celui-là. Côte Quantum, ça s'appelle. Et c'est très, très, très nul. Et gros forceur, je me dis, bah attends, je vais faire tous les trucs du Dublet, tous les séries des années 90 que je kiffe après Dallas, MacGyver, Code Quantum, Koh-Lanta, Secret Story, c'est ça qui a marché de ouf. Ah ouais. C'est le truc le plus nul du monde, mais ça a marché grave, quoi. Ça suivait, je faisais plein d'épisodes. Mais petit truc, petit inside, elles sont plus dures à trouver, mais Secret Story fait partie aussi de l'ADN de Jérôme Niel. Il a commencé en faisant des vidéos où il faisait l'actu. Et pourquoi ça s'appelle La Ferme, Jérôme? Bah oui. D'après vous? Parce que c'était La Ferme Célébrité. Exactement. Ouais. Exactement. Ça aurait pu s'appeler Secret Jérôme. Ouais. Je me rappelle, à la même époque, c'était ça. Et puis il avait les cheveux longs à l'époque, et je vous invite à aller chercher. C'est sur la chaîne La Ferme Jérôme, je pense. Non, ça s'appelait La Ferme Jérôme pour ça. Oui, mais je pense qu'il les a virés. Non, il les a virés de YouTube. Ils vont aller chercher ça. je compte sur tout, ce public pour les retrouver. Tout évidemment. Se trouve. Ouais. Tout se trouve. Et donc, oui, je fais tous mes trucs du Bled et tout, et ça marche. Et entre temps, en fait, il faut savoir qu'entre Dallas du Bled et MacGyver du Bled, le hasard le plus total, je suis pris sur un téléfilm pour France 2. Hasard total, dans une salle de sport qu'une copine tenait. La copine regardait une de mes vidéos de Dallas Dublet, là, et la directrice de karting est passée, elle fait... De karting, c'est quoi? C'est... Oui. Elle gère tout ce qui est karting, quoi. De casting est passée, elle a vu ma tête, elle fait, c'est qui, lui? Parce qu'on cherche un rôle d'un rebeu, nanana. Et je fais un téléfilm avec Bernard Stora qui s'appelle Le Troisième Jour, en même temps que Dallas Dublet. Et là, dans ma tête, c'est, allez, c'est bon, les mecs, j'ai réussi, ciao. J'ai fait 3 vidéos sur le Bled, c'est terminé, je suis dans le cinéma maintenant, les gars. Sauf qu'avant, après, je savais pas que ça prenait du temps et que ce téléfilm allait être vu par 50 personnes de 50 ans. Et sur France 2 et du coup bah après j'ai continué en mode passion totale et j'ai pas lâché l'affaire. Et là où tout le monde a démarré, parce que je vous voyais tous démarrer, alors j'avais démarré à peu près en même temps que vous, et je vous voyais tous réussir plus ou moins à faire des trucs super, et c'est là que se crée la jalousie. Le moteur et la petite haine, la petite haine. Et je me disais, putain, mais attends, c'est quoi? Je faisais une vidéo par semaine, mec, et je suis passé sur YouTube très vite et tout, et ça marchait app. Et vraiment, pas à Paris. Pas à Paris, exact. Et oui. Exact. Et oui. C'est vrai que ça a changé, c'est la grosse différence. Non, mais il y a eu un vrai arrivé à Paris, ma vie s'est accélérée. T'as raison, mais pour tout le monde. Puis il y a les copains, en fait. Enfin, ouais. D'un coup, ça devient une espèce de clan. Oui, je connaissais personne et je me sentais totalement exclu. Et comme exclu, rebeu, parano. Ah oui, oui. Donc je me disais, non, bien, il n'y avait pas de rebeu. Enfin, il n'y en avait pas. C'était juste du racisme anti-lyonnais. C'est ça. Et tu sais, moi, très vite dans ma tête, je me suis dit, putain, c'est bon, ils aiment pas les rebeux, moi j'arrive pas. Et en fait, non, t'as raison sur un truc, c'est que dès que je suis arrivé à Paris, évidemment, ça a marché de ouf. Dès que j'ai fait 2-3 contacts et tout, j'avais croisé Mister V, qui était déjà à l'époque ici aussi, qui était déjà là avec nous au tout début. Et je l'avais croisé vers Grenoble, parce que ma meuf habitait à Grenoble, mon ex habitait à Grenoble. Et du coup, on s'était croisé, je fais putain, ça y est. Et j'en ai profité quand je l'ai croisé, je fais, toi, tu connais tout le monde, moi il m'aime app. Vraiment parano de ouf. Moi il m'aime pas et tout. Et effectivement, quand je suis arrivé à Paris, tout a décollé. Après, il y a Gemmal au rap qui m'a aidé à décoller de ouf. Bien sûr. Et après, et puis voilà. Mais puis maintenant, on fait des vrais trucs cool. Voilà. Bah, on va y venir. Je passe la main maintenant à François Descraques et ensuite on passera à Baptiste Lorbière. Toi, François, il y a eu ce truc qui avait un peu commencé effectivement des gens comme Davy, comme Rudy, comme Noob. Noob, c'était un peu avant Visiteur. Bien sûr. Ouais, c'est ça. C'était pas Noob à l'époque. C'était Lost Level. Mais à la différence, je me permets, la différence un peu de tout le monde, toi, t'es venu avec une espèce de collectif. Dès le début, t'étais déjà avec des copains. Il y avait une envie de créer un truc ensemble ou t'étais un peu tout seul? J'ai une vision de French Nerd, quoi, tu vois. Toi, t'as été connu par French Nerd. Et... Mais tu faisais des trucs avant? Ah, bien sûr. Ah, d'accord, ok, bah vas-y, je t'en prie. Bah, en fait, moi, bien près de ton micro. À la base, je faisais surtout des courts-métrages. C'était ça le tout, c'était faire des courts-métrages. Après le lycée, et après j'ai fait un BTS où j'ai appris des trucs de lumière, etc. Remets-nous dans le temps, à quelle époque? 2003, on va dire. Alors, on va dire en gros, de 2003 à 2008, j'ai fait plein de courts-métrages qui. En fait, je prenais un an à chaque fois pour faire un court-métrage et c'était des court-métrages qui étaient finalement des gros sketchs. Et je me suis rendu compte que ça ne servait à rien de faire des court-métrages comme ça. Il fallait mieux en faire plus et plus vite et moins cher. Et donc, du coup, au bout de 2007-2008, j'ai dit à Slim, à Florent, je dis « Ouais, il faudrait qu'on fasse un site. » Et on va l'appeler French Nerd. Et vraiment, c'était un nom comme ça. On est des nerds, on est français. Voilà, c'était aussi ce titre de ça. Et on va et on était alors moi j'avais regardé à fond Nerd, Damned et Flanders Company. C'est vrai. Alors juste un petit flashback sur la nuit du film amateur. C'est vraiment là où j'ai regardé ça avec et j'ai tout montré à Florent, Florent Dorin, qui a fait le Visiteur Tuteur avec moi. Et je lui dis voilà, faut qu'on fasse comme eux. Faut qu'on fasse des trucs beaucoup plus simples, beaucoup plus courts, faut qu'on fasse plein. Même si c'est mal fait, c'est pas grave. L'important, c'est qu'on ait des idées. Et ça m'a vraiment lancé de ouf parce que à cette époque-là, quand moi j'étais encore au lycée, qu'on me disait tu veux faire du cinéma, bah faut faire d'abord une école, faut faire la FEMIS, faut après faire Instant Réal. Enfin, il y avait tout un parcours complètement linéaire, hyper long et absurde. Et c'est vraiment la nuit du film amateur. Et donc, Alice Pilote, Roddy Pomeray, David Mourier, qui m'ont montré que, bah, non, il y avait une voie parallèle, la voie de la démerde. Et c'est la voie que j'avais décidé d'emprunter à ce moment-là. Et c'est passé par les courts-métrages. T'étais en fac à l'époque? À la nuit du filmateur, j'étais au lycée. T'étais au lycée. Même collège, je crois. Et après, j'ai fait des études pour apprendre à maîtriser la lumière, les caméras. J'ai appris le montage un peu par moi-même. Et pendant des années, je faisais du montage tout en étant réal, des fois, de tout institutionnel, tout en faisant de la pub. J'ai une pub avec les Hernadettes, moi, je me souviens. J'ai fait une pub avec les Hernadettes, absolument. Ouais, avant que ça... Donc, du coup, je faisais un peu ça, tout en me disant, je pense que l'avenir, c'est sur Internet, mais je ne savais pas trop comment et tout. Et donc, on a créé French Nerd pour vraiment... se créer un cadre qui nous obligeait à faire une vidéo par semaine. C'était ça un peu. Et uploader sur Dailymotion. Alors, Dailymotion. À ce moment-là, c'était Dailymotion, notre seul endroit. Moi, je me souviens, parce qu'en plus, ils avaient ce truc. Moi, je sais que Dailymotion. Alors, pardon, j'avance peut-être un peu, mais il y avait ce truc qui était un peu kiffant. Je me souviens, moi, j'habitais pas à Paris, mais ça me faisait fantasmer de ouf. Ils faisaient les nuits de diffusion au cinéma, les soirées cinéma des cinéastes. De Clichy, cinéma des cinéastes. Ouais. Et je me souviens que vous aviez diffusé, et j'étais là, genre, attends, ils font une web série, et en plus, ils la diffusent au cinéma. On touchait du doigt le rêve du cinéma, quoi. Ah, c'est sûr, tu étais venu dans la saison 1 ou saison 2, je sais pas. Oui, c'est sûr. Et il y avait le Palmacho qui l'avait fait aussi à l'époque. C'était les stars de Dailymotion, Ludovic aussi, bien sûr. Et du coup, c'était au moment où déjà, enfin, moi, au début, sur French Nerd, je voulais tester plein de formats différents. J'avais un truc d'impro, ça s'appelait le Grand Débat. Un truc d'animation et tout. Et des podcasts, enfin, des gens l'oublient, audio. Mais vous faisiez des podcasts sur Star Wars. On faisait des podcasts audio avec Florent, surtout, et des amis comme ça. Et comme on n'avait pas d'enregistreur numérique, on se filmait pendant une heure avec la caméra, en train de parler au micro de la caméra, et après on enlevait l'image, quoi. C'était une image nulle de nous parlant très près de la caméra. Mais la qualité audio est quand même meilleure que ce qu'on est en train de faire, ça qui est assez incroyable. Et à ce moment-là, donc, un des formats qui a le plus marché, c'était le Visiteur du Futur. Et à la base, je voulais en faire, les 5 épisodes maximum, en disant, OK, j'en fais 5 et après c'est fini. Sauf que ça a tellement bien marché, c'était tellement simple à faire. T'es un forceur aussi. Que j'ai forcé le truc de ouf, quoi. Et je me suis dit, mais ce qui serait ouf, ce serait d'en faire vraiment une vraie série, quoi. C'est-à-dire qu'il n'y avait que les 3 premiers épisodes qui étaient un peu des gags. Oui, des petits sketchs, la canette, tout ça, voilà. D'ailleurs, à l'époque, les gens le partageaient, le premier épisode, en pensant que c'était un court-métrage écolo. J'ai gagné un prix écolo green, j'ai gagné plein de trucs. En mode, et j'avais des prix, et les gens disaient, peut-être la suite un jour. J'avais déjà une saison d'avance, tu vois, ils ne savaient pas. Alors que tu tries pas tes déchets et tu vides de l'essence dans des lacs. Donc, complètement. Vraiment. Et je prends des taxis, tout ça. Enfin, voilà, je prends un vélo. Mais ouais, donc du coup, le vie sans futur, c'est un des trucs. Enfin, c'est le truc qui a le plus marché à ce moment-là, mais on a quand même continué à faire de trucs en parallèle. Slim, il a fait aussi sa série J'ai jamais su dire non et tout. Donc, on a toujours fait environ deux ou trois séries en parallèle. Il y avait toujours Raph dans les parages et tout. Et au bout d'un moment, là où ça vraiment... pendant les deux premières saisons, c'était pas payé, le Vistar Futur. Et merci Dailymotion, d'ailleurs, pour ça. Et il payait pas les pizzas? Il payait rien du tout. Même, il avait... Ça aurait été horrible. Si on a réussi à négocier les pizzas. Je sais que le podcast va être centré sur... comment cracher sur Dailymotion. On a tous une anecdote là-dessus, tu vois. Mais c'est important de le dire. Ils ont tous bien niqué, en fait. Ils se sont niqués eux-mêmes. Petite anecdote là-dessus, à un moment, Dailymotion, ils essayaient de faire un truc qui était plutôt pas mal. C'est qu'ils avaient un département pub où ils essayaient de prendre contact avec les motion makers donc, et tout. Gaël en avait fait une. Pour leur proposer des contrats de pub, tu vois. Oui, on l'a fait avec. Ah non, c'était pour Watt, les Reinters de Dunkerque. Et moi, ils m'ont proposé un truc. Ils m'ont dit, voilà. Ils sont venus me voir, ils m'ont fait, voilà, on a un truc, on fait le Vistar Futur, mais c'est, alors je ne sais plus pour quelle marque c'était. Et moi, je leur ai dit, écoutez, les gars, je ne suis pas à l'aise de faire une pub avec les personnages du Vistar Futur, un mec qui vient du futur, ça, moi, je suis pas à l'aise. Si vous voulez, je vous fais une pub qui n'a rien à voir, mais pas avec les personnages du Vistar Futur et tout. Et ils m'ont dit, ah, problème, en fait, on l'a déjà vendu. Comment ça? Bah oui, à La Réunion, les gens ont bien aimé le personnage. Et je fais, ah oui, mais non, vous pouvez pas, on ne peut pas le faire. Il fait, d'accord, ok, on comprend. Si on dit, imaginons que c'est un autre gars qui vient du futur, qui va voir un autre jeune du présent, et je fais, oui, mais ça, c'est du plagiat. D'accord, donc on ne peut pas faire ça. Très bien, très bien. Et ils ont vraiment testé le truc. Ils sont géniaux, ces enfants. Et bon, ça ne s'est pas fait, quoi. Mais bref, donc, au bout d'un moment, au bout de la saison 2 du Vistar Futur, j'avais... parce que j'avais... parce que mon but... Petit flashback par rapport à la nuit du film amateur, mon but c'était d'être diffusé avec Alex Pilot. Ouais. Quand Alex Pilot a créé une chaîne No Life, mon but c'était d'être diffusé sur No Life. Bien sûr. Du coup, avec la saison 1 du Vistar Futur, j'essaie d'être diffusé sur No Life. Quoi. C'était genre mon but, ça a mis des années, tu vois. Ouais. Et maintenant, spoiler, Internet a un peu mieux marché que No Life. On peut le dire. Ça a mieux tenu. On peut le dire. Mais moi, ça m'a permis. Quand même non. D'être remarqué par David Mourier et Monsieur Poulpe qui sont venus me chercher et qui m'ont dit écoute le Vistar Futur c'est bien sympa mais on aimerait aussi faire une émission avec toi et tout et c'est ça qui a donné donc, le Golden Show et c'est là où on a rencontré un stagiaire qui nous invite dans les émissions. Nous, on l'avait rencontré bien avant, ce stagiaire. Il venait à toutes nos dédicaces. Ouais. Alors, c'est parti. C'est parti. On parle de forceur. On peut y aller. Est-ce qu'il y a Lormer aussi? Il y a la partie Flaubert. C'est parti. Moi, j'ai une anecdote là-dessus. Alors, on a tous la même anecdote de Flaubert qui vient. Qui apparaît, oui. Qui apparaît dans des soirées de fans. Genre, moi, j'avais fait un concert de Vistar Futur. Il vient et je fais « Ah, mais ça va, Flaubert, machin ?» Je commençais à le connaître. Il fait « Ouais, moi, je suis pas fan. » Il était venu à un concert d'une web-série, hein, tu vois. Donc, il est un peu plus obscur que ça. C'est un des rares qu'on a vu à la dédicace de Karate Boy à la Fnac des Halles. Oui, on n'avait personne. Et il était là. Il était le premier. Il a gagné à gérer le sur votre tombe, le poème. La compo, donc il a joué vous la poupée gonflable. C'est magique, mec. Ça dit pas que c'était moi. C'est magique. Il a joué la poupée gonflable dans Jiré Lolé. C'est comme si tu l'as joué dans Nerds. C'est le figurant qui était partout là depuis le début. Ouais. Putain, mais il était là. Mais oui, parce que moi, je me suis dit, putain, Flaubert, ok, je vois qui c'est et tout, mais t'as popé comme ça d'un coup. Non, il était partout avant. Karate Boy. Et finale de saison. Il joue dans Karate Boy. Il joue dans Karate Boy. Ouais, fin de saison 2. Ouais. Et aussi, il m'avait envoyé des parodies de grands débats, dont le fameux le sperme contre la cyprine. Mais tu sais que c'était pas des parodies en fait. Et on reprenait le concept, oui. Ça nous faisait beaucoup rire. Et c'était un truc que même je faisais en impro avec des potes. Et je me rappelle de montrer ça à Sim, il me dit ok, ce gars, il débute, mais il est marrant. C'est pareil, cool. Nous on avait fait un concours de reprise de 10 minutes à perdre et Flo avait fait caca dans les bois le lundi matin et en version noir et blanc il avait repris le truc aussi putain c'était la vraie version originale des reprises. On avait eu plein de trucs super mais celui-là nous avait tapé. Flo m'avait envoyé un couscous un jour. Ça c'est juste parce qu'il est raciste. Mais c'est vrai qu'avec Poulpe on l'avait repéré et on le voyait tout le temps en dédicace et quand on a eu besoin d'un stagiaire pour le Golden Show. Moi, je l'ai découvert chez vous. On a dit venu tourner Calendar War. On en parlera après de Calendar War. C'est un peu ce qui nous lie tous les tous. Oh, parce que même toi, tu joues dedans. Et j'arrive et je fais, mais je te connais. Mais oui, Caca dans les bois. Oh putain. Et Robert est le seul mec qui a adapté une de mes BD en court-métrage. En court-métrage. Ouais, c'était la première bande dessinée. Une fois. Ouais, il était une fois une fille que j'ai rencontrée deux fois. Et ça m'a fait très plaisir. Donc, s'il y a un concours de forceurs ici, qui gagne. Mais tu sais que je découvre tout un monde là, c'est un truc de malade. Non, mais il faut savoir, pour ma défense, entre guillemets, ça n'avait pas pour but vraiment de forcer parce non, que mais c'est non, pour ça que c'est pour ça que non, ça je le dis c'est pour ça pour but de nous réunir ce soir moi j'ai reçu des trucs sur Nerds je sentais que les mecs ils écrivaient des épisodes de Nerds pour être dans Nerds je les évite dans la rue mais tu sais que c'est ces gens là c'est pour ça que je disais moi je suis pas fan c'est parce qu'en fait j'étais un peu pas gêné mais c'est qu'il y avait des fois des gens de votre public qui étaient qui étaient en recherche en fait qui attendaient des gens comme vous parce que ça n'existe pas, tu vois, mais tu les reconnais les gens un peu chelous, les mecs. Oui, c'est ça, mais toi, quand t'es un peu dans. Tu vas au même événement, quand tu vas à la dédicace de Karate Boy, tu sais, t'as envie de dire très tôt alors je suis pas. Moi, c'est juste que, en fait, je me reconnais beaucoup dans ce que vous faites. Mais sache qu'on te croit pas. Voilà. Sur le moment, on te croit pas, on se dit. Sur le moment, c'est vrai. Mais après, c'est drôle, ce genre de. Nous, on a pas mal. On a Antoine Daniel qui était. Qu'on avait fait décoller. J'en ai entendu ça. Lorenzo, l'empereur du sale. Ah ouais, le rappeur. Anecdote géniale. Je l'adore ce qu'il fait. Et il me dit, tu veux venir voir mon concert au Bataclan? Je dis, oh, ouais, grave, sur Instagram, on se connaît pas et tout. J'y vais, et puis le mec, il fait, ouais, tiens, prends mon numéro, et puis on se boira une bière après et tout. Je suis, oh, trop bien. Je kiffe trop le perso et tout, machin. Puis on parle. Et puis après, enfin, on se voit, on boit une bière. Puis je connais sa tête. Parce qu'il a plus ses lunettes, son truc. Putain, je connais sa tête. Et puis le mec est vraiment en train de boire mes paroles. Je suis, putain, c'est bizarre. Ok, et je repars, j'étais avec un pote et il me fait, putain, il t'aimait bien. Je suis, mais je connais sa tête. Et à l'époque, ça ne marche plus. Tu mettais le numéro de téléphone dans Facebook et tu pouvais voir qui appartenait. La personne, ouais, exact. Et je suis, bah, attends. Tac, je mets le numéro de téléphone, je vois un nom chelou, je vois que je suis ami avec depuis 2010. Et là, paf, je reviens dans les messages. Et le mec était au lycée et il était archi fan et il m'envoyait plein de messages. Putain, et il avait fait une chaîne et je me souvenais et tout. Et du coup, je l'appelle, je fais, mec, ça y est, je t'ai remis et tout. Il fait, oh, putain, je voulais t'en parler, mais j'osais pas. Et il m'a raconté plein d'anecdotes de trucs qu'il avait fait pour diminuer ta perte à l'époque. Et je fais, putain, mais c'est le meilleur truc, c'est de ton succès aujourd'hui, te dire qu'on t'a donné un peu envie. C'est tellement le truc le plus jouissif du monde. Mais parce qu'il y a ce truc-là, hein, c'est un truc, voilà, sans vous branler pendant 20 minutes, parce que c'est un truc que je garde pour la retraite, me branler, demander quoi. C'est un truc que je veux faire quand je serai à la retraite. Mais il y avait un côté un peu inspirant, c'est-à-dire qu'il y avait un côté. Le cinéma, la télé, c'était inaccessible. C'était sûr. Quand t'es jeune, tu te dis, bah non, c'est pas possible, faut connaître ces gens-là. Internet, il y avait un côté, oh putain, et d'autant plus l'Internet, pour le coup, un peu plus geek, que ce soit François ou Davy, il y avait un peu ce truc genre, oh là là, il parle ma langue. Moi, j'étais au fin fond de la Bourgogne, donc ça ne perd. Après, j'arrive à Paris, le fac, mais un peu chelou, donc peu d'amis. Et je me dis, oh putain, il parle ma langue et ça a l'air d'être possible. Et c'est un peu plus à la rage, donc tu te dis, ah là, ça a l'air d'être plus faisable, du coup. Et donc voilà, moi, je m'étais beaucoup reconnu dans tout ça, mais, et c'est pour ça que voilà, je voulais. Mais d'ailleurs, le sketch qu'on a fait dans le Golden Show, le fan du fan, c'est un peu une mise en abîme du processus qui est arrivé. Bah oui, c'est ça. Ouais. C'est ça. C'est complètement génial. Mais je m'étais toujours dit, et c'est plus pour ça, en fait, c'est plus dans ce sens-là, je m'étais dit, si je veux aux dédicaces, je veux montrer que je fais des trucs et que c'est pas juste, oh les gars, je vous adore. C'est les gars, je vous adore parce qu'en fait, vous m'inspirez et vous me donnez envie de faire mes trucs. Et c'est pour ça que, par exemple, j'avais fait des faux grands débats. J'avais refait une parodie au plan près de J'ai jamais su dire non. J'ai jamais su dire non de Slim. T'as envoyé à François ou pas? Ouais, bien sûr, à François, par mail. Je me rappelle. Et Davy, encore plus old school, je lui avais filé le Blu-ray. Enfin, le DVD, pardon. J'avais fait le court-métrage de sa BD que j'avais beaucoup aimé. Et tu lui as filé le DVD? Je lui ai filé le DVD, une dédicace, et c'était trop bien. Tu l'as regardé ou t'as fait le mec? Si, bien sûr. Et en fait, c'était trop nul parce que je viens faire des dédicaces et carrément, je fais, puis voilà, juste, j'ai fait ça. Il me fait, c'est quoi? J'ai adapté ta BD, mon court métrage. La méga classe. Ah ouais, d'accord. Et je l'ai regardé chez moi. Alors, non, c'était pas ta meilleure réa. Ah non, mais c'est nul. T'avais quel âge? J'étais pas si jeune en plus, c'est ça le truc. Mais Flaubert, Flo a progressé, mais genre en un an, j'ai vu ses capacités en réalisation de exploser. C'est Golden hein, qui t'a. Ouais, mais qui jouait dans cette. C'était moi, et pour le coup, je suis un très mauvais acteur. C'est pas pour faire Colette, mais je joue pas bien. Et là, je jouais dedans et j'avais pris des gens de fac. Parce que tu sais, la fac ciné, c'est toujours ça. C'est genre une histoire d'amour. C'est à Paris, ça se passe à Paris. C'est une histoire d'amour, une rencontre, tout ça. Et bon, c'était. Mais ça m'a quand même touché, en fait. Parce que qu'il adapte cette BD qui était un truc autobio pour moi. Et qui m'avait touché. Enfin, c'est une BD que je sentais que ça l'avait touché. Et ça se sentait quand même si, bon, les plans étaient un peu longs. Ah, c'est et moche, tout ça. C'est mal joué. C'est le premier truc. Mais voilà, c'est ça. Mais en tout cas, ça m'a touché. Et puis, à chaque fois qu'il faisait un truc avec Poulpe, on disait, putain, quand même... Il est drôle, il a quelque truc, chose, quoi. Il a un truc. Ouais. C'est génial. Et 10 minutes après, voilà, j'avais fait une parodie de. Enfin, pas une parodie, c'était un concours que vous aviez lancé. Un concours de parodie, ouais. Et je m'étais dit, ah, vas-y, j'ai envie de le tenter et tout, c'est cool. En fait, j'avais plus envie d'être. Mais c'est toujours un syndrome que j'ai, d'être kiffé par le métier, entre guillemets, c'est ce qu'on pouvait déjà dire métier, que par le public, en fait. J'avais plus un côté, genre, en fait, je savais que j'étais pas très bon, enfin, que je débutais, en tout cas, qu'il y avait peut-être un truc, mais que je débutais. Et je m'étais dit, bah. Les meilleurs profs sont les mecs qui font ça, en fait. C'est des mecs qui dont j'aime les fictions sur Internet, ouais, parce que je sais que, tu vois, j'avais besoin de mettre Jedi un peu de ce truc-là. Et c'est pour ça qu'en fait, moi, c'est, je remercie, enfin, c'est le kiff de A à Z, parce que le Golden Show était un peu la clé de ça, où vraiment j'étais stagiaire dans une entreprise de sketch, fait par trois gars dont je kiffais le travail, qui découvraient aussi un peu de travailler tous les trois ensemble. Enfin, c'était la meilleure école. Quoi. Et surtout que, alors, je me rappelle, parce qu'à chaque fois qu'on faisait des rayons d'écriture, où t'avais du taf, t'étais censé faire du montage, et bah t'étais là, t'étais dans la pièce. Moi, je montais la nuit, donc du coup, j'avais du temps libre la journée. Et vraiment, enfin, je sentais. Nous, on faisait ça, on me disait, on a un public, tu vois, on a un public test. Mais tu te mets tes idées en même temps, non, pas du tout, non, j'allais jamais jusque-là. Non, non, franchement, en fait, moi, je suis très pudique. On le laissait faire le Golden Short. Oui, il avait. On lui laissait toutes les. Il avait le même. Dès le début, on lui a dit, vas-y, il a eu ses Golden Short. C'était entre les Golden Shows, toutes les semaines, pour que les gens attendent un petit peu les sketchs, parce qu'on mettait quand même un mois pour faire le sketch, tout le truc en entier. Lui, il devait trouver des idées et faire un mini sketch en fait le mercredi. Avec un peu de making of aussi. Avec ça, un ça peu de making of. Ça se retrouve ou pas? Ah ouais, oui, sur YouTube. Sur Golden Show. Ouais. Mais c'est pareil, c'est non, c'est bien. Début c'est bien, de création, c'est gentil. Mais il se mettait la pression de ouf, parce qu'il en a vomi des fois. Ouais. Ah oui. Non, mais j'étais malade. Mais t'avais quel âge? T'avais quel âge à cette époque? J'étais assez vieux en fait. Bon, dis l'âge. Je me souviens plus. T'as quel âge? 24, 25? Là, j'ai 26. 26. Donc j'étais à la fac. Non, j'étais plus jeune. 22. Ouais, je pense que c'est un... En fait, j'ai commencé sur les 4, c'était il y a 5 ans. Donc j'avais 21. Okay. Donc j'avais 19-20 quand j'ai commencé. Mais comment déconne, t'étais si jeune? Ouais, j'avais 20, je pense. Mais on avait le droit de te faire bosser. J'avais une convention de stage de la fac. Donc, t'avais vraiment une convention. Ouais, bien sûr. Et ils comprenaient pas, d'ailleurs, c'était très drôle. Il a fallu expliquer. C'est vrai que comme métier, c'est un peu bizarre. Non, mais c'est très drôle. Je suis dans une cave avec les mecs. Je me souviens d'avoir jamais rendu ma convention parce que juste derrière, en fait, j'ai bossé, j'ai fait sur les 4 au Golden Show. Oh, Golden Moustache, pardon. On se mélange, hein, c'est fou. C'est bizarre, parce qu'on dirait qu'ils ont volé notre nom sans nous le demander. C'est bizarre. Hein. Alors, tu sais que j'ai failli demander... Ils ont pas volé notre site d'Immutable. Ah mais si, c'était pareil, en fait. Comment ça, d'Immutable? Alors sache qu'ils ont demandé. Quand on a dit non, ils ont dit, bah si. C'est vrai. Ah non, ils nous l'ont dit, oui, on s'est clairement inspiré. Mais d'ailleurs, on va passer à toi, Baptiste, parce qu'on a fait une longue parenthèse sur moi. Baptiste, toi, c'est encore un truc un peu différent, parce que vous avez mélangé fiction... Mais curation et aussi. Curation, donc vous avez créé 18 à perdre. C'est quelle année 18 à perdre? Si je peux me permettre, avant de commencer sur Baptiste, moi quand je voyais les trucs de Baptiste, je me dis, c'est bon, c'est des mecs de la com, c'est normal, ils font ça pour la com. Eh ben oui. C'était pas. Jalousie. Mais oui, dans ma haine. Et moi, je suis arabe. Mec, je te jure, je voyais les trucs de 18 à perdre et j'avais fait une parodie un jour, je suis désolé, j'espère que tu la retrouveras jamais. Je me foutais de vous de ouf. Parce que je me disais, putain, c'est des mecs de la pub, c'est normal qu'ils font des vidéos, quoi, mais c'est uniquement pour la pub, c'est pas de la créa. En mode vénère, voilà. Ouais. Voilà, parenthèse vénère. Mais maintenant, tu sais que je t'aime, maintenant, il n'y a aucun problème avec ça. Alors, après cette haine. Quelle année, 10 minutes à perdre ? 2010, 3 mars 2010. D'accord. Et avec Gaël, on a fait ça tous les deux, on s'est rencontrés un an auparavant, en 2009. Mais Gaël, qui avait déjà commencé Jolamouk. Un peu, ouais, Jolamouk, qui avait une vidéo qui avait beaucoup tourné, qui était le Ta Gueule, là. Le oui, Ta Gueule, ouais. Pareil, c'était moi, j'avais rencontré 2005, ouais. En 2000, mais c'est pas plus tôt un succès encore. Basé sur la misogynie, 2000, hein, Gaël, 2001, on peut le dire. 2002, 2003, attends, 2004. C'est ça, ils ont fêté les 20 ans de leur groupe, donc 98, ouais, peut-être 98-2000, ouais. Et en fait, parce que je l'avais rencontré, à l'époque, il y avait des films faits à la maison sur Canal Plus la nuit. J'étais passé. Et bien sûr. Ouais, nous, on était passés, tout ça. Et Gaël passait aussi. Et je crois qu'ils avaient fait une soirée, un truc comme ça. C'est là où nous, une case en moins, on avait rencontré Jolamouk. Qui était le groupe qui est toujours. C'était avant de rencontrer ah ouais, Baptiste. Bien avant. Ah ouais. Ça date. Je suis plus jeune, on a 7 ans d'écart avec Gaël. Ah putain, il est si vieux que ça, Gaël. J'étais pané quand il faisait Jolamouk. Il a 40 ans, Gaël. Moins. Ouais, bah moi, oui. je suis plus jeune. Merde. Alors, Baptiste, excuse-nous, on t'a coupé mille fois. Donc, on s'est rencontrés. En fait, j'avais créé un journal humoristique, un fanzine qui s'appelait La Grosse Commission. Bien sûr, que j'ai toujours. Un journal, c'est vrai ? Ouais, bah, tu sûr. L'avais ? Tu me l'avais filé. Ah, je l'ai filé. Et du coup, je l'ai mis de côté. T'étais tellement forceur que tu l'avais. Avant, j'avais fait un fanzine, hommage, qui s'appelait La Petite Commission. Qui était un fanzine, un journal humoristique gratuit à lire aux toilettes, que je tirais à 15 000 exemplaires et que j'avais fait financer par de la publicité. J'avais été démarcher des annonceurs en disant hey, filez-moi 200 balles là, 200 balles là, etc. Et c'était un truc un peu à la Rakiri, c'est-à-dire qu'il y avait des dessins, mais il y avait aussi beaucoup de photomontage. Et j'avais fait deux numéros. Et le deuxième numéro, enfin mon premier numéro, j'ai une pote qui venait de Nice qui me dit oh là, tu connais Jolamouk? Non, j'écoute, je tombe sur Kaka. Je fais ok, j'aime beaucoup. Et il me fait bah attends, mais c'est mon pote. Et lui aussi, il fait un peu de BD qui s'appelait Billy 16 ans, 13 ans, skate et meuf. Et on se rencontre dans un bar. Et c'était vraiment genre sur Facebook, salut, il paraît qu'on doit se rencontrer. Ouais, ok, bah rencontrons-nous et tout. Et puis on a sympathisé. Je lui ai dit, ah ben mec, si tu veux, je te file deux pages dans le prochain numéro de mon fanzine. Ok, il fait le truc. Et puis entre-temps, moi je bossais dans une agence de pub qui s'appelait Buzzman. Le buzz. Et je m'occupais aussi dans cette agence du blog Buzzman TV, qui était un blog de curation pour la publicité, mais on avait, je faisais de l'éditorial aussi, je créais des articles sur des, comme le fait Topito, des top 5, des, ouais. Enfin, je faisais plusieurs choses, parfois des petites enquêtes et tout, c'était assez kiffant. Et en même temps, du coup, je me baladais beaucoup sur les sites américains qui étaient Funny or Die ou College Humor, et je dis putain, il y a un truc à faire et tout, ce serait quand même drôle et tout. Et donc à l'époque, j'ai l'idée de faire le What the Fuck Show, qui ne sortira jamais, qui était le projet de réunir des gens du web. Et à l'époque, il y avait, j'avais contacté Pantero 666, qui n'était pas Pantero 666, que je connaissais par une pote et qui faisait ses, les versions françaises des bouquins français en Lascar. Je ne sais pas si vous avez vu ces trucs-là. Non, ça avait un petit peu cartonné. Il faisait le Lascar qui t'expliquait. Ah si, si. Non, rien à voir avec Camelto. Si, c'est Camelto. Ah, c'est lui ? C'était Camelto. Si, okay, mais bon. Qui fait maintenant l'électro, okay, et qui est bon. Mondialement connu. Ah ouais ? Et, ouais, Pantero 666, c'est très très connu. Et il y avait lui, on était plusieurs. Et moi, en fait, je voulais produire le truc en disant voilà, je vais faire une émission qui s'appelle le What the Fuck Show et qui va être financée par le placement de produits, je vais réussir comme j'ai. C'était le zapping amazing, on peut le dire. C'était le zapping amazing avant l'heure, quoi. C'était tellement trop tôt. Mais comme j'avais fait avec mon fanzine, je me suis dit pourquoi pas le faire avec la vidéo. Donc je contacte tous ces gens et tous me disent t'es gentil, mais en fait on a un boulot à côté. Et Internet, c'est pas un boulot. Ah ouais, pas faux. Et du coup, je suis emmerdé parce que j'avais déjà lancé mon site, la construction de mon site qui s'appelait donc 10 minutes à perdre à l'époque. Ah donc t'avais déjà le nom. J'avais déjà le nom et c'était déjà en construction. Je savais comment ça allait être et tout. Et c'est pas arrivé à deux avec Gaël en gros. Non, il était déjà dans le brainstorm. Parce que j'ai retrouvé la conversation Facebook. On devait être une douzaine de potes, dont Gaël dedans. Je disais, voilà, j'ai dit non. Qu'est-ce que vous pensez? Et c'était 10 minutes à perdre qui était ressorti, quoi. Et je suis là, putain, merde, faut que je trouve un truc. Je suis emmerdé, etc. En plus, j'avais quitté mon taf, bien intelligemment. Et qui était trop mon premier taf. Trop tôt. Beaucoup trop tôt. Et je quitter son taf, pour les gens qui nous écoutent, c'est un truc qu'on faisait quand on n'était pas heureux dans son travail. et je me suis dit, putain, mais c'est vrai, Gaël, je me souviens, il m'a dit qu'il avait une caméra. Vraiment le truc. Du coup, je vais le rappeler. Ouais. Et puis, il suivait le truc et je fais, mec, voilà, j'ai ce projet-là. Et lui, il bossait à l'époque pour Combini. Il écrivait pour Combini. Combini pour, existait déjà. Ouais, ça existait déjà. Eh oui. Mais mec, je serais marié avant toi. Combini c'était une télé, c'est-à-dire que tu te connectais sur Combini, c'était direct une télé. Il n'y avait pas de rubrique, donc c'était très chiant. C'était comme si tu regardais ta télé sur Internet. Mais eux, ils disaient ça, c'est l'avenir. On disait, ah, c'est pas sûr. Parce qu'en fait, l'avenir, c'était répondre entre deux mots, au final. Exactement. Tu vois, c'est là où ils ont été malins. Ils avaient le palmachot à l'époque. Ils avaient le palmachot, ils arnaquaient un petit peu tout le monde. C'était un peu comme Dailymotion. C'était les anciens de la pub, d'ailleurs. Et Gaël, je propose le truc. Il me fait ça défonce, c'est trop bien. Donc là, on est à deux. On brainstorm, on commence vraiment à bien construire le site. Qu'est-ce qui va se passer, etc. Il y aura de l'éditorial, il y aura des vidéos et tout. Vous étiez seul que deux ou ça appartenait à personne, 10 minutes à perdre? Non, c'était à nous deux. Ok, génial. Et je lui dis, d'ailleurs, est-ce que tu veux pas, si on le fait tous les deux, bah vas-y, tu payes un peu le site. Ok, donc on fait moite-moite. Ok, oui, putain, ouais. Donc on fait moite-moite, tout, et puis on n'a pas de vidéo. Donc on décide de réfléchir à faire des vidéos. Et puis j'avais rencontré une meuf qui s'appelle Aurélie Thomas, je crois, qui faisait les météos toutes nues sur le truc de Farrugia. Ah putain, c'est la grosse émission. Non, ça s'appelait sur les news... Il y avait Camille Combal, d'ailleurs. Camille Combal. Et en fait, ça... Pardon, je fais une mini-parenthèse, mais ça, forceur un jour, hein, forceur toujours. En fait, ils passaient en mode BFM TV, mais c'était avant... Enfin, c'était les trucs en dessous. Ils mettaient des fausses infos, tu vois, comme dans les news américaines, ouais. Tu vois. Et en fait, tu pouvais envoyer tes vannes. Les mecs ont inventé Twitter avant que ça existe. Et tu pouvais envoyer tes vannes. Et moi, j'en avais envoyé plein. Je trouvais ça trop stylé. T'sais, pour moi, c'était l'équivalent des... Mais ils avaient mis l'émission, quoi. C'était un petit peu bloqué. Est-ce que tu allais à la rue Pierre-Demont voir une émission? Oui, moi, oui. Mais j'aurais tellement aimé, moi, que je regardais à la télé. Je suis en comédie, ouais. Et donc, du coup, ouais, j'avais envoyé des trucs et c'était le gros truc de Farouchia. Pour moi, j'étais là, genre, OK, ça va être ma porte d'entrée. Bon, ça ne l'a pas été. Je n'ai jamais rencontré Farouchia ni Camille Combal. Et cette fille nous confie un pilote avec elle, qu'on peut appeler un pilote, vu que et c'était horrible. On va tourner chez elle. En banlieue, elle est dans un couloir aérien, donc il y a l'avion. La caméra, c'était une semi-automatique mini DV avec le micro intégré. Donc c'était une catastrophe. On entendait le bruit du moteur et on a tourné avec pendant au moins 2 ans. Et on voit le truc, on fait c'est horrible, c'est pas possible. Et sauf que on avait fait une sorte de mini teaser de détournement. On avait fait un détournement en disant c'est le 3 mars 2010. Ok, donc le temps arrive. Faut qu'on fasse des vidéos. Et on ne se souvient plus vraiment de pourquoi on a pris ces personnages, de pourquoi on a pris ces voix. Notre premier sketch, c'était vraiment payé. C'était pas encore le duo. C'était ça le premier sketch. Le premier sketch, c'était Nature Zob, éclair du cul et vraiment payé. Éclair du cul, Moi, éclair du cul, c'est. Quand j'ai vu ça, j'ai fait. Ah, les bâtards, ils ont tout compris. vraiment, j'ai fait. Ils ont compris Internet. j'ai fait genre, c'est ça, en fait. C'est ça qu'il fallait faire depuis le début. Et je me rappelle, j'ai vu ça, j'ai fait. Ok, bon, ils ont tout compris. Et dans la même année, il y a Cyprien qui me contacte, il dit viens, on se voit. Cyprien, il aime bien rencontrer tout le monde. Il aime bien dire viens, on se voit. Il a fait la même chose. Et je lui parle de ce que je fais et tout. Il fait c'est pas mal. mais ce qu'il faut faire, c'est des mythes à perdre. ouais, à l'époque, il me dit ça. Je fais oui, je sais. Et du coup, on fait ce truc et carton immédiat. Carton immédiat, donc grosse, grosse chance. Et on se retrouve à faire 3 vidéos par semaine. Donc t'en faisais une, t'es mignon. Putain! On en faisait 3, le lundi, le mercredi et le vendredi. Mais surtout, c'est qu'on était. On arrivait, OK, qu'est-ce qu'on fait? Je sais pas, attends, vas-y, une idée, tac, on écrivait, on allait tourner dans la rue, dans l'appart, on montait et le soir, on mettait en ligne. Il y avait pas plus encore. On n'est plus du tout chez la meuf en banlieue. Ah, on a dégagé le truc. Okay, on s'est retrouvés à faire nous-mêmes nos vidéos parce qu'on n'avait personne qui voulait le faire. Okay. Et on faisait ça, plus l'éditorial sur le site tous les jours. On avait une dizaine d'articles, après, c'est passé à une vingtaine d'articles. Et ça, c'est vous-même qui faisiez des articles. Putain, moi, je crois que c'était vraiment. En tant que Lyonnais bien expatrié, bien loin, je me disais, il y a toute une boîte auto qui publie tous les jours. On était dans un 15 mètres carrés chez Gaël. J'étais derrière, lui il faisait le montage pendant que j'étais en train de faire les articles. J'ai dit putain, et au bout d'un moment c'était compliqué. Et c'est qui magnifique. On trouve dans la rue Flaubert. Qu'on avait déjà rencontré avec Level Crew, Hugo, de Hugo tout seul, qui attendait un mec qui lui vendait un truc. On lui parle et ouais, j'ai pas de taf, machin. Et nous, on commençait un peu à avoir de l'argent parce qu'on avait mis de la pub sur le site. On fait, mec, on te paye 300 balles par mois et tu nous fais des articles. Non. Ok. Et Hugo est devenu rédacteur sur Comme ça, parce que tu l'as croisé dans la rue. Ouais, mais parce qu'on l'avait déjà vu avant. Et à un moment, il y a Norman qui commence à faire ses vidéos. Ah, regarde, mon pote qui fait, est-ce que je peux le mettre? Ouais, vas-y. Ça partage, ça cartonne. Et Hugo commence à faire ses vidéos. Et on le met sur le site, etc. Ouais. Ça commence à prendre. Nous qui commence à rentrer dans le collectif. Au même moment, enfin un tout petit peu après, Natou, qui était flic, nous envoie des vidéos de parodie de 10 minutes à perdre. Ils sont encore en ligne. Elle les a gardées sur sa chaîne. Putain. Et on fait, putain, vas-y, elle est trop drôle, une meuf qui fait ça. C'était rare, des meufs qui étaient sur YouTube à l'époque. On en avait quand même vraiment de plus en plus. Quoi. Oui, bien sûr. Mais à l'époque, c'était vraiment, vraiment très rare. Pas du tout. Et on la contacte, on la voit, je suis flic. Ah, nickel. Vas-y, travaille le truc. Entre-temps, t'as Hugo qui me fait, ah, j'ai mon pote Kemar, il galère et tout. On voit Kemar. On fait Kemar, Natou, on présente, faites des trucs ensemble et montrez-nous. Putain, mais c'était le premier Mexicom, quoi. C'est incroyable. Et les deux se sont mis ensemble comme ça. Ils nous ont présenté des trucs qui étaient pas très bien, donc on pouvait pas le partager. Et puis après, on a eu du pif, parce que regardez. Allez, on a eu du pif. Et donc il y a eu plein de petites anecdotes comme ça. Et puis après, on a grandi, il y a eu Salut C'est Cool, James Dard de Salut C'est Cool. Et Grand Pamini aussi. Voilà, c'est ça. Grand Pamini. Il est venu après. Grand Pamini, il faisait des sketchs avec nous de temps en temps. Et puis on s'est dit, putain, il a un personnage et tout. Hop, on voulait créer un collectif, on voulait créer une sorte de studio bagel avant l'heure. Et puis un jour, il y a YouTube qui est arrivé, qui a dit je donne 1 million d'euros à 10 boîtes différentes. Et il y a le studio Bagel qui a été créé comme ça. Donc tout ce qu'on avait essayé de créer en mettant de l'argent de côté, etc., il y a des gars qui sont arrivés avec des gros sabots, les grosses fictions, le gros truc. On a fait allez, merci, au revoir. Et puis surtout, je me souviendrai toujours parce qu'on était donc les premiers à aller sur YouTube et en quittant Dailymotion assez fiers. Et on était même les conseillers des YouTubeurs en leur disant mais voilà, allez sur YouTube, ouais, c'est mieux et tout. Cyprien, Norman, ils nous appelaient à l'époque. Mais pourquoi c'est mieux? Oui, oui, appelle un tel et tout. Et on arrive, on commence vraiment à plus faire de vues, etc. Et on voit sur chaque recommandation de nos vidéos, Studio Bagel, Studio Bagel, Studio Bagel, Studio Bagel. On fait bon, on essaie d'aller voir YouTube qui nous répondait plus. On fait nickel. Et je me souviendrai toujours de ce rendez-vous. On est chez YouTube, on fait bah ouais, mais bon, c'est emmerdant parce que nous on essaie de faire du contenu et puis on sait que vous avez mis de l'argent dedans, mais on n'est plus en avant. Et là, elle nous regarde, la dame, elle nous fait bah vous avez qu'à retourner chez Dailymotion. Non, la puterie. Et là, tu fais ah d'accord, c'est cool. Et donc, bah, Dailymotion Tapper est mort à petit feu comme ça, mais il y avait derrière quand même aussi un enculé de. Au maximum, au top, au firmament de 10 minutes à perdre quand ça marchait trop bien et tout, vous étiez combien? Quand dedans. On est... Parce que moi, j'avais l'impression que c'était une grosse boîte. Il y a eu plusieurs firmaments, mais... Plusieurs firmaments. T'as vu comment je n'en ai pas parlé? J'ai vu, c'était bien, c'était bien. C'est la troisième partie, c'est le passage de la télévision au ciné, c'est ça? Ouais. Et on était combien? On avait... Tu sais quand il y avait Grandpa Mini et ouais, tout. Ouais, bah Grandpa, James, Hugo, Gaga, moi, l'autre machin. On avait quelqu'un qui gérait un peu l'administratif, etc. Et une stagiaire. Ok. Ouais, on était 8. Ok. Moi, je voyais vraiment une grosse boîte rattachée. Ouais, tu voyais Combini, en fait. Je croyais que c'était rattaché à une boîte de com, en fait. Ouais. C'était n'importe quoi. Mais voilà, ok, d'accord. On était très intéressant. Ouais. Très intéressant. C'est très stylé. Vous êtes premier Mexicom. Ça me rappelle des serveurs parce qu'on avait toujours nos serveurs qui sautaient. Bah oui. Et le site plantait régulièrement parce que on était toujours en train d'essayer de changer de serveur et donc on passait trop de vues, ça suivait pas. Il y avait 100 000 visiteurs uniques par jour. Dailymotion, ça nous changeait la vie, quoi. Ah bah ouais. Non mais moi, je me souviens, 10 minutes à perdre faisait partie de ma routine internet, quoi. Tu sais, les réseaux sociaux. Mon passage préféré, c'était l'escargot. Jean-Jacques, qui a toujours été le vrai escargot. On avait un escargot de compagnie. Pour on peut dire qu'il est mort. Non. Ah non, il est toujours vivant. Non, on l'a relâché. Ça peut vivre, toi qui es de Bourgogne. Oui, oui, mais on les mange, c'est pour ça. Donc, on les mange très vite, nous. Ça peut vivre 19 ans. Il va finir dans une assiette, c'est dommage. On l'avait relâché dans un jardin. Dans des vidéos de 10 minutes à perdre, il y a William Lebgill aussi. Oui. Qu'on a vu après dans Soda. Oui, Will, et c'était nous. Il faisait déjà lié à Soda. Parce qu'on connaissait Frank Belloc qui faisait Soda. Ça devait être Malik Bentala. Et on avait vu, nous, le pilote, ce qu'on avait écrit avec Gaël dessus. Et on voit le pilote avec Malik, et puis on nous dit, il se barre, en fait, il le fait plus. Mais oui, Malik m'a dit, la dernière fois, j'étais avec lui, il m'a dit qu'il avait tourné dans un pilote, il y a des images de Soda, il me dit, putain, ma voix, là. Ouais, moi, je les ai vus, et du coup, on savait qu'il y avait un casting, on venait de tourner avec Will, on connaissait la meuf qui faisait le casting, on fait, vois ce gars, parce qu'il pourrait coller. Putain, vous avez lancé William, quoi. On l'a pas lancé, parce qu'il avait déjà, il était vraiment très talentueux, voilà. Il avait déjà son théâtre, il était déjà lancé depuis longtemps. Ah oui, d'accord. Mais on avait ressenti quand même qu'il fallait vraiment miser sur lui, quoi. Très bien. Écoutez. Très intéressant tout ça. Oui, on parle. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux que je rouvre la fenêtre? Ouais, j'ai très chaud. Il n'y a pas de souci. Chelsea, pars-toi un peu. Allez. Après, je vais être obligé de gueuler pour dire non. Parce que laisser de sauter, des fois, elle est chiante. Elle déteste sa vie avec moi. C'est pas vrai. On parle bien d'une femme. Oh non. On parle de ce petit chat. De ce petit chat mignon. L'autre partie de tout ça, alors là, on s'est un peu avancé, c'est est-ce que Internet, à ce moment-là, était. J'ai quand même l'impression que c'était un peu un palier pour autre chose, que c'était un peu vu comme ça, en tout cas au début. Ou est-ce que pas du tout? Est-ce que vous disiez Internet? Non, mais ce qu'il faut savoir, c'est que là, autour de cette table, c'est que des gens qui ne savaient pas quand ils ont commencé qu'on pouvait gagner de l'argent sur Internet. Et c'était pas ça, ça n'existait pas. Alors, nous, quand on a commencé, on a quand même quitté nos tafs avec Gaël. 2010, on a dit, c'est vrai, mais on a dit, nous, on veut 99, gagner de la thune. 99, j'étais pas visionnaire du tout. On dit, nous, on veut gagner de la thune. Donc, on comptait gagner de la thune avec la publicité sur le site et pas sur les vidéos. Ça, c'était l'AdSense, c'était un truc qui n'existait pas. Et d'ailleurs, Dailymotion disait, ouais, peut-être, mais on comptait vraiment pas là-dessus. Et pas les pizzas. Et je me souviens, avec Gaël, on disait, imagine un jour, on bossait 7 jours sur 7, H24. Imagine un jour. On gagne 1000 euros chacun. Et là, vraiment, on était là dans le 15 mètres carrés. Il me fait, franchement, mais moi, c'est bon, c'est le meilleur taf de ma vie. Je fais ça à vie, quoi. Ouais. Moi, j'ai pas besoin de plus. 1000 euros par mois, ça serait génial, quoi. Ouais, c'est avant qu'il achète une maison, hein, Gaël. Voilà, c'est ça. Non, mais pour revenir à ce que tu as dit, je parle en mangeant, c'est dégueulasse. T'inquiète. Moi, oui, effectivement, je ne savais pas du tout que je pouvais en vivre, ni rien du tout, ni même que je voulais faire comédien, tu vois. Parce que c'est ça que je veux faire. Si j'écris aujourd'hui mes histoires, c'est pour les jouer, parce qu'on ne me propose pas de jouer ce que je veux. Ouais. Donc, c'est uniquement pour être comédien, et c'est ce que j'ai appris en faisant ça. Aujourd'hui, le truc, il est tronqué, parce qu'ils savent très bien qu'ils vont être connus ou pas. D'ailleurs, ouais. Hein, mais enfin, en tout cas, ils savent qu'il y a quelque chose derrière. Ouais. Et du coup, ta passion, il reste des passionnés, attention. Hein. Ouais. Mais de la passion, elle est un peu baisée par ce côté fame nul qui est en prédiction quand tu commences. Puis, surtout, ouais. Ils connaissent pas tout ce qu'on a connu, c'est-à-dire le vrai fait maison. La galère. C'est même pas le mot galère, parce que je suis un nostalgique, mais... Moi, vraiment, ce temps-là me manque. Et là, pour info, on a retourné dans la maison de Gaël, comme il est propriétaire. Et on a tourné une vidéo à l'ancienne, à l'arrache. On a été à Intermarché, acheter nos conneries. Et on a fait ce truc. Et on a posé, on a fait un peu le montage. On s'est regardé, on a fait « Putain, mais pourquoi on ne fait pas que ça, quoi ?» C'est ça le meilleur des trucs, quoi. Mais mec, je retrouve ça en rentrant à Lyon. Parce qu'aujourd'hui, j'habite à Paris. Mes vidéos sont produites par Mexicom, on va pas se mentir. Ouais, les équipes de tournage aujourd'hui, il faut savoir quand même sur le web, les gros sketchs qu'on voit, il y a des réalisateurs, oui, des maquilleurs, des ingénieurs. Moi, je pose mon texte chez Mexicom et puis après, ils me prévoient des dates et je tourne, quoi. Bien sûr. Et quand je rentre à Lyon, c'est pas du tout comme ça. J'ai plus personne à Lyon pour tourner. J'avais Kaza qui était avec moi et maintenant il est à Paris lui aussi. J'ai plus personne. Donc ma dernière vidéo qui est pour thème Lyon, je l'ai faite à la démerde comme à l'époque. J'ai juste appelé un mec, sauf qu'aujourd'hui je peux me permettre de faire ça. À l'époque je pouvais pas. Là j'ai juste mis sur Facebook, mon Facebook lyonnais, j'ai un Facebook lyonnais. Est-ce que quelqu'un est dispo pour m'aider à tourner une vidéo? J'ai trouvé un mec, il est venu avec ça, avec du vrai matos du coup. Ouais. Et le son est toujours aussi pourri, ça c'est pas grave. et du coup, j'ai retrouvé ce côté un peu de démerde parce qu'on était dans les rues de Lyon un peu en démerde. C'était un kiff. Il y a la fame en plus qui est un peu chiante parce qu'aujourd'hui, quand je tourne dans les rues de Lyon, c'est pas comme avant. Les gens reconnaissent et s'arrêtent et tout, etc. Mais ça aide parce que tu peux prendre n'importe qui en disant tiens, viens jouer toi. c'est vrai. Je l'ai fait. Il y a un gamin dans ma dernière vidéo qui joue, que j'ai pris dans la rue. Je lui ai dit viens, tu veux jouer, viens. Et j'ai retrouvé ce côté un petit peu artisanal. Mais là où aujourd'hui, c'est facile parce qu'on a des 5D, on a de la belle image. Même si mon son reste pourri, mais c'est facile. À l'époque, c'était vraiment DV, montage chiant. Il fallait quelqu'un avec quelque chose pour lire les DV. C'est ça. Et c'était vraiment un parcours. Quand tu sors ta vidéo, ton parcours, il est plus chiant. Sachant que j'ai fait le montage de ma dernière vidéo, et ça aussi, je ne fais plus depuis très longtemps. Et quand je le fais, c'est... Je ne retrouve pas... Sur ce côté-là, je ne retrouve pas le plaisir. Le plaisir, moi aussi, du montage, le plaisir, il a disparu. Le montage, non. Moi aussi, un petit peu. Mais moi, je sais que ce n'était vraiment pas le but. Le but, c'était de faire. Ouais, c'était que ça existe en fait. C'était de faire comme les nuls, comme les inconnus. Je suis en Ardèche, personne m'a appelé pour que je fasse ça à la télé. J'ai envie de le faire, je le fais quand même. Et vraiment, ça a été ça pendant des années, des années, des années. Et bon, pour moi, les meilleurs souvenirs, c'est le Golden Show. C'est parce que. Parce qu'il y a une mini structure quand même, le Golden Show. Ouais, mais ce qui était fou. Il y avait un stagiaire, ce qui était fou. Non, mais le Golden Show, on était. C'était comme à l'époque du Moyen-Âge quand. Quand on demandait à De Vinci de faire une peinture, c'était ça le Golden Show. C'est-à-dire que tu avais Ankama qui nous payait une fois par semaine, le vendredi. Ankama, vous donnez des thunes ? Ouais. Petit détail qui est important de préciser. Donc, Golden Show, c'était une équipe à la base de 3, puis après de 5. Ouais. Et Davy, je me rappelle quand je suis rentré dedans, il avait dit on sera tous payés pareil. Oui. Et ça, c'était un truc. C'est lui qui a dealé pour tout. Et pour tout le monde, il a dit voilà, on sera tous payés pareil. On sait pas qui fera quoi. J'étais stagiaire, c'est normal. Qui ne sera pas payé. Et j'étais payé. Sur Internet, ce qui est déjà fou, un stagiaire payé. Mon père a un Roland de communisme. Ça se voyait. Et donc, j'ai. Il y avait Jean Ferrat à la fin des vidéos de Davy. J'ai ce truc-là où on donnait tous la même énergie. Vraiment. Et même plus, enfin. Rémi ou Clément, ils passaient leur nuit là-bas parce que nous, on écrivait, on faisait des trucs. Mais eux, en plus, ils sont dans l'ombre. Tu vois, quand on est sur Internet, le mec qui est devant la caméra, même s'il ne gagne pas beaucoup d'argent, il y a un truc derrière, on t'appelle, on t'emmène aux soirées. Tu vas à Japan Expo, il y a 20 000 personnes qui t'applaudissent. Tandis que le cadreur, il ne gagne que dalle. Donc, je trouvais ça juste. Mais assez pour en vivre ou pas? Oui, puisque après, on touchait le chômage. Ah oui. Et du coup, on était vu qu'on avait puis on faisait beaucoup d'heures. Une date, pour le statut. Oui. Bah, ça faisait le statut. Une date, par mois, une date par semaine. En fait, on avait calculé qu'en faisant une date par semaine, on avait le statut. Ok. Et du coup, c'était un peu triché. C'est-à-dire que on était payé que le vendredi, mais on était là toute la semaine, on bossait toute la semaine. Et du coup, c'était Pôle emploi qui nous payait le reste. Quoi. Ok, d'accord. Et ça permettait, ouais, bah, c'est super. Du coup, on avait un salaire qui n'était pas trop mal. Et c'est sûr, mais en Cama nous donnait ça. Et vous arrivez à vivre avec 6 000 balles à l'époque par mois. On n'en était pas là. Mais ce qui était. C'est qu'en Cama nous donnait ça et ne gagnait pas d'argent. Et ne regardait pas. Et ne regardait pas. Ouais. C'est à la quatrième émission où j'ai parlé sur Wakfu en jouant à Wakfu. Je jouais à Wakfu parce que c'était en Cama. Je joue Tot. Le créateur de Wakfu est dans le jeu. Il me lance un combat, il me déchire parce que forcément il est machin ça. Mais il a créé le jeu. Et dans le chat, je lui dis, t'as vu le dernier, il y a ton chat, parce qu'il m'a donné mon chat, donc Ten. Et Ten avait joué dans un Golden Show. Je sais pas si c'était le 3. Avec Lolo et Arnaud de sa mère. Et je lui dis, t'as vu ton chat? Je l'ai mis dans le sketch. J'avais écrit un sketch pour mon chat. En fait, je voulais le mettre à l'image. Enfin, le premier. Après, on avait écrit les sketchs. Encore précurseur d'Internet. Hein, la non, ils étaient là avant. Et du coup, toi, tu me dis, ah non, je regarde pas. Je dis, mais mec, tu nous payes depuis des mois et tu regardes. Il regarde absolument pas. Et donc, pendant qu'on joue, il me dit, je vais regarder. Et l'angoisse. C'est que le mec qui nous paye à être dans une cave des mois va regarder pendant qu'on joue, pendant qu'il me démonte à Wakfu dans un combat. Et je me dis, mais s'il aime pas. Il va annuler tout ça tout de suite. Bon, bah, j'ai vu. Hein. On se voit la semaine prochaine. Et finalement, il n'y a eu qu'un seul sketch qui a été censuré. Oui. Et on renaît la tepue. René la tepue. Mais qui a quand même été diffusé comment il a été diffusé, il a été censuré après coup. Oui, il a été diffusé. Oui, parce qu'un mec d'Ankama a dit à Tot. Mais on fait des trucs pour les enfants quand même. En fait, ils avaient fait, pour recontextualiser, ils avaient fait une parodie de René la taupe, qui était René la taupe, qui était en gros une taupe qui faisait le tapin. C'était Isabelle, je crois, qui faisait la voix. Ah, c'était vraiment drôle. Et, et c'est surtout que vous étiez fait chier, parce que c'est de l'animation 3D et tout. Et tout. C'est ce que j'adorais. Quelque part ou pas hein? C'est ce que j'ai nulle part. Si. Il est dans le Golden Show. On l'avait mis en standalone. Okay. Et ça, il a fait non. Ouais. Mais il est dans une émission. Ça, ils nous l'ont pas enlevé. Il a fait non, ça va. Je vais me retaper tous les Golden Show ce soir. Est-ce qu'on peut parler du sketch maudit slash caché? Est-ce qu'on rappellerait pas Tot et on lui demanderait pas de le mettre en ligne? Choisissez une chaîne. Personne n'aura la ref, hein. Mais ah non, tu parles de Calendar Noir. Alors, ce truc n'est jamais sorti. On est d'accord. Alors, on va recontextualiser. Le petit mail avec le lien Vimeo, code secret. Oui, tout c'est le monde a un code secret. Il y a Davy qui l'a fait dans tous les festivals geek de France pendant un an. Et j'ai dit à un mec, à chaque fois, je disais, ne filmez pas, j'ai pas le droit. Et après, je l'ai trouvé sur YouTube. Et le mec, je lui ai envoyé un message, j'ai fait, mec. Oh non, je vais recontextualiser pour les gens. Alors moi, je voulais juste te dire que tu vas expliquer pourquoi, comment. Mais quand j'ai reçu cette invitation à venir jouer dans Calendar War, c'est là où j'ai fait putain, ça y est. voilà, je fais partie de la famille d'Internet, ça y est. Attends, j'étais très content. Ils sont pas si racistes. En fait. Oui, je sais. Un éboueur terroriste. C'était horrible. Oui, c'est vrai. Je veux pas dire. On va lui donner du boulot à cette salle arabe. Tu sais que mec, à l'époque, j'étais pas très militant parce que je faisais des trucs sur le bled et tout. Je m'en rends pas compte, mais c'est vrai qu'avec le recul, c'est chaud quand même. Mais j'étais très content quand même. J'étais là, putain, mais ça y est, enfin, ouais, je fais partie de la famille d'Internet. J'étais là depuis le début, c'est la moindre des choses. En gros, Calendar War. En fait, tu jouais avec Flaubert. Exact. Oui, bien sûr. Jouer un forceur. Golden Show à l'époque, en Kama. Mm-hmm. C'était avant que Golden Moustache le reprenne avec. Et tout est lié avec 10 minutes à perdre aussi. Hein, c'est pour ça que je vais faire toute l'histoire. En gros, il y a Golden Show qui, en gros, diffuse une sorte de sketch show mensuel avec plein de sketchs dedans, avec souvent des guests. Moi, c'est ce que je kiffais dans le Golden Show, c'est qu'on rencontrait plein de gens, en fait. Ça, c'est la maladie à poule. Voilà. Mais c'était. Il faudrait pas mettre un guest. Mais qui la gueule. Ça a marché. Ça marche de ouf. Et à l'époque, ouais, il y en avait eu plein. Il y avait eu plein de gens d'Internet. Bien sûr. Et plus, même des gens de la scène. C'est comme ça qu'il y a du eu. Du porno. Vous avez eu du porno aussi. Alain Soral dans un sketch. Est-ce que je peux raconter l'histoire de. J'ai eu un travail. J'ai travaillé pour un dessin animé pour enfants grâce au Golden Show, grâce à Katsuni. Je pourrais l'expliquer. Ah, bah oui, carrément. Je finis juste cette anecdote. Et même, t'as rencontré Constance, avec qui t'as beaucoup travaillé ouais, aussi. Ouais, enfin, il y a eu plein de gens, super dans le Golden Show. Et du coup, vous vous étiez dit. Astier, les deux, les Simon deux, et Alexandre. Et du coup, vous étiez dit, OK, pour le sketch final, enfin, pour le season final, ce sera pas, il y aura un gros sketch où il y aura un milliard de guests, tous ceux qu'on a invités dans l'année, parce que ce qui était très drôle, moi, je voyais ça de ma place de petit stagiaire. Il y avait un vrai kiff des gens de venir faire un sketch débile d'une demi-journée de « Oh, on va se déguiser, on va faire n'importe quoi, ça va être marrant. » Constance, c'est la seule, avait demandé à sa prod de nous contacter pour être dans le Golden Show. Exactement. Quand c'est arrivé, on a fait « Waouh !» Mais vous savez pourquoi ? Parce que vous étiez les seuls, à l'époque, à avoir une vraie prod. C'est-à-dire que tu te faisais maquiller. Par contre, les maquilleuses, on ne les payait pas. Ouais. Non, mais tu avais un costume, tu avais un ingé son. Ouais. Et nous, on avait les costumes, des fois, on les payait. Hein, ouais. Mais c'était déjà une organisation. Et donc, pour nous, c'était des pros. Moi, je me souviens, la première fois que je me suis fait maquiller, c'était sur un sketch du Palma Show. Et je me souviens, je suis assis et je fais... Waouh! Non, mais ça y est, je suis comédien et j'ai compté mes vrais tournages en nombre de fois où je me faisais maquiller. Je vous jure, et j'ai arrêté au bout d'un certain moment. Je me suis dit, là, peut-être arrêter, ça devient ridicule. Non, mais vraiment, c'était ça. Ça, c'est un vrai tournage. Ce qui était bien, c'est que t'avais l'impression d'arriver dans une structure. C'était cette fameuse cave là, dans Kama. Oui, mais quand t'arrivais, c'était pas une cave. Donc, du coup, ça faisait des locaux trop beaux. Quoi. Oui, c'est ça. Mais quand tu descendais, mais tu vois, il y avait des salles de montage et tout. Et puis moi, quand j'étais arrivé là, des caméras. Ouais, c'est ça. Et je me suis dit, putain, c'est vrai, ils sont bien organisés, quoi. C'est super. Ah bah, moi, c'était mon premier bureau. J'avais un vrai bureau. Et j'en ai jamais re-eu. Je l'ai eu que au Golden Show. Et donc, bref, vous avez une idée de sketch qui s'appelle Calendoir, qui est en gros un sketch où c'est les éboueurs contre les pompiers, je crois. Non, la poste. Contre la poste. Juste pour revenir sur l'organisation, il y avait quand même aussi la première, pour moi, vraie organisatrice, productrice du web, qui était Vanessa Bruyère. Bien sûr, et qu'on a vu, qui a géré aujourd'hui, et qui a créé beaucoup de choses sur Internet dans l'ombre. Et qui vient d'Ardèche aussi. Et qui vient d'Ardèche, et pour le coup, qui vient de l'ombre, et elle a. Bah, elle a créé le studio Beagle quand même. Oui, et puis son nom, elle a commencé à Golden Moustache. C'est elle qui a fait que. Moi, je suis rentré au Golden Moustache. Mais ça faisait sérieux aussi. T'avais une personne qui arrivait, tu sais, wow, putain. Vanessa, à l'époque. Elle rassurait tout le monde. Hein. Vanessa, à l'époque, elle travaillait en Corse, parce qu'elle est demi-corse. Et elle était en Corse, et elle me disait, elle m'appelait, elle me disait, j'en peux plus. En fait, elle faisait les chants polyphoniques corse. Elle enregistrait, elle était productrice dans un truc de chants polyphoniques corse. À côté, il n'y avait rien, il y avait une église où il n'y avait plus personne, tout ça. Elle me disait, j'en peux plus. Et je lui dis, Vanessa, on a besoin de quelqu'un qui produirait, viens à Paris. Et elle m'a dit, mais Davy, je ne suis pas productrice. Et je lui dis, ouais, mais tu sauras le faire parce que je te connais depuis très longtemps. Je la connais depuis 2002, Vanessa. Oui. Je lui dis, viens, tu pourras le faire. Elle fait, mais non, je ne sais pas le faire. Je fais, allez. Elle me fait, ouais, je sais pas. Allez, je vais parler à Tot, je le vois. Je vais voir Tot. Je lui dis, Tot, j'aimerais qu'on ait quelqu'un qui produise tout ça, s'il te plaît, donne-nous un peu d'argent, tout ça. Il me fait, mais qui tu veux ? Je fais une fille qui est en Corse. Je suis sûr qu'elle le fera bien. Mais moi, je me rappelle quand tu nous as donné son CV. Et le CV, vu qu'il y avait surtout une photo de Vanessa en entier sur le CV, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de lignes, mais il y avait une photo d'elle en entier. Et on était là dans le bureau et tu me dis, ça c'est peut-être la nouvelle tire de prod. Tu nous mets ça sur le bureau avec Poulpe, on regarde une meuf en photo, on fait, allez, c'est bon. Je la connais pas plus que ça parce que j'ai bossé quand je faisais tourner des sketchs, j'ai croisé quand je faisais des sketchs et tout. Mais moi, ce que j'aime beaucoup chez elle, c'est que c'est une très bonne comédienne aussi. Oui. Moi, quand je la vois dans des sketchs, ça me fait marrer. J'ai fait tourner Vanessa. Mais justement, la blague, c'était ça. C'était que je me rappelle, il y avait un sketch que tu voulais absolument faire. C'était la menstruelle. C'était un sketch basé sur. C'est un mec, il a les yeux bordés, il renifle les culottes, enfin, même pas les culottes, il renifle l'entrejambe de deux meufs. Non. Et il dit. J'ai pas dit entrejambe. Je reniflais les filles. Et la chatte. Et après, il disait, c'est celle-là. Et la fille disait, oui, j'ai mes règles. Et c'était la menstruelle. C'était ça. Et je dis, mec, je lui dis, tu trouveras jamais aucune meuf qui acceptera ça. Et il a fait, ah ouais. Et là, j'ai dit, je vais appeller mes ex. Et là, Brière est arrivée. Et Élise. Elle a fait. Donc, c'est la première fois que j'ai rencontré. Elle fait, bonjour. Et je vais faire le sketch. J'étais désolé pour parce elle. Parce que François m'a dit, on le fait pas ce sketch. Il me dit, moi, je le réalise pas. Il m'a dit, je demande pas à une comédienne de jouer ça. Oh non. Et je dis, moi, je trouverai des comédiennes. Non, parce que moi, j'ai trouvé des potes. Parce que chaque fois qu'il y avait des comédiennes, on se tournait vers moi en mode, il n'y a pas les meufs de Vision Future, tu peux faire. Et moi, j'ai fait, là, franchement, non, c'est la limite. C'était les seules meufs d'Internet. Voilà. C'était pour ça qu'ils les connaissaient. Mais tu sais que c'est toujours très dur de trouver des meufs pour des rôles. Non, bien sûr. À chaque fois, je me pose la question. On cherche pas assez, en fait. On cherche pas assez. Et tu sais que Vanessa est arrivée. Et après, elle était tire de prod. Après, elle avait tout dans la cave. Elle faisait les costumes. Elle cousait les costumes. Ah ouais, elle a vraiment tout fait. Ouais, non, mais incroyable. Super. Et j'ai beaucoup travaillé avec elle parce que j'étais stagiaire monteur, mais en vrai, j'étais stagiaire tout. Et du coup, on a fait plein de Jiffy et de Nose pour trouver des accessoires, des trucs. Et là, elle a monté sa boîte avec Poulpe. Et ils produisent l'émission Crac Crac, où là, pour le coup, c'est vraiment sa boîte qui produit ça. Et ouais, mais c'est vrai que Vanessa Bria, si vous cherchez, elle est derrière le début de Golden Moustache, de Studio Beagle, de Bategal, enfin de plein de choses. Vraiment, il y a plein de choses où il y a son nom. Mais c'était pas une forceuse, tu vois. Juste, non, voilà. À la différence. Tu sais que c'est plutôt qu'on a forcé. Ouais, c'est ça, exactement. Ah ouais, là, pour la faire monter à Paris, ça a été chaud. Ouais. Mais finis ton histoire sur le calendrier. Et bien joué, merci beaucoup. Mais c'est flou de casse, il n'y a jamais mais de ligne directrice, c'est le bordel. Et donc, calendrier, vous vous dites ce sketch, donc les PTT, enfin, j'ai 20 000 ans. La Poste versus les éboueurs. Il y avait aussi les pompiers, je me souviens. Il y avait aussi les pompiers. Les gens qui vendent des calendriers. Voilà, mais c'est l'idée venait surtout de Davy, hein, ça c'est sûr. Je me rappelle quand Davy a dit « Ok, j'ai une idée de sketch pour tout le monde. » Non, c'est pas ça. Poulpe est arrivé et il a dit « J'ai une idée. Génial. C'est un mec, il fait du porte-à-porte et il apporte des calendriers. » Et c'est tout. Et c'est tout. Et là, vraiment, je l'ai regardé, j'ai fait « C'est pas une idée de film plutôt. » Et là, à partir de là, on a brainstormé et c'est arrivé la guerre des calendriers. La guerre des calendriers. Et surtout, enfin, moi, je me souviens à l'époque, donc il y avait beaucoup de guests d'Internet. Donc ça, c'était un peu cool. Donc il y avait effectivement John Rash, Baptiste. Après, c'était les guests de l'époque. Il y avait le Palma, Muska. Il y avait Norman. Norman. Ouais. Et surtout, moi, ce que j'adorais dans ce sketch, et c'est pour ça que ce serait trop bien qu'un jour il soit diffusé, c'est que ça mélangeait avec d'autres personnalités. Et genre, à l'époque, maintenant, ça paraît normal parce qu'il a fait des émissions avec Poulpe et tout, mais il y avait Antoine Decaune, François Rollin. Oui, Les genres se mélangeaient. Bérangère Krief, Verino, les genres se mélangeaient. Il y avait Arnaud de sa mère. Et l'avantage du sketch, c'était construit sur le fait que il y avait que le début qui était un peu l'histoire commençait. Vous rentriez dans un podcast de Norman. C'est ça. Déjà, le début, c'était super. On commençait par un podcast de Norman vu par la caméra telle que on voyait son entrée à l'époque dans les sketchs de Norman. Et c'était un faux podcast de Norman. Et après, ça sonnait. Norman qui faisait un podcast sur Victor Hugo. Oui, sur Victor Hugo. Davy ouvre la porte pour lui vendre un calendrier. Poulpe arrive pour lui vendre un calendrier. Davy tranche la gorge de Poulpe avec un calendrier. Et là, c'est le début de la guerre des calendriers. Et c'était juste ça le début. Et après, c'était que des mini scénettes qu'on devait improviser en fonction des gens qui étaient dispo. Ouais. Et Baptiste est venu et je me rappelle, toi, c'était. Fallait que tu te fasses exploser par une grenade calendrier lancée par Maxime Muscat. Ouais, exact. C'est ça. Et dans le couloir de la cave. On donnait un calendrier, tu te comme une mitraillette et tu faisais une ronde. Oh, je vais beaucoup moins bien marcher maintenant. Ouais, voilà. Et t'as Muscat qui découpillait un calendrier pour le lancer. Et tu fais, oh bah non. Et là, ça explose. Il y avait Yacine Dedo qui se torturait en écrivant alors il n'y a pas écrit la poste sur le fond, avait écrit la poste sur le fond de Dedo et toi tu te faisais exploser c'est une ceinture de calendrier. Oui, mais à l'époque il n'y avait pas de terrorisme. C'est sur internet ce sketch, j'étais le premier à le lancer, moi, ce truc. C'est un mec qui a dû le voir en convention, le bon sketch de blanc. C'est une guerre de calendrier. Les mecs de Daesh étaient complètement fans dans Gamma et tout, ils regardaient vraiment tout. Et il y avait Raph qui faisait le rôle d'un pompier fou. Il disait la guerre, ça a monté. Et t'as Rollin qui fait. Non, c'est Jean-Christophe. Non, c'est J.C. Imbert, donc Caradoc, qui dit bon, on n'a pas le choix, il faut appeler les pompiers. Et t'as Slim qui disait mais vous savez, les flammes les ont rendus fous. Et là, t'as Raph qui arrive en mode possédé, en mode. Il faisait pimpon. Pimpon. Et après, il y avait une armée de Raph. On est en train de raconter un sketch que personne n'a vu. Qui n'est pas trouvé. Mais moi, je veux comprendre pourquoi elle n'a pas été diffusée. Je me rappelle plus du mot. Mais pourquoi ça n'a pas été diffusé? C'est ça la vraie question. En fait, le Golden Show s'est terminé de façon un peu crue. En fait, le Todd en question a regardé, en fait. Si tu veux, on va expliquer hyper largement, mais en gros, le Golden Show nous a dépassés. C'est-à-dire qu'on a été repéré par Canal, des choses comme ça. Ouais. Il y avait le Grand Journal à l'époque. C'est pour ça que je dis que 10 minutes à perdre est aussi dans la boucle. Et en gros, on commence à nous dire « Hey, le Golden Show, venez le faire chez nous. » Donc du coup, on commence à en parler avec Ankama, tout ça. Et là, il y a eu des problèmes de prod, tout simplement. Astier est venu dans la boucle aussi, tout ça. Et du coup, il y a eu des engueulades. Il n'y avait peut-être pas de contrat, peut-être des trucs comme ça. Voilà. Et du coup, on a dû arrêter le Golden Show. Et au début, on était parti un peu fâché. Donc forcément, vu qu'en plus, les sketchs n'appartiennent à personne. Mais pourquoi pas le diffuser alors si ça appartient à personne? Parce que il y avait des problèmes d'égo, de gens qui se prennent la tête. Et de contrat. Et du coup, quand on s'est retrouvé sans rien, en fait, on n'avait rien pour se défendre. Putain. Donc le sketch. Et vous n'avez même pas enchaîné chez Canal ni rien du tout. En fait, en face de nous, il y avait 10 minutes à perdre. Ils nous ont fait faire en face, puisque on avait des rendez-vous à Canal. Ils étaient tellement intelligents à Canal qu'ils nous faisaient rendez-vous à 5 minutes d'écart. On se croisait. Ah, t'es là, toi. Et du coup, eux, ils nous demandent. Nous, on a un problème, c'était le format qu'ils nous demandaient. On ne comprenait pas. C'est-à-dire que pendant des mois, on s'engueulait. C'était très long aussi. C'est ça, non, mais c'est surtout qu'ils voulaient qu'on reprenne un truc du Golden Show. Tu parles de Canal. Oui, Canal. Ils voulaient qu'on prenne un truc du Golden Show, mais ils ne savaient pas quoi. Et ils voulaient un truc précis. et le faire tous les jours. Alors que nous, on disait, bah non, le Golden Show, l'idée, c'est de faire n'importe quoi. Sauf que non, on veut pas n'importe quoi. Du coup, on a mis tellement longtemps à développer l'idée. Bah, c'était le début, oui, effectivement, la télé s'intéressait au web. C'est la troisième partie. Moi, j'étais tout petit, encore, j'étais encore stagiaire. Mais t'étais avec eux dans cette aventure ou pas? Ouais, bien sûr. Moi, j'étais là sur le tournage du pilote, en tout cas. C'est la troisième partie, là. De la transition du web. Oui, bah on y va tout doucement. Ouais, c'est ça, exactement. Et du coup, on a fait un programme qu'on aimait moyennement, et qui était vraiment les nuls. C'était une sorte de. C'était une reprise de Facebook News. C'est ça. Mais avec le journal d'Internet. Mais avec plusieurs. Et ça a duré combien de temps? 3 minutes. C'était censé être une pastille du grand journal. Ok, ouais. Et ça a été. On a fait deux, mais en pilote, en juillet. Vous avez eu vraiment de la chance de pas le faire. Parce que moi, ça a été la pire année de ma vie. Mais en fait, on a vécu la merde. En fait, c'était horrible. Moi, quand j'ai vu ce qui se passait pour vous, parce que passer après bref, parce qu'on rappelle et ça. Bref, et SAV, grave. Les deux s'arrêtaient et ils cherchaient les gens qui allaient remplacer. Sauf que le public ne voulait pas que ça soit remplacé. Donc, n'importe plus qui le sniper de l'internet à la télé et le grand journal commençait déjà à dépérir en termes de hype et c'était déjà il y avait déjà des articles pour vous comme quoi, ça a été la merde mais pour nous aussi puisque on a perdu les gens qui nous donnaient de l'argent pars pour un truc mieux et t'as rien du tout t'as rien donc du coup en fait que ça soit vous ou nous c'était pas terrible c'était la pire expérience de ma vie et en même temps la meilleure on n'a pas été pris et Canal a envoyé un mail. Ils nous l'ont pas dit pendant très longtemps qu'ils nous prenaient pas. Ça reprenait le 15 août ou un truc comme ça. Mais non, tu sais que nous on a su le 27 juillet que c'était nous. Le 27 juillet, on a signé le 15 août pour une livraison de sketch quotidienne le 27 août. Oh là là. Et nous on a reçu un mail fin juillet qui nous disait on va prendre 10 minutes à perdre. Ils ont des têtes plus sympathiques. Non sérieux. Donc non seulement t'as plus de travail, mais en plus t'es moche. Putain, pourtant, ils ont pas signé. On avait James avec le mulet et tout en plus. Hein. Putain. Mais je pense que vous aviez des moustaches. Peut-être que c'était ça. C'était horrible. Nous, on est arrivés, ils nous ont quand même pris en disant voilà, parce que pareil, ils avaient isolé des choses qu'ils aimaient bien chez nous. Pas de perruque. Bah, c'était presque des perruques qu'on avait. Pas de perruque. Et nous, c'était un USB. Oui. Ils ont dit un USB, c'est génial. C'est du genre de truc qu'on veut faire. Ah bon, trop bien. Nous, on adore un USB. Il nous fait rire ce sketch. Donc, un sketch d'un disque dur anal. Et d'accord. Et en fait, on commençait à écrire les trucs. Et donc, le texte, on l'écrivait, ça devait durer 2 minutes. Et il y avait 30 à 40% qui étaient modifiés. Genre, ça non. Bon, OK. Donc, ça fait 3 ans que tu es dans une liberté totale sur le web. Et là, tu as quelqu'un qui dit non, ça, c'est pas bien. Donc, OK, t'apprends à digérer ton égo. C'est le métier aussi. C'est le métier. Putain, ouais. Et ça, c'est pas télé. Ça, c'est d'accord, mais je sais pas. Là, vous êtes venu nous chercher et tout. OK. Ensuite, on tournait le truc sur 2 minutes. Et là, on disait, donc c'était 2 minutes, un sketch qui durait 2 minutes. Non, il faut qu'il fasse une 15, une 20. Oui, mais là, enfin, on peut pas enlever 40 secondes parce qu'en fait, le sketch, c'est comme ça, sinon on le diffuse pas. Oui, mais si on le diffuse pas, en fait, c'est nous qui produisons, c'est nous qui l'avons payé. Et puis, on n'est pas une grosse boîte, en fait, on peut pas, ça représente de l'argent, on ne peut pas le jeter. C'est comme ça, on le diffuse pas. D'accord, on va le faire, mais c'est pas bien, en fait. Oui, c'est comme ça. Et c'était le pugilat. Pour vous donner un exemple, ils nous prennent pour un USB et à un moment, on voulait faire Allo PQ, qui était une livraison de PQ à domicile. Super idée. Par contre, pas un plan de quelqu'un sur les toilettes. Comment ça? Parce que c'est 20h30, c'est grande écoute. Oui, mais ça s'appelle à l'OPQ, vous avez validé l'idée, vous aimez bien. Oui, toutes les semaines, c'était ça ou pas? Enfin, c'était tout sur le temps. Surtout. Il n'y avait pas de ligne directrice. Après, on nous a dit, en fait, vous auriez dû faire un décor unique avec des personnages récurrents. Mais c'est pas ce pourquoi on a signé. Parce qu'en télé, ça ne marche pas de faire des choses. Ils ne vous connaissent pas. Et ce qui était vrai. Hein. Oui, ça s'entend aussi. Mais ils ne nous connaissaient pas. Et on arrivait avec des sketchs différents tout le temps. Et puis, en fait, je me souviens d'être reçu. C'était Deandréis à l'époque, le patron, qui nous dit bon, on s'est planté ensemble. Hein. c'est vraiment nous qui avons les dents cassées. Quoi, parce qu'entre temps, on délaissait notre site, qui se cassait la gueule. Pareil, y avait en fait, tout, à chaque quoi. Fois, vous partez, vous lâchez un truc Tu ne pouvais pas. C'était le. Franchement, c'était la pire période. Mais en même temps. Parce qu'après j'ai eu plus rien le site l'autre il y avait plus rien j'avais plus de taf du tout. Je me suis retrouvé quand même l'année d'après au Grand Journal dans les coulisses du Grand Journal à faire des vines pour Canal+, mais pas dans les vines. J'étais derrière, c'est moi qui appuyais sur le bouton et ils me payaient pour faire des vines. Non. Ouais, ouais. Et donc quand tu vois les gars, oh Mathis, ça va, ça va, ou t'étais un peu vendu comme la star l'année d'avant. Ouais, ouais, ça va. Ouais, tu ravales ton ego, mais non, c'était la meilleure expérience de ma vie. Oui, c'est bien. Mine de rien, parce que tu dis, ok, vous allez voir, je vais revenir. Alors j'aurais pu abandonner. Nous, c'était, ouais, c'était la même chose en fait, si tu veux. Après, nous, quand il y a eu cet échec-là, du coup, on n'a plus rien, on a quasiment plus de prod. Et on ne sait plus où diffuser. En plus, le Golden Show ne nous appartient plus vraiment. On est complètement paumé. Et du coup, pendant 6 mois, on se remet de ça. Mais il y a une séparation de poulpe avec. Pas encore. Pas encore. Alors, juste pour savoir, on parlait de la cave d'Ankama. Donc, vous êtes parti. Et je me suis retrouvé pendant 1 an et demi, 2 ans, tout seul dans cette cave. Parce que je venais de temps en temps. Parce qu'on est visiteurs. Mais vraiment, on était pas manger ensemble. Et moi, mais pas François. Ouais, pas François. Ouais. C'est ce que je me disais. Tu te retrouves au milieu de cette cave. Parce que moi, je faisais le visiteur futur. Saison 3. Qui était vendu en saison 3 et 4. Et c'était là-bas. Et, donc, je montais là-bas et j'étais tout seul dans cette cave. Après avoir passé plein de. Voilà, avec tous les fantômes de Davy. Oui, parce que toutes les affaires de Flaubert. Ouais. Flaubert, il y avait des affaires encore. Il y avait ces trucs. Et nous, on a eu 2 jours. Tous les fanarts, les trucs. Ah ouais? 2 jours. Vous avez 2 jours. Vous partez, vous avez 2 jours. Et donc, vraiment, tout ça. Et après, derrière, donc, il y a Canal qui marche pas. On se retrouve quand même avec Astier à la production, donc on a quand même Alexandre Astier, mais on va nulle part. Oui, bon, Et du coup, entre-temps, en plus, là où on se fait baiser complètement, c'est que Studio Bagel et Golden Moustache se lancent. Ouais. Golden Moustache, moi, il y a encore des gens dans la rue qui me serrent la main, ils me disent « T'as réussi, hein ? Bravo, hein, Golden Moustache. » Non, mec, j'ai pas une thune. Il y a le mot « Golden », on a eu l'idée, mais c'est tout. Et... Ah, t'es au départ de Golden Moustache ? Bah, le on nom était est les Golden. Premiers. Ouais. En fait, à l'époque, en fait, bon, l'idée de Golden Moustache, pour le coup, alors là, y a le ça c'est ça. Ils sont venus voilé. Sur la péniche du Golden Show. Ouais. Ils sont venus sur la péniche du Golden Show. Je me rappelle sur la péniche du Golden Show. Vladimir, on l'a dit dans un autre podcast, il y a plus de papier, donc c'est de notoriété publique et personne s'en cache. Vladimir, il a vu le Golden Show, il fait, mais c'est génial. Et quand il a eu son pote Adrien Labastière qui a dit, je veux faire un Funny or Die français, il lui a dit, rencontre ces gars-là et il faut même qu'on soit plus gros, plus fort. On invite plein de gens. Et c'est comme ça qu'ils ont eu Raph, et moi. Pour la petite anecdote, Adrien Labastière, à l'époque, avait pris rendez-vous avec nous, mais c'était pas nous qui jouions, c'était cette fameuse personne qui s'appelle. Et qui filtrait tous les rendez-vous et qui l'a jamais reçu. Parce que j'en avais parlé après avec Adrien, il m'avait dit mais non, j'avais essayé de vous voir, mais il m'avait planté, il m'avait dit non, oh, il m'avait refusé. Alors qu'il disait à l'époque, vraiment, j'étais fan aussi de 10 minutes à perdre et je voulais même mettre des sous chez vous et en faire un truc énorme, vous amener M6, parce que c'était Golden Moustache, c'est M6. Ouais. Et là, t'es à la terrasse du café, il te raconte ça, tu fais ah, c'est cool. Et, comment toi, t'es passé en mode solo, parce que t'avais le visiteur à côté, et le Golden Moustache, t'y es pas allé du tout. En fait, moi, ils m'ont proposé, Vladimir m'a proposé de rejoindre l'équipe de base. Et moi, déjà, j'avais pas trop envie, forcément. J'avais déjà fait le Golden. En fait, 9 mois de Golden Show, enfin, moins d'un an. On t'a épuisé. C'est pas ça m'a épuisé, c'est que c'est, OK, le sketch, c'est bon, j'ai fait. Je suis trop fier et je pouvais pas imaginer mieux, en fait. Et je voyais pas refaire la même chose, mais à d'autres bureaux. Et je me suis dit, je pense qu'il faut laisser ça aux jeunes. Donc, j'ai littéralement dit, appelez mon frère. tu vois. C'est comme ça qu'il va arriver, Raph. Et Raph, il faisait déjà des sketchs. Oui, il était sur métro. Il avait fait un sketch. Attends, de toute façon, Raph, il était déjà autonome un peu. Hein, Genre, il s'est acheté à manger tout seul. Ah ouais, il se torchait et tout. Non, mais Raph, justement, il avait prévu le coup dans sa tête. Il s'est dit, je veux faire tout seul pour montrer que je suis pas juste le frère de François. Et donc, il a bien géré son coup. Et moi, de toute façon, j'étais occupé de ouf à faire le Visiteur du Futur saison 4 et mais à monter saison 3 mec je crois. Saison 3 c'était... et 4 c'était à ce moment-là, c'était entre les deux et ouais. Du coup j'étais quand Davy et Poulpe ont dit bon bah qu'est-ce qu'on fait et tout, moi je dis écoutez les gars, moi faut que je continue Visiteur Futur, je peux pas voilà. Et en plus Ankama m'a laissé une chance de fou de continuer ma série etc, on pouvait faire des BD et tout, donc j'étais pas du tout en froid avec eux et j'étais pas non plus en froid avec Davy et Poulpe, mais fatalement je pouvais pas leur dire il y a eu ce moment où on s'est dit bon bah qu'est-ce qu'on fait, qui fait quoi et tout, et moi je pouvais pas continuer le Golden Show hors Ankama et tout etc. Tu continues à bosser dans tous les cas, tu bossais quoi. Ouais et je vais faire mes séries tu vois, donc c'était un peu triste parce que moi j'étais triste de plus voir plus travailler au quotidien avec des vieilles poules. Après je me rends pas compte parce que maintenant avec le recul c'est que des bons souvenirs, c'était genre c'était bien le Golden Show, j'ai que des bons souvenirs. Mais non, c'était là, ouais. On me rappelle souvent, mais tu te rappelles pas, mais t'étais tellement fatigué et tout. Ouais. C'était tellement une vie de vampire, etc. Enfin, et c'est truc, drôle. Ce qu'il faut savoir, c'est que François, pardon. Non, vas-y, tu rigoles. François, c'est quelqu'un qui est content. C'est-à-dire que quand il vient de finir un truc et tout ça, il fait ouais, cool, on l'a fait, tout ça. Sauf que Poulpe et moi, on n'est pas content. Quand je vous montrais les montages et ils nous montraient les montages, on faisait on aurait pu faire mieux. Et on n'était jamais content. Moi maintenant je revois le Golden Show et je fais ah quand même c'était rigolo tout ça, mais je pense qu'à aucun moment je lui ai fait c'est génial vraiment on a fait un truc super. En fait, jamais. En fait j'attendais pas je revois sur I4 un peu. C'était vraiment ça mais vraiment le pire c'est que ça me rendait pas trop malheureux parce que je me disais bon allez, ça le fait quand même et puis on avait une très bonne dynamique, ça marchait bien donc j'étais quand même satisfait. C'était juste que mais c'est tout vers la fin là, tout le bordel qu'il y a eu avec on devait à la fois être marrant, créatif, inviter des guests, puis penser à l'avenir, savoir sur quoi miser sans se griller avec le machin. C'était horrible de faire ça dans la même journée. C'est un grand jeu de société c'est ça qui m'a amené peu à peu à la bande dessinée je t'ai dit moins de galère autonome. Quand j'étais en duo avec Poulpe, moi j'étais le mec qui fait les plannings, qui a peut-être l'idée ou tu vois le truc, tu vois le mec, le faiseur. Et Poulpe, c'était le relationnel, le gars qui a le premier rôle parce qu'il est méga drôle, il a la répartie, le truc. Et donc, le duo, pour moi, m'équilibrait, tu vois. Et donc, du coup, je pouvais avancer dans ce monde-là parce que j'avais mon bouclier Poulpe. Et moi, derrière, je faisais non, on a rendez-vous à 14h, tu vois. Voilà. Sauf qu'à partir du moment où lui, il a choisi Studio Bagel, moi, clairement, je voulais pas travailler avec voilà, vraiment. Vous me faites beaucoup monter cette émission. Mais le sert. Enfin, c'est pas un problème. Voilà, du coup, moi, je dis, moi, je peux pas aller là-bas parce que je veux pas travailler avec ce mec. D'accord. Donc, Poulpe, lui, il m'a dit, moi, j'y vais. Je fais, OK. Voilà. Donc, c'est là où ça a machiné. Mais c'est vrai que moi, après, tout seul, en solo, pour avoir des rapports humains, c'est pas facile, quoi. Tu sais que moi, j'ai une anecdote sur la création du Studio Bagel. Je commençais à traîner un petit peu à Paris. Je venais de temps en temps et tout. Et on était au resto avec Ludoc, Kevin Razi, Norman, nanana. Et ça commençait à parler des prémices du Studio Bagel. Et j'étais là, tu vois. Et tout s'est fait en même temps, d'ailleurs. Enfin, je me permets, pardon, mais c'est ça qui est drôle. C'est que pendant que certains signaient au grand journal, Bagel et... Ludoc était notre réel de la question de la fin. Il a Bagel et Moustache qui se créaient. Là où c'est triste... Pour WAM, c'est que j'étais avec eux, ils étaient en train de parler de ça autour de la table. Je connaissais pas vraiment tout le monde, un peu Norman, un peu plus que les autres, et Marc aussi, tu vois. Et j'étais au milieu de tout ça, et j'entends cette discussion. Je me dis, putain, ça peut être cool et tout. Putain, il y a moyen qu'ils m'intègrent. Et la rentrée d'après, je vois qu'ils montent ça. Je fais, super les gars, ça a l'air super ce truc. Alors que j'étais hâle quand ils parlaient de ça, tu vois. Et j'ai une autre anecdote aussi dans les bureaux de Christelle Graillot à Canal, parce que avec mon co-auteur Kaza, on était allé, avec qui je travaille plus aujourd'hui, il y a des séparations comme partout. Oh bah tu sais. Et du coup, on était allé dans les bureaux, mais avec absolument rien. On avait gratté un rendez-vous et je suis arrivé, je fais ouais, je fais des petites vues sur internet, c'est pas mal. Et puis vous voulez faire quoi exactement? Des vidéos, hein. C'est pas trop. Mais mec, c'était n'importe quoi. Et on sort de là, évidemment, elle a fait vite le rendez-vous, tu vois. Et c'est juste, on disait, on peut faire ça, on peut... Tu sais que des fois, je me mets à la place de ces gens de télé. Et c'est vrai, beaucoup Canal, parce que Canal était quand même la chaîne qui s'intéressait le plus aux gens d'Internet. C'était les seuls qui nous recevaient. Ouais, c'est ça, moi, j'ai jamais fait d'autres rendez-vous. Après, France Télé, on y reviendra après, parce que France Télé, il y a quand même des jolies histoires et tout. Et Canal, moi je me souviens d'un rendez-vous avec Suricat où pareil on les rencontre et en fait on est au mois de mai. Vincent, j'étais avec Vincent Tirel juste avant de venir, il m'a parlé de ce rendez-vous. Ah ouais, donc, mais c'est à crever de rire. Avec Vincent, ça reste un des souvenirs les plus drôles de rencontres de télé. Il y a ça aussi avec M6, mais bon, M6 je vais pas en parler parce que c'est plus triste. Mais Canal, on rencontre Canal et donc il y a effectivement cette femme avec Ariel Saraco, voilà, directrice de programme, qui s'intéresse à nous et qui a vu des trucs qu'on a fait. Donc nous on est plutôt contents, on arrive. Alors déjà, il faut savoir qu'avec Julien Josselin, on confond les Ici les Moulineaux. C'est-à-dire qu'en fait, il y avait, pour ceux qui connaissent un peu Paris, il y a deux Ici les Moulineaux et il y a deux Canal+, qui sont séparés par pas tant de kilomètres que ça, mais à pied, il y a 20 minutes de marche. J'ai fait la même. Il y a 20 minutes de marche. Donc en fait, on arrive, il pleut, on n'est pas au bon endroit. Donc en fait, on nous dit, non, c'est l'autre bâtiment. Donc on se met à courir sous la pluie, ce qui fait qu'on est mouillé à l'extérieur, mais aussi sous nos vêtements, parce qu'on transpire, parce qu'on est gros. On arrive là-bas, c'est l'enfer, on est déjà à la bourre. Il n'y a que Raph et Vincent. Peut-être les pires en termes de sociabilité, parce que c'était vraiment vrai. Mais oui, en fait, nous, c'était Julien Josselin qui était notre poulpe. C'est lui qui fait les bonnes vannes au bon moment, machin. Raph ne parle pas et Vincent fait des blagues de l'espace incompréhensibles. On rencontre Ariel Saraco Et en fait, on attend son associé, Christelle Graillot, et il y a Cannes, en fait. C'est pendant le Festival de Cannes. Et en fait, Ariel Sarraco a dans son bureau un écran plat qui diffuse Télé Festival de Cannes. Et voilà, un peu du blabla, shit talk, on discute de tout ou de rien. Et elle fait, ah, quand même, Marion, elle est belle et tout. Et en fait, à ce moment-là, ça change de plan et ça passe sur Vincent Cassel. Et Tyrell dit, bon, quand même, elle aurait pu se raser. Et en fait, ce qui est très drôle. Ce qui est très drôle. Sauf qu'en fait, Ariel regarde la télé et c'est repassé sur Cotillard. Donc en fait, elle comprend pas la vanne. Tyrell commence à expliquer, genre, non, parce qu'en fait, il y avait Vincent Cassel. On n'a pas commencé le rendez-vous, c'est déjà infernal. Ah non, c'est magnifique. Raph ne regarde pas dans les yeux. Nous, on transpire avec Julien. Tyrell, on est à sa quatrième échec de vanne. Et en fait, c'était comme toi, en fait, John. C'était vraiment. Vous aviez quelque rien chose. Rien à vendre. Rien. Mais moi non plus, j'avais regardé cette vidéo, elle était bien. Non, ils voulaient nous voir. C'est la même chose. Hein. On est arrivé dans le bureau. Nous, c'était ça aussi. Ils avaient entendu parler du Golden Show. Ouais. Ils ont dit, on voulait vous voir. Et même, je crois qu'on m'a dit que c'était bien. Ouais. Et du coup, vous voulez quoi? Ah, je pensais qu'ils avaient regardé de nous. Non, c'était ça les rendez-vous. Donc nous, on était là, genre, attention, bonjour madame et tout. Ah oui, d'accord. Je me souviens de notre producteur qui disait, les gars, prenez une douche. Ouais. Ça, un rendez-vous important, là, vous puez, prenez une douche. Ok. Bah, c'était le web qui arrivait en télé. C'est grâce à Cannes. On avait pris une douche. C'est Cannes qu'aujourd'hui, nous, qui nous avait organisé, enfin, qui nous avait fait la promo. Pareil, on n'a pas parlé de Bref, de tout ça, de Navo, de Cannes. Bien sûr, mais nous, c'est des gens. Cannes et Navo qui nous avaient. C'est derrière. En fait, moi, je ne les connaissais pas. Sur la passerelle entre Cannes. Ouais, en fait, moi, Cannes, c'est ça qui était assez rigolo, mais même Navo, d'ailleurs. Enfin, je ne les connaissais absolument pas. Mais c'est juste qu'ils regardaient ce qu'on faisait. Nous, on était fans de Bref. Et en fait, il y a eu un espèce de. Pareil, une espèce de rencontre de cerveau sans se connaître, quoi. Ultime, je vais tous les ans au Festival d'Angoulême et donc Vendry et le Roi est un éditeur de BD et il fait que des gens qui vont devenir connus, mais lui dans son édition il vend rien, d'accord, genre il fait la première BD du mec qui va être Bastien Vivès après et qui va faire tous les prix d'Angoulême mais pas avec son album à lui, voilà, c'est Vendry, voilà, c'est quelqu'un, il a énormément de talent mais bon, voilà, il est marrant, voilà. Et Vendry édite un mec qui s'appelle Navo, d'accord, qui fait une BD qu'avec des bulles. La bande pas dessinée. Il me file la BD, il me dit, ce mec est drôle. Je suis encore Angoulême, le soir, je suis à l'hôtel, je lis, je me dis, ce mec, Navo, c'est un génie. Ouais, il faut très, qu'il très vienne drôle. Faire J'irai loler sur vos tombes avec nous. Il faut qu'il écrive des trucs. J'avais écrit à l'époque, enfin, j'avais eu l'idée de Déterré vivant. Première web série qu'on devait faire ensemble. J'avais fait un pilote de web série avec Coupe et François. Et je voulais que Navo écrive dessus. Et je chope Navo le lendemain à Angoulême. Je ne le connais pas. Je lui dis, mec, t'es un génie, t'as du talent. Viens écrire avec nous. Et tout. Il me dit, non, écoute, là, je fais un truc à la radio et j'ai peut-être un truc après, une série, un machin. Je lui fais, non, mais viens avec nous quand même. Je te promets, on est drôle et tout ça. Machin. Il me fait, ouais, je sais pas, je vais réfléchir, mais c'est super gentil, c'est adorable et tout. Genre, 7 mois plus tard, il y a Bref. Même pas, parce que, ah oui, 7 mois. Je fais genre, ah ouais. Donc, il avait déjà fait sa BD avant Bref. Moi, je pensais qu'après Bref, il a commencé à faire sa BD. Non, c'était avant. Non, c'était avant. Après, c'est comme ils avaient déjà leur truc, leur spectacle et tout. Et ouais, tout le spectacle, je savais ça. Puis moi, la première série de Navo que j'ai vue, c'était Les Voisins du Dessus. Avec les prophètes. Avec les prophètes et tout. Et c'était là où j'ai dit, ah putain, mais Kian regarde vachement tout. Parce que moi, je me rappelle même à l'époque, j'avais envoyé un message pour Bref. Et il m'avait répondu que, enfin, je connaissais pas personnellement, mais ça se voyait qu'il savait ce qu'on faisait, quoi, tu vois. Il m'avait répondu très vite et en mode, ouais, ah ouais, merci, non, mec, il est très curieux, il partage ça avec Cyprien. Le mec qui est ouf là-dessus, c'est quand même François. François, je sais pas comment il fait, je sais pas le temps, comment tu le dilates, peut-être que tu voyages dans le temps. Antoine Daniel, c'est François Descraques qui me l'a fait découvrir, moi. Mais oui, mais le nombre de youtubeurs que tu connais, le nombre de vidéos américaines, de trucs, mais t'es tout le temps en train de dire, ah non, elle, ça marche, machin, tout ça. C'est mon père qui regarde tout, en fait. C'est lui qui m'envoie les messages, il dit ça, c'est bien, c'est pas bien. Non, c'est pas plus malheur, là, il y a trop de trucs. Ton père mais maintenant, je suis déconnecté, maintenant, vraiment. Oui, il y a trop de trucs. C'est ça qui me fait flipper. On peut en parler aussi. Alors, flipper, mais en même temps, c'est ça qui est. Moi, je crois pas trop au discours de c'était mieux avant. Et même, je pense que nous, le côté homemade, je pense qu'il existe encore. Il a peut-être pas chez les nouveaux, bien sûr. Je pense qu'il y a toujours diront la même truc. Chose en disant, ah, c'était bien. Et moi, je découvre comme un vieux, je découvre Twitch. Et en fait, je me rends compte qu'en fait, il y a exactement ce truc-là, cette effervescence. Il y a deux internets. Enfin, c'est l'effervescence de l'internet produit par la télé. Et il y a toujours l'internet comme avant. Quoi. Mais déjà, l'internet produit par la télé, en vrai, ça déjà n'existe plus trop. Ça fait longtemps que t'as pas vu un sketch de bagel ou de moustache. Oui, mais il y a d'autres choses. tu vois, remarque, moi, chez Studio 4, si j'avais pas Studio 4, il n'y aurait pas La Petite Mort. Mais c'est pas ça qui est en tendance YouTube, c'est ça que je veux te dire, en fait. C'est qu'il y a, un espèce de... Si, j'ai été en tendance. Non, mais ce que, tu vois, je te parle du gros, gros de Webedia, enfin, tu vois, de ces grosses structures qui ont compris, comment faire de l'argent avec Internet et des trucs comme ça. Des pranks, Ils en font pas trop, pour le coup. C'est pas trop. Non, mais qui fout l'Internet, pour le coup. C'est pas la télé qui cherche à faire l'Internet. Moi, j'arrive pas à savoir si c'était mieux avant vraiment, ou si c'est la masse qui fait qu'on croit que c'était mieux avant. Qu'on rencontre moins, qu'il y a trop de choses et qu'on discerne moins. Il y a aussi cette question. Et qu'on vieillit surtout. Il y a la question de l'algorithme, qui a quand même, pendant un moment, et encore un peu aujourd'hui, l'algorithme est plus puissant que la créativité, parfois. Parce qu'il y a des choses parfois d'une chaîne qui est inconnue et le truc est tellement génial que tout le monde va le partager et il va se retrouver en tendance parce qu'il va faire marcher son algorithme. Mais il y a quand même beaucoup, beaucoup de gens qui sont dans les numéros 1 et tout qui cartonnent grâce à l'algorithme parce qu'ils ont compris que le watch time, le fait de publier régulièrement à la même date, à la même heure... C'est pas des vidéos créatives, tu vois ce que je veux dire ? Ben, depuis combien de temps on n'a pas vu des... Parce qu'on avait 20 ans, j'avais 23 ans, un truc comme ça quand on a commencé. Depuis combien de temps on n'a pas vu des petits mecs de 23, 24 ans mais en fait, cartonner en a, avec les... des créatifs. Mais il y en a, mais on les voit pas. La dernière fois, j'ai un trou de mémoire. Le Monde à l'envers. J'ai découvert ça. Ils ont 1 200 000 abonnés. Et c'est Ludo qui m'en parle. Et je fais, attends, je regarde. Putain, c'est vachement bien. Ils ont quel âge, super bien joué. Ils ont nos âges. Ils sont un peu plus jeunes, je pense. Un petit peu plus jeunes, mais c'est super bien joué. Et je retrouve un peu ce qu'il y avait, nous, à l'époque. Et puis, ils ont quand même 1 300 000 abonnés. C'est ça. Mais moi, je te parle vraiment de jeunes, parce qu'on était jeunes. On a 33 ans. Le problème des jeunes aujourd'hui, c'est qu'ils ont 14 à 15, 16 ans. Et nous, on n'avait pas 14, 15, 16 ans. Ouais. Et qui sont professionnels à 14, 15, 16 ans. On faisait des vidéos, mais entre nous, il n'y avait pas YouTube. Oui, il n'y avait pas le poids du public. Il n'y avait, avait pas la potentialité que ce soit vu par des centaines, des milliers, des millions. Pour l'anecdote, je me souviens à l'époque de 10 minutes à perdre, donc c'était sur Dailymotion. Et je me souviens, on allait voir il y avait des agences de pub qui venaient nous voir pour faire des OP, machin. Et on disait, c'est simple, on peut vous garantir 50 000 vues en 2 mois. Et vraiment, à l'époque, les gens disaient, ah ouais. Ouais, bien sûr, Sûr. 50 000 vues, c'est le minimum. En deux mois, 50 000 vues. Et même nous, on le disait, putain. Mais on se rend plus compte. On se rend plus compte des vues. Hein, parce Nerds, que... c'était un méga succès. En 2007, c'était 56 000 vues. Mais oui. Moi, je me souviens. C'était ouf, on était les rois du monde. Il y a juste une blague qui me fait. Enfin, c'est pas une blague, mais j'ai vu ça là récemment. J'ai vu un coffret de Nerds. Bah, de toute façon, je les ai. Mais j'ai vu un coffret Nerds neuf, genre à la Fnac ou un truc comme ça. Il y avait écrit la série qui cartonne sur Internet. Et tu dis comment vendre un DVD en disant c'est gratuit sur Internet. Vous pouvez l'acheter en Sache DVD. Que les dédicaces de Nerds, les Fnac ne comprenaient pas. Parce que c'était une des premières web séries en DVD. Parce que je bossais chez un gars qui faisait des DVD. Je suis allé dans son bureau et je lui ai fait « Dis, tu ferais pas un DVD de notre série ?»« Non, tu fais chier, David. S'il te plaît. Ok, mais tu fais tout. Hein. » Et hors des temps de travail. « D'accord. » Et voilà, et on a sorti un DVD. C'est génial. Mais d'ailleurs, j'aimerais vraiment... Et les premières dédicaces, en fait, les Fnac ne comprenaient pas. Ils nous mettaient dans un coin. Ils nous mettaient pas dans le coin où il y avait les grosses stars, tu vois, où il y avait pouvoir une queue. Sauf que des fois, on avait 80, 100, 200. On a fait 300 personnes. Pour Nerds, les mecs ne comprenaient pas, ils ont dit mais vous faites quoi et tout ça. On dédicaçait et la plupart des mecs nous disaient c'est le premier DVD que j'achète. Wow, parce que les mecs passaient leur temps à pirater, sauf qu'ils voyaient une série de Nerds sur leur vie sur internet gratuite, du coup ils achetaient un DVD. L'objet, non mais de toute façon c'était ça. Et pour moi les DVD de web série, que ce soit Le Visiteur, Nerds et compagnie, c'était les prémices de Tipeee, de Ulule, de ce truc de alors de non, Netflix, non non mec. Mais ce que alors je veux, non parce qu'on gagnait pas du tout d'argent avec oui, ça, non mais voilà ça, non mais dans l'achat, non mais ce que je veux dire oui dans l'achat de dans l'achat de on va l'acheter pour soutenir des gens dans le côté on pourrait le consommer gratos. Mais on a envie de soutenir et on a envie d'aider ces mecs-là dans notre tout petit truc en disant acheter un DVD. Cool. C'est vrai que Tipeee et Ulule rapportent un peu plus. Mais c'est ce truc de façon d'avoir un objet. Regarde, j'adore la série Narcos. Tout le monde le sait. Ouais. Et du coup, c'est sur Netflix gratuitement, mais j'ai quand même acheté les deux coffrets. Tu vois, tu vois c'est, l'objet est très important. Ouais. Bien sûr. Et d'ailleurs, ça, c'est un truc aussi. Pour notre génération. Oui, c'est vrai. Peut-être. Ouais. C'est peut-être aussi. C'est pour ça que les mecs, ils adorent ce truc où les vidéos disparaissent après. Tu parles de Snapchat. Snapchat, pour moi c'est la fin de l'humanité. Snapchat, c'est là où je me dis il y a la bombe. Je suis vieux, je ne comprends pas l'intérêt. Oh, attends, le filtre chien pas. Il est super. Il est super. Mec, moi je l'ai installé. Ça fait une discussion de vieux con là. Ça redevient les grandes queues. Non, c'est grave, c'est exactement ça. Je l'ai installé 3-4 mois, je l'ai utilisé, je fais mais ça ne sert absolument à rien. Alors, moi, juste pour remettre un peu de jeunesse dans ce débat de. Ouais, vieux putain, con. C'est vraiment. Non, mais par contre, moi, c'est vrai que c'est un truc. Alors, je n'ai plus le temps. Et parce qu'effectivement, comme tu dis, John Rush, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de contenu sur Internet. Et je pense qu'on passe à travers des trucs chambés. Et c'est vrai que moi, une fois, j'ai fait une conférence qui a fini dans une triste fin, qui s'appelait Neocast, qui était un truc un peu fait par des passionnés, qui invitait beaucoup, beaucoup, beaucoup de créateurs d'Internet. C'était un peu le contre Video City, puisqu'en gros, c'était le salon des YouTubers, mais vraiment des. Petit, il y avait des Antoine Daniel, il y avait des grosses rostas, mais eux, ils étaient partis sur le truc de on va aussi inviter des gens qui n'ont pas des millions de vues. Genre et... Arthus et Nico. Je sais pas, j'ai pas les noms. Vous connaissez pas Arthus et Nico? Non, je connais pas. Allez regarder Arthus et Nico sur Internet. Et en gros, voilà, c'était des petits youtubeurs, entre guillemets, avec aussi des gigastars. Ça s'est arrêté. Et c'est vrai que moi, alors vraiment, s'il y a des gens qui ont l'idée, tu vois ce que faisait Antoine Daniel, par exemple, il faisait un truc qui s'appelait Le 29 avec Antoine Daniel, il conseillait des chaînes YouTube. Oui. C'était un truc que pas mal de gens ont fait, conseiller des chaînes YouTube. Et ça a lancé. Ça a lancé Y Penser, Axolot. Antoine Daniel a lancé ces mecs-là grâce à ce truc-là. Et ça, c'est mon petit manque que j'ai d'Internet, c'est-à-dire qu'il y a un gars ou une meuf dont le concept c'est voilà, je vais vous faire découvrir des chaînes inconnues. Il y en a plein. Bah il y en a pas tant que ça. Moi j'ai cherché des chaînes Absol, c'est tous ces gens non, eux, ils critiquent du YouTube. Oui, c'est pas la même chose. Oui, moi je te parle d'un gars ou d'une meuf dont non, mais après pour se dédouaner à la fin, il défonce un mec et à la fin ils font mais allez voir ce mec, il est super cool, tu vois, c'est un peu bizarre. Moi j'aimerais bien un truc qui me dit voilà, parce que par exemple moi à un moment je discutais avec un pote. Tu veux touche pas à mon poste de l'internet. Alors peut-être pas le j'utiliserai peut-être pas cet exemple-là, mais effectivement quelqu'un qui me conseille et qui me dit, ou même un compte Twitter, tu vois, quelqu'un qui me dit voilà. Moi c'est souvent ce que je fais quand je découvre un mec comme Mea, ce que j'avais fait, j'en ai parlé dans une vidéo et je l'ai partagé sur Twitter. Mais ça fait combien de temps pour de vrai que moi je parle pour moi, hein, j'ai pas regardé de la vraie création du fiction sur Internet, du sketch. Mais peut-être qu'on s'en est lassé aussi. Je sais pas, le seul truc que je regarde moi sur Internet dernièrement. C'est les gars comme Mea, c'est trucs sur le cinéma, même un gars qui s'appelle Fermela là qui crie beaucoup. Et je regarde aussi entre nous, c'est... Oui, entre nous. Non mais c'est vrai. Oui, c'est vrai, entre nous mais parce qu'on se connaît même, parce qu'on a même pas le temps de regarder toutes les vidéos de tous les gens qu'on connaît. Oui, en plus nous, on peut même pas se regarder entre nous. Tellement il y a trop de Netflix. Et est-ce que peut-être le début du est-ce que ça a pas découragé les gens la professionnalisation du sketch? Et là j'ai mis un petit voilà, je sais pas si vous avez vu la barre, mais j'ai lancé un truc quand j'ai vu ça à l'époque. Je me souviens le premier, il y avait donc chez vous le Golden Show, mais alors encore plus pro, c'était le premier sketch de Studio Bagel où j'étais dedans. Où c'est un est-ce que tu parles les Chinois contre-attaquent? Les Chinois contre-attaquent. Est-ce que je peux en parler? Parce que c'est moi qui avais l'idée à la base. Mais ne le crie pas trop, c'était un sketch très raciste. Non. Je voudrais expliquer ce sketch. Et c'est pour ça que j'ai quitté Studio Bagel. Ah, t'étais chez Studio Bagel? C'était les Noirs contre-attaquent. Ils ont dit non, ce sera les Chinois. On était les chez Poulpe, avec Poulpe, on avait décidé, on faisait des sketchs chez Golden Moustache, mais on était directeur artistique de Bagel. C'est ça que je me disais à un moment, Poulpe, il avait un pied là. Ok. Ouais, moi aussi, mais les gens se rappellent que de Poulpe. Oui. Il y a KDO, je suis haut. Voilà. Et donc, je me retrouve à proposer une idée de sketch et j'avais une idée, c'était on a volé l'humour. Et moi, vraiment, j'arrive à la réu, c'est la première fois que je fais des réus avec plein de gens. D'habitude, on est dans la cave, et quand Poulpe et François disent non, moi je dis si. Et au bout d'un moment, on le fait. Et, l'usure, quand même. Moi j'étais un peu, des fois, dictateur, peut-être. C'est ma petite taille, Napoléon, Adolf Hitler. Et donc, là, je dis, voilà, j'ai une idée, on a volé l'humour. Donc, on peut prendre plein de guests à plein de moments. Et par exemple, on met Norman sur scène, ou Gad Elmaleh, et il dit la vie, parce qu'il n'y a plus de blagues. Voilà, tout ça. Et puis, ça se terminerait sur un enfant qui pleure et on ne comprend pas pourquoi il pleure. Et puis, il a un papier de carambar dans la main. Le vent l'emporte et le papier de carambar tombe au sol et il n'y a rien d'écrit dessus. Fin. Les gens me regardent et me font « Ouais ». Là, je vois Ludoc qui fait « Ouais, mais il ne pourrait pas y avoir une clé USB grenade qui explose ?» Et je fais « Non, ce n'est pas un sketch d'action. C'est un sketch où on a volé l'humour. » C'est là où Golden Moustache est né. La poésie contre la violence. Mais c'est ça. Moi, j'ai choisi Golden Moustache parce que en fait, on pouvait faire des trucs poétiques. Ouais. Et là, Studio Bagel, ce sketch-là, je l'adorais. Ils me l'ont pris, ils ont fait des trucs. Et après, j'ai vu qu'il y avait des Chinois qui volaient l'humour. C'était un sketch à toi à la base qui est devenu les Chinois de contre-attaque. C'est un sketch que j'avais proposé et ils ont réécrit à 14 000. Ludoc a fait le truc dans son coin, tout ça. Après, il y a un gars qui fait caca et ça fait un bruit de pistolet avec un silencieux. Et à la fin, il y a mon nom en scénariste. Et là, j'ai fait non. Ok. Non. Il y a trop de monde sur ce truc. Non, en fait, il faut tout dirigé de A à Z. Oui. Et du coup, une bande dessinée, t'es tout seul. c'est vrai. Ouais. Mais c'était quoi le début de sur ce sketch? Pourquoi je peux en parler de ça? T'as une bagel fil, t'as dit. C'était dans professionnalisation. Oui, je disais, voilà, moi, le truc que je lançais, c'était est-ce que le fait qu'il y ait beaucoup, et il y en a eu beaucoup, parce que Golden et Bagel, c'était un sketch par semaine quasiment. Hein, ouais. Beaucoup de. Et puis Webedia ensuite est rentré dans la boucle. Enfin, beaucoup de sketchs très beaux, produits avec des équipes, des trucs. Est-ce que bien ça n'a pas découragé déjà le public, où il fallait vraiment une certaine qualité, et même surtout les créateurs qui se sont dit, mais ça ne sert à rien, comme nous avec la télé, tu vois. Moi, quand j'ai vu ça, en vrai, j'ai dit putain, c'est chambé. En fait, on a commencé dans notre chambre, dans notre cave, et. Aujourd'hui, en fait, on a un truc pro et on va rivaliser avec la télé et avec le cinéma et on va leur faire la nique et c'est trop bien. Après, je me suis dit, ok, bon, là, il y a eux qui le font, il faut des sous, ça va peut-être. Et ça commence, il commençait à y avoir aussi beaucoup de merde sur Internet. Et je me suis dit, ça va aussi égrainer, élaguer, genre, ok, bon, la merde, ça va s'arrêter, puis on va passer sur un truc qualitatif. Donc, j'ai vraiment dans ma tête le bon pif. J'ai dit, ok, ça, c'est l'avenir, etc. Et pas du tout, en fait, parce que c'est le homemade qui reste encore sur Internet. Oui, mais il y a une transformation des contenus pour les youtubeurs stars. Les youtubeurs stars, nous, les anciens, en fait. On passe tous sur autre chose. Pardon, excuse-moi. Non, t'inquiète. Je suis trop. David est sur une BD. Ouais. Ils ont fait leur dessin animé. Cyprien fait des courts-métrages. Je fais des courts-métrages. On est tous en train de faire quelque chose. Tu fais des séries depuis bien longtemps. On est tous en train d'aller vers quelque chose d'autre. Même si des fois ça fait chier quand je regarde des contenus super bien dont je suis fier et que je fais moins de vues qu'un connard qui parle dans sa chambre et qui a 14 ans et qui dit Fortnite c'est trop bien, ça me fait chier. Mais c'est pas grave, c'est pas le même public. Oui, c'est ça. Et ça ne nous enlève pas le pain de la bouche. Et puis à l'époque c'était Minecraft, il y a toujours eu des trucs. C'est dur quand même, parce que c'est vrai que moi j'ai arrêté ma chaîne YouTube il y a très longtemps, puisque quand on a fait le Golden Show, donc en 2011, ma chaîne YouTube où je faisais des vidéos tous les jours, j'ai un peu abandonné. On a tout donné au Golden Show. L'herpès puis après, sur la langue. Le Koh-Lanta, je me rappelle. Le Koh-Lanta, ouais, tout ça. Enfin bon, bref. Et après, on va à Golden Moustache. Donc, on donne toutes nos vues à Golden Moustache. J'ai quand même 50 000 abonnés. Et là, je relance une vidéo par semaine. Sauf que je plafonne à 4 800 vues. Alors, pour revenir là-dessus, parce que nous, avec Gaël, pendant un moment, avec Bat et Gaël, on s'est dit, bon, on a fait Bat et Gaël TV, on était assez contents, c'était beaucoup, beaucoup de boulot, c'était un mini sketch show de parodie de télé, web, etc. Et alors là, 300 000 vues, etc. Je me rappelle de cette période, en vous regardant, je me suis dit, putain, mais pourquoi ils font plus de millions et tout. Et puis, ouais, on s'est dit, on est dépassé, on est devenu ringard. Et en même temps, on regardait, ça fait longtemps qu'on est là, et c'est normal, en fait. Ouais, Donc, on a commencé à se dire, qu'est-ce qu'on fait? Je sais pas, vas-y, suce-moi, enfin, des trucs. Donc, on filmait pas, égale, donc quoi. C'était con, quoi. Bah, t'es gueule. Et puis, on a réussi à faire une saison 2 du dessin animé. On s'est dit, c'est l'épisode 1 qu'on avait mis en ligne, on avait bien marché, on récupère les droits de la saison 1, donc on diffuse la saison 1, ça commence à reprendre un peu plus de vues. On fait, en fait, les gens aimaient pas Mategal TV, mais ça fait pas non plus des vues. Enfin, on stagne, on prend, je sais pas, 10 000 abonnés par mois, quoi, ce qui est vraiment ridicule, quoi. Et là, depuis 2 mois, ça recartonne, on a passé le million d'abonnés. Vous faites des gros sketchs comme avant. On fait des sketchs et on met le dessin animé qui marche et on ne comprend pas. Mais il n'y a pas de logique sur Internet. On ne comprend pas. Chez Studio 4, même diffuseur. Je fais La Petite Mort d'un côté et je fais Reboot de l'autre. La Petite Mort, on lance le truc, on est 1 million de vues, mais quasiment instantanément. C'est vraiment bien. Et là, je fais waouh. On fait Reboot à côté, 100 000. Sur la même chaîne. Et je dis à Studio 4, je dis, dites à la fin que du même scénariste et du même auteur, il y a Reboot. On le fait. Les gens cliquent pas. Mais oui, évidemment, il y a aucune logique. Moi, j'ai toujours dit mais ça. Pas logique. Les gens, à chaque fois que je finis une vidéo. Je sais pas ce qu'elle va te donner parce qu'il y a aucune logique. Moi, si t'en as une, vas-y. J'en ai aucune. Moi, j'ai toujours fait plus de vidéos. Je fais des podcasts audio, tu sais. Donc, au sommet du truc, les gens viennent me voir en dédicace pour La Petite Mort. Ils me regardent et ils me font Vous êtes youtubeur? Ouais. Et du coup, j'ai un nouveau public, mais qui connaît que La Petite Mort. Nous, il y en a qui connaissent que les Tu préfères, pour combien, etc., qui sont des sketchs, je le dis, très magiques de Bat et Gaël, qui nous font rire. Je sais qu'il y a des potes qui disent les gars, ça évolue pas et tout. Mais c'est là où on reste des grands gamins avec Gaël, c'est que ça nous fait toujours marrer de les faire. Et heureusement, parce qu'on s'est toujours juré de se faire marrer, à faire notre truc, c'est mort, ça s'arrête. Mais on fait, c'est x2 par rapport au dessin animé qui est diffusé toutes les semaines. Enfin. Il n'y a pas de logique. Je trouve qu'il n'y a aucune logique. Et c'est pareil. Moi, dans cette période où les gens postent des vidéos 4 par jour, des Squeezie qui mettent des vidéos, plein. Moi, je fais que des vidéos quand ça me plaît. Donc une vidéo par mois. Et t'as pas de rythme. J'ai pas de rythme, j'en ai rien à foutre. Dès que j'ai une idée et tout, et je fais une vidéo par mois. Et je suis. Et à chaque fois, je me dis, putain, ça fait quand même un mois et demi que t'as rien mis. Ça, ça a pas marché. Chiffre de ouf, tendance. Ouais. Je ne comprends pas. J'ai regardé la dernière fois le nombre de vues de Squeezie. Ouais. Vous vous souvenez de l'époque de Rémi Gaillard? On disait Rémi Gaillard, le premier vidéaste internet à faire le milliard de vues. Le milliard de vues, ouais. Le milliard. Ouais. Je crois qu'il a 4 milliards 5. Ouais. Ouais. 4 milliards 5. Et il a pas assez de gens. Il a il a 3 milliards. Très, très cool, il a 3 hein. milliards moi, de vues. Non, mais oui, parce qu'il a changé. Il a changé son truc. Ouais. Il a 3 milliards de vues de plus que Cyprien. Que le numéro 1. Enfin, c'est... Mais parce que mais c'est parce qu'en fait c'est parce que c'est pas la même en fait en gros on dit internet mais c'est giga large en fait oui, c'est autant ça. Des c'est vidéos comme, c'est comme de la télé en fait ouais, c'est comme de la télé tu peux avoir sur TF1 oui, voilà. un téléfilm sur France 3 c'est un film c'est qu'il y a du cheval mais c'est surtout que moi je me rappelle déjà on faisait des séries et on voyait on nous disait ouais il y a le sketch et moi dans ma tête faire du sketch était ah bah c'est plus simple que de faire des séries puisque c'est des petites des blagues qui sont courtes etc. Puis après, il y a eu les podcasts. Et je me rappelle, à ce moment-là, je me suis dit, ah bah dis donc, les podcasts, c'est encore plus facile que de faire des sketchs, puisque c'est un plan fixe. C'est un plan fixe et tout. Donc techniquement, c'est plus dur. Après, c'est des jump cuts. Ça reste de l'écriture et il faut quand même le faire. Oui. Mais techniquement, c'est plus facile. Et maintenant, le podcast est devenu un truc de lutte, des fois, sur Internet, parce que c'est le stream, maintenant, qui fait que les gens, ils ont encore moins de besoin de moyens pour faire du contenu, pour avoir une... Twitch, c'est hallucinant. Voilà, c'est donc, Twitch, c'est voilà. Et donc, du coup, maintenant... c'est Twitch qui enfin si t'es jeune et que tu veux et que tu veux on va dire faire du contenu rapide simple et potentiellement connu c'est hyper logique de faire du Twitch bien sûr c'est ce que j'ai dit. Mais ça va où alors c'est ça le truc c'est que ça va où nous on maintenant on sait où on veut aller on sait à peu près ce qu'on veut faire moi je sais que c'est je veux faire des longs je veux faire des trucs et on sait où on va aller mais Twitch ils vont où après bah, après si tu rêves d'être journaliste jeux vidéo moi je me rappelle dans mon adolescence je voulais être journaliste de jeux vidéo, jouer aux jeux vidéo et faire un article dessus, c'était le rêve. Ouais. Sauf que comment tu deviens journaliste de jeux vidéo dans la pampa où tu vis, tout ça. Aujourd'hui, peut-être que c'est des mecs qui ont juste envie d'être journaliste de jeux vidéo et finalement, ils peuvent en vivre. Radio, ou animateur radio. Mais des fois, ça part dans tous les sens. Il y a un mec qui veut gagner l'argent aussi. Enfin, c'est, oui, il y a aussi de vrais métiers, mais aujourd'hui, on observe qu'il y a des jeux vidéo. Mais oui, mecs qui commencent sur Call of Duty à te parler de Call of Duty en Twitch et qui finissent par filmer leur femme enceinte ou tu vois, c'est trop bizarre, tu vois. Squeezie faisait des tests de jeux vidéo et maintenant fait des trucs avec des vrais concepts. Oui, enfin, voilà, c'est une évolution qui a évolué. Mais moi, je te parle vraiment des trucs un peu sales, un peu vie privée, un peu. Ouais, que les mecs commencent sur Call of Duty et finissent par. Il parle de cartes Pokémon. Il est vraiment génial. Il y avait un gars comme ça, Prime, je me souviens, j'ai eu le malheur de tweeter dessus. Parfois, j'ai des coups de gueule un peu aigris. Le mec s'est fait connaître en faisant du FIFA. Et j'ai mis, voilà, attention, il y a des fuites chez NRJ12, il faut colmater les fuites. Ouais, j'avais vu cette vidéo qui était numéro 1 des tendances, où le mec, pendant 5 minutes d'intro, il est torse nu, il fait « Ah, nouveau pec !» On est bien. Qu'est-ce que tu dis? Il monte même pas le truc. C'est jump cuté. Alors je dis, ben, t'as fait du montage. Alors. Et je regarde le truc. C'est pas possible. C'est pas possible. Et je tweet. Erreur. Là, je me suis fait leur fanbase. T'es qui toi? T'es qui? Ouais. J'avais vraiment envie de dire, mec, le jeu sur qui l'a rendu connu n'existait pas. Je faisais déjà des vidéos, mais j'ai pas répondu. Et donc lui, en plus, il en a remis une couche, etc. Et j'étais putain là je suis dépassé parce que mais je pense qu'on a clairement pas le même public et on s'en fout parce que c'est pas des gens qui viennent regarder nos vidéos c'est ça ouais c'est vrai donc non, mais c'est ça. En fait le truc c'est que quand tu dis pourquoi ils font ça c'est parce qu'ils ont pas nous on avait une volonté parce que nous c'est les inconnus les nuls exactement on a une volonté de narration de raconter de créer des histoires. Eux, ils veulent jouer aux jeux vidéo, être connus, faire des photos, recevoir des jeux gratuits. Être connu, jouer aux jeux vidéo. Parce que c'est vraiment, moi, les gens viennent me voir et souvent, comment t'as fait pour être connu? Tu pars mal. Non, mais pourquoi? Et puis, il t'écoute pas, il a le regard vide et tout. Non, bon, filme-toi, ça va marcher. Mais non, mais après, alors moi, je vais être le gars qui met un peu d'eau dans le vin. Mais tu bois pas d'alcool aussi, je sais, je vais mettre de l'eau dans le Fanta. Je sais pas, c'est pas un placement produit. Attention. Fanta, c'est vraiment un mauvais choix. Non, mais tout ce que je voulais dire, c'est que après, il y a des gens, je pense, qui ont une vraie passion et qui sont des raconteurs, oui. des animateurs, et que oui. Twitch, c'est leur façon ça, oui. de s'exprimer, qui est super, et qui. Mais c'est juste, en fait, encore une fois, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'il y a pas de règles et que il faut. Enfin voilà, c'est, si ça vous fait kiffer, faites-le avec pas forcément de but derrière. Mais c'est pour ça juste que le, celui de faire et que ce soit des Twitch ou même tu filmes ta femme enceinte si t'as envie de le faire, à la limite, fais-le. Mais c'est pour ça mais que fais-le avec plaisir. Que dans cette table, j'ai l'impression qu'on serait incapable de donner des conseils à des jeunes de maintenant qui débutent. Nos conseils s'appliquent en 2008, tu vois. N'écoutez pas ce podcast. Mais c'est très drôle, j'ai une anecdote vrai, que t'as je vais dire. J'étais avec Squeezie il y a trois jours. J'étais avec Squeezie il y a trois jours. Je connais Squeezie, ouais. Et le YouTuber. Ah, le YouTuber. Oh, non, j'étais avec lui et on parlait un petit peu de... Celui qui balance le numéro de Cyprien à tout le monde. Exactement. Ah, oui. Et on parlait un peu du game et tout, etc. Et je parlais du fait que moi, je fais une vidéo par mois parce que je fais une vidéo qui me plaît. Sinon, je la fais pas et j'en ai rien à foutre. Je gagne bien ma vie, tant mieux. Je peux rester sans vidéo pendant deux mois, j'en ai rien à foutre. Je vais manger. Et il me dit, mais mec, avec ce que tu fais et tout, tu devrais mettre ta cam et filmer en train de parler. Et moi, je suis incapable de faire ça. Et de quoi, c'est un talent quoi. Mais il m'a dit quoi? Il m'a dit de tes kiffs quand tu es sur Twitter et tout, tu vois. Il me dit, et puis même, t'es intelligent. Des fois, t'as des conseils de trucs un peu culturels, un peu cool et tout. Mais tu devrais juste parler de ça. Et moi, je me vois pas mettre la cam et faire, écoutez, j'adore ce film, vous devriez le regarder, c'est super bien. Mais parce qu'il faut ce talent-là et que peut-être tu l'as pas. McFly et Carito nous avaient dit la même chose avec Gaël. On fait, ouais, on sait pas trop et tout. Il fait, mais les gars, faites des jeux, animez mais un oui, truc. Et on a fait, mais on n'est pas animateur. Ouais, en pas fait, faire. On est vite dans le bide, on est vite malaisant. Et on se rend compte qu'on est drôle tous les deux quand on est que tous les deux et que enfin et qu'il y a personne autour de nous et que nous on se fait marrer. Ah merde, mais c'est que dès qu'il y a un peu de personnes les jours blancs et dès que si on devait animer, faire le passe plat, mettre en avant quelqu'un, etc. Mais vu même que c'est pas... nous qui faisons les cons, c'est super. Et on le fait, on peut pas, on mais, ne sait pas faire. Mais même pas de animer. Alors, je sais pas, j'ai jamais essayé, mais il se peut que si je mets la caméra et que je trouve des bonnes vannes et que ça puisse marcher avec du montage, parce qu'il m'a parlé de montage aussi, Squeezie, tu vois, du bon montage, ça peut marcher, ça peut le faire, les gens peuvent kiffer. Mais moi, personnellement, j'ai vraiment du mal à construire des trucs s'il n'y a pas. Quand je fais des podcasts, par exemple. Fichier Word, c'est ça. Mais quand je fais des podcasts, par exemple, ce qu'on appelle podcast. Oui, vidéo. Des vidéos facecam. Moi, mes facecam, quand je fais des facecam, c'est soit social, c'est soit sur le racisme chiant, ou soit ça raconte un truc d'une expérience, tu vois. J'ai mal au rap, c'est sur une passion, tu vois. Ouais. Et puis même là, sur les foyers, c'est un truc que j'ai vécu et tout, etc. Mais je ne l'imagine pas sans jeu et sans sketch. Et le fait de mettre sa caméra d'appui et de filmer sans sketch, sans jeu, alors tu vas faire des moments de jeu comme sur scène, donc des petits moments de jeu, mais je trouve ça, je sais pas, cet exercice est beaucoup trop peu travaillé pour que je puisse kiffer. Voilà. Ouais. Je sais pas si ça. Non, mais c'est ça. En fait, en gros, alors on n'a pas de, comme nous qu'on disait, il n'y a pas forcément des conseils, mais en gros, vlog, si vous avez... Et pourtant, j'ai commencé le vlog en 2006. Oui, c'est vrai, en plus, putain. Et j'aime bien raconter, moi. Enfin, vous avez pu le voir. J'aime bien raconter et mettre dans le contexte, du coup, en job cutant un peu, et t'amènes quelque part quand même les gens, tu vois. Oui, bien sûr. Ouais. Mais bon. Non, mais voilà, en gros, c'est chacun, c'est. C'est ça, et je pense que ce qui est sûr, c'est le mini conseil qu'on peut donner, c'est que quelle que soit la Parce qu'il fallait donner un conseil à la fin. Non, mais tu vois, quelle que soit. Non, mais c'est juste pour, encore une fois, pour faire une espèce d'état des lieux de tout ce qui est dit. Je pense qu'à partir du moment où vous kiffez ce que vous faites et vous pensez que vous avez un talent et vraiment. Twitcher est un talent, savoir vloguer est un talent. Encore une fois, et on met pas sur une échelle de valeur la fiction et tout. C'est vraiment si votre talent c'est ça et que vous kiffez le faire. Attends, raconter sa rupture avec sa meuf n'est pas un talent. C'est pas considéré comme un talent. Je trouve que ça dépend. Je trouve que ça dépend. Il y a une façon de le faire. Il y a des gens sur scène qui le font très bien. Non, oui. En scène, ils écrivent. Là, c'est juste. Ils écrivent. Bah, elle a dit ça. J'ai reçu ça comme texto. Et ça dépend. Je pense qu'il n'y a pas pleurer que ça. Devant sa caméra en racontant que son copain l'a trompé ou l'a quitté, ce n'est pas un talent pour moi. Ça dépend. Moi, je ne suis pas d'accord. Moi, je pense que ça peut être un talent. Moi, j'ai fait une vidéo qui s'appelait Mes mercredis. Non, mais je suis chez le psy tous les mercredis. Oui. Et je pleure à la caméra en racontant le truc. Je dis pas que c'était méga un truc artistique, etc. Mais j'ai en même temps, j'avais des réflexions sur la névrose et des trucs comme ça. Et tu peux en faire quelque chose, même si tu l'as pas écrit. Si t'as quelque chose à raconter. Quand c'est un truc psychologique, je suis d'accord. Tu parles de réflexion. Là, il n'y en a pas. Ça dépend, les gars. Mettez-vous dans le cerveau de peut-être un ado qui vit sa première rupture. S'il y a quelqu'un dont il aime la façon de raconter, qui lui parle de sa rupture, ça peut l'aider. Et c'est moi, ça met mal à l'aise. Alors que quand David, par exemple, il parle d'un truc un peu qui lui est arrivé, un peu psy, qui va derrière chercher des trucs, pourquoi, de machin, il pleure, ok, c'est parce qu'il est face cam et qu'il n'y a pas de cut et tout, etc. Oui, mais quand c'est une gamine de 16 ans qui dit il m'a quitté, il m'a lâché, mais ça peut parler à des gens, c'est ça que je veux te dire. Mais regarde Confession Intime, le succès de ce truc là. C'est la réalité aussi. C'est quand tu mets face à mes doutes là, tu vois. Mais c'est vrai que par rapport à. Non, mais c'est intéressant parce que c'est super émission TF1, ça, face à mes doutes. Par rapport à Twitch, le truc qui m'impressionne, c'est que c'est là où je me dis putain, je fais un peu mon deux cônes un peu vieux à l'époque du Grand Journal. C'est-à-dire que quand j'étais gamin, on jouait à la Super Nintendo et t'es allé chez ton pote qui avait la console. Et il jouait, je peux jouer et tout. Attends, je finis. Ah, okay, c'est chiant, en fait. J'ai vraiment envie de jouer. En fait, je te regarde jouer, c'est inintéressant. Je veux jouer, quoi. C'était horrible. Ouais. Et là, le plus gros succès sur Internet chez les jeunes, ouais, c'est un truc de génération. C'est maté quelqu'un. C'est un truc de génération. J'ai demandé pourquoi. Et quelqu'un m'a répondu. T'es d'accord Je suis d'accord. Okay. Moi aussi, au début, je me suis dit pourquoi. Moi aussi, je comprenais pas. Ouais. Et il y a le neveu de Rémi, enfin Rémi Argo, cadreur, ouais, qu'on connaît tous, ce machin. Talentueux. Monteur, voilà. Et donc, son neveu regardait ça. Et j'ai discuté un peu avec lui. Et en fait, j'en suis arrivé au truc, c'est qu'il n'a pas beaucoup d'argent. Et à l'école, au collège, dans la cour, t'as vu le dernier God of War? Ah, j'ai démonté le démonteur. T'as pas l'argent d'avoir le jeu. Sauf que tu connais le jeu par cœur. Parce que tu as vu le truc. Moi, je jouais et il m'a dit va pas là-bas, il y a un zombie. Le mec, le gamin, il est là. Et il a pas le jeu. Je lui dis il a pas le jeu. Je lui dis mais pourquoi il y a un zombie? Et il me dit bah parce que je l'ai regardé. Et en fait, ils peuvent en parler à l'école. Ils sont au même niveau que les autres. Putain, qui ont les trucs. Et en fait, du coup, c'est complètement normal. T'es allé chez ton pote, il avait la console. Ouais. T'en rêvais. Là, tu regardes un mec qui en plus maîtrise mieux que ton pote. Et un bon animateur. Un bon animateur. Et du coup, le jeu, il est à lui aussi. Il y a joué. J'ai jamais pensé à. Ah, c'est vraiment. Ouais. Ouais, là, on est fichu avec l'incertitude. On est des vieux cons, merci. Non, mais oui, mais moi, pareil que vous, quoi. Ouais. C'est juste qu'en fait, on n'est plus dans cette époque-là, quoi. Oui, c'est ça. Mm. C'est la suite logique. Écoutez, ça fait. En fait, je viens de me rendre compte que ça fait très, très longtemps qu'on parle. Rends compte parce que j'ai vraiment envie de pisser. Là. Ah, mais va pisser. Alors, vous pouvez pisser pendant le podcast. Il n'y a vraiment aucun souci. Oui, c'est très, très bien. C'est sûr, tu vas faire sur les micros. Les amis, après cette très longue discussion, mais qui, je pense, a intéressé les gens, on va passer à la dernière partie d'émission. Il s'agit des questions des internautes. J'ai ouvert un Curious Cat où les gens peuvent poser anonymement des questions, ce qui est quand même plutôt cool, et ça évite de niquer vos feeds de Twitter et de voilà. On pourrait mettre. C'est trop tard. Hein. Mais non, mais j'ai vu que les gens n'avaient pas compris le truc. Mais elle devrait faire comme 2 heures de perdu, genre laisser 5 étoiles et votre question, et peut-être on la posera aux invités, c'est pour remonter dans les tendances. Oui. Bon, moi j'ai ouvert un Curious Cat parce que de toute façon, je sais pas comment on fait marcher un truc. Donc j'ai des questions pour vous quatre. Je vais vous les poser et un peu pour moi aussi. Je sais pas ce que c'est du tout un Curious Cat. En gros, un Curious Cat, c'est un quartier un peu curieux. Ah, c'est ça. Dans Curious Cat, en gros, c'est des gens qui peuvent poser des questions, mais il n'y a pas besoin de rentrer un pseudo, un truc. C'est très anonyme, en fait. Ok. C'est un Twitter. Et souvent, tu te fais très insulter. Moi, j'ai vu des insultes sur Curious Cat sur moi. Oui, mais là, il y a des questions que je vais vous zapper. Hein. Oui. Voilà, des trucs un peu polémiques. Pourquoi t'es une merde? Ah. Bah alors, réponds. On va commencer avec François. François, est-ce que le rapport avec le public des web-séries, entre parenthèses, Japan Expo Convention, te manque? Est-ce que faire troisième droite a été un moyen de le retrouver? Alors, je ne sais pas en quoi c'est comparable. Ah, mais c'est très comparable. Bah, troisième droite, je l'ai vraiment fait pour. Est-ce que tu peux rappeler ce qu'est troisième droite en deux mots pour les gens? Troisième droite, je pense que les gens savent, mais... c'est un feuilleton que j'ai fait sur Twitter entre septembre et avril où je faisais un thread. Donc, un thread, c'est un ensemble de tweets et donc ça faisait plus ou moins un chapitre, plus ou moins par semaine. Et c'était vraiment une façon de renouer avec l'idée de j'ai une idée, je ne demande à personne, je la fais. Et je vois ce que ça donne. Et j'avais un rapport, mais tellement direct avec les gens, puisque les gens, ils commentaient à chaque tweet. Du coup, c'est comme si tu regardais une série, et à chaque fois qu'il y a une réplique, quelqu'un se dit « Ah, trop marrant !» Ou « Ah, je suis sûr que tu sors derrière toi !» Donc, c'est hyper, c'est pas interactif dans le sens... Voilà, tu te sens vachement plus proche du public que quand tu fais un film ou une série où tu passes 3 ans à écrire et au final, on te dit non. Ou alors, on te dit si, c'est bon. Et après, on te le diffuse sur une chaîne à pas d'heure et au final, personne ne le voit. Enfin, c'est sûr que c'est beaucoup plus satisfaisant à ce niveau-là. Mais finalement, c'est pas un modèle économique. Twitter, tu n'as pas d'argent là-dessus, quoi. Donc, c'était vraiment un... on va dire, une volonté d'être créatif, comme j'avais fait à l'époque, le Visiteur Futur, qui était une façon de... Moi, on n'en a pas parlé avant, mais j'écrivais pour des séries qui ne se faisaient pas aussi avant le Visiteur Futur. Bien sûr. Et donc, je voulais faire un truc qui sortait, tout simplement. Ouais. Et Troisième Droite, c'est un peu pareil. Donc, du coup, oui, ça rejoint un peu cette volonté de créer un truc. Et sauf que sur Troisième Droite, ce qui est cool, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont lu, qui ne me connaissaient pas du tout sur les web-séries, qui ont lu comme étant une sorte de creepypasta, un truc d'internet chelou, etc. Et tu ne savais pas que je faisais des séries à côté. Quoi. Donc, c'était plaisant d'avoir tout un autre type de public que le public, entre guillemets, type de convention web-série. Quoi. C'est ça. Une question pour Davy. Tu sembles avoir privilégié le support BD par rapport à l'audiovisuel. Est-ce que le travail de groupe ne te manque pas? Parce qu'apparemment, tes BD sont plutôt signés tout seul où tu fais et le dessin et l'écriture. Est-ce que le travail en groupe ne te manque pas? Ce qui me manque, c'est vraiment le Golden Show. Voilà, j'en ai déjà parlé, tout ça, machin. Là, a priori, peut-être, j'étais très content cette semaine parce que j'ai peut-être trouvé quelqu'un qui accepterait qu'on refasse des sketchs. Et sauf que ma demande, c'est de faire comme le Golden Show, c'est-à-dire d'avoir un lieu, d'avoir toujours les mêmes personnes, des gens pas connus, que j'aime beaucoup, que j'ai rencontré, faire ça en groupe, ensemble, toujours les mêmes, et recréer une sorte de famille, mais choisie, voilà. Et si possible, pas avec un gars qui dirige, et voilà. Et donc ça me donne envie. Mais effectivement, je me suis éloigné dans la BD, mais aussi parce que j'ai eu des problèmes dans ma vie sentimentaux, ouais. Et que j'avais plus envie de voir mon visage. Mais c'est vrai que 3 ans sans Internet, je me rends compte que ça... Non, mais et puis ça passe tellement vite que les gens ne savent plus qui tu es. Trois ans, tu disparais. Ouais, c'est vrai. Et du coup, quand tu commences à aller mieux, parce que toi, t'es parti parce que t'avais un problème, quand tu commences à aller mieux, tu dis « Je reviens, hein !» Mais qui t'es Et on ne te veut pas, vrai, on te veut pas, t'es vieux vrai. En plus. C'est tellement vrai, si on parle de 2 semaines, c'est même déjà un mois. Il y en a beaucoup qui ont fait l'erreur. Et je dis pas... Et des fois, je le vis un peu mal. Des fois, je me dis... Mais j'ai vraiment, je suis plus drôle du tout. Tu vois, il y a des trucs comme ça. Alors que c'est pas ça. Quelqu'un connaît Hugo tout seul? C'est un youtubeur que je connais. Hugo tout seul. Non, mais Hugo, mais Maxime. C'est le blanc, aussi. C'est le blanc de section d'assaut du groupe. Oui. Il y a plein. Maxime, c'est vrai aussi. Plus rien. Hugo, après, il est actif avec le groupe. Oui. Et donc, du coup, la BD, c'était. En tout cas, quand tu vas pas très bien et que. Socialement, je suis pas non plus un cador, quoi. La BD, c'est génial, quoi. Parce que, et en plus, il n'y a pas de budget. Enfin, on parle budget de merde qu'on te donne pour faire la BD. mais en vrai, voilà, je peux faire La Mort, je peux faire Les As de la Jungle, je peux faire pas mal de trucs, tu vois. Et je fais ce que je veux. Et j'ai une personne que j'aime beaucoup, qui est Marion Amir Gagnant. Bien sûr. Et voilà. Et maintenant, Lewis Randheim qui m'édite. Je suis content. Parce que moi, je suis vraiment fan de BD. Et du coup, quand, moi, Lewis Randheim, quand on m'a dit, t'as bossé avec Astier, oui. Mais je bosse aussi avec Lewis Randheim, tu vois. Mais bon, après, c'est pas mais d'ailleurs, j'allais. J'avais une question que j'ai oubliée, mais qui n'a rien à voir. Une fois, t'avais dit à Astier, est-ce que je peux faire Ils sont fous, ces Gaulois dans Astérix? Non, c'était Engagez-vous, rengagez-vous. Engagez-vous qui disait, ouais. Est-ce que tu l'as fait ou pas au final? Il m'a invité. D'ailleurs, sur Twitter, je lui dis, t'as oublié cette phrase, machin. Il m'a invité dans les studios. Je lui ai dit, tu me donnes 5 euros. Donc, on a fait la photo comme quoi il me donne 5 euros. J'ai enregistré engagez-vous qu'il disait. Il m'a fait devant un micro, il n'y avait pas d'image vu que ce n'était pas prévu. 3 fois, il me fait, c'est bon, tu peux partir. Là, il y a quelqu'un de la prod qui m'attrape, qui me dit, attendez, il faut faire votre contrat. Ah ouais. Et je lui ai dit, non, c'est bon, non, mais c'est un long métrage, il faut faire votre contrat. Donc, 170 euros, ça vous va? ok. Ça fera 175. Du coup, il me paye, machin, tout ça. Je suis sur IMDb, sur Wikipédia, il y a mon nom, voix du Romain, machin. Génial, et génial. Je ne suis pas au film. Non. Ah merde, non. Ils l'ont coupé, ils l'ont pas mis. Putain. Mais je suis partout. J'ai été payé. Mais c'est pas pourquoi ça m'a marqué ce truc sur Twitter. Je l'avais vu passer sur Twitter et ça m'a marqué. Voilà, question. Non, mais bien sûr. Non, moi je voulais juste rebondir sur ce qu'on disait avant. Est-ce que créer ta. Parce que j'en profite toujours dans les moments en question pour faire un peu votre promo à tous. Est-ce que créer ta collection n'est pas une façon un peu de recréer, je sais pas, de retravailler un peu en groupe, un peu. Si, et c'est surtout que. Moi j'ai été. Ce que j'explique un peu avec la création de cette collection, j'en parlais avec Dedo cet après-midi. Parce que je fais aussi une BD avec Dedo. Ça s'appelle une case en moins, la collection. La collection s'appelle une case en moins. Oui, voilà. Tu vas peut-être être dedans d'ailleurs. Mais on n'a pas tout mis encore. Ouais, c'est pour ça, donc je sais pas. Mais voilà. Mais en gros, l'idée d'une case en moins, c'est que moi j'ai été frustré d'être reçu par des éditeurs qui te voient sur Internet faire des blagues. T'arrives, t'as écrit un livre triste, le mec lit le livre, te regarde, t'as reçu dans son bureau, il te dit « c'est pas drôle ». Toi, tu fais « oui ». du coup, vous voudriez pas faire un livre drôle? Je fais, bah, tu racontes de ton quotidien de youtubeur? Non, parce qu'en fait, je vous ai envoyé ce livre, donc je voudrais faire ce livre. Je fais, non, mais et un truc drôle. J'ai un truc, une page, une blague, et on pourrait le mettre dans les toilettes. Oui? Non? Ah, putain. Et du coup, j'en ai eu marre d'avoir ça. Et je me suis dit que pour mes potes, c'était sûrement la même chose. Et du coup, une case en moins, on édite. Et effectivement, il n'y aura pas que des gens du web. Mais bon, pour l'instant, au lancement, il y a quand même pas mal de gens du web. Ouais. Bon, bah, forcément, au début, on va frapper aux portes des gens qu'on connaît. Ouais. Il y a Naïs Vachez, il y a Eleanor Cost, qui vient de sortir sa BD. Jean Skibitz. Ouais. Jean Skibitz et Eleanor Cost sont déjà sortis. Est-ce que tu peux dire les titres juste pour que les gens. Jean Skibitz et La soutenable légèreté de l'être. Voilà. Voilà. Et puis, il va y avoir Dedo avec White Spirit, Monsieur Poulpe avec moi. On fait en duo, on écrit Alain au Pays des Merveilles. Ça, c'est trop bien parce que les gens qui sont fans de votre duo voilà, vont retrouver sur papier, vous retrouver dans un truc et ce sera une BD que vous faites ensemble. C'est ça. Donc ça, c'est mortel. Mais tu te rappelles de notre expérience avec Disquette ou pas? Ouais, on va pas. Internet. Disquette. Non, alors, tu vois, c'est Internet, mais les disquettes à la BD. C'était horrible, mec. Et Guy Edré qui va faire la mode de petits points. Enfin bon, il y aura d'autres gens trop bien à venir. Mais l'idée, c'est de dire à ces gens, s'il te plaît, n'adapte pas un truc que tu as fait sur Internet. Ouais. L'idée, c'est qu'est-ce que tu as envie de faire? Créa. Un truc fou. Dedo, c'est un truc avec un monstre. Enfin voilà, c'est pas forcément drôle. Ils dessinent eux-mêmes ou ils trouvent des dessinateurs? Non, on trouve des dessinateurs. Okay. Et j'essaye de trouver des dessinateurs plus aguerris que le scénariste. Parce que quand tu n'avais jamais fait de BD, c'est un peu compliqué le découpage, les choses comme ça. Ouais. C'est l'équivalent d'un très bon chef-op quand tu débutes en réel. En gros, quoi. C'est ça. Exactement. Et moi, je suis derrière pour dire la case dans l'autre sens, le truc. Ouais, trop bien. En gros, voilà. Mais oui, mais c'est un kiff, ça. Ouais. Effectivement, c'est un gros kiff. Et puis, de travailler avec des gens que j'aime et des gens que peut-être que je connais moyen. Franchement, travailler avec Lolo là-dessus, avec Eleonore, je suis rentré encore plus dans son univers. Guy Edré aussi. Bon, Guy Edré, du coup, tu fais ah ouais! Il y a des lapins pendus, quoi. Ah oui, non, mais en fait, elle ment pas, quoi. C'est Guy Edré, quoi. Donc voilà, et c'est cool, quoi. Ça permet de trop bien. Faire naître des trucs. Ouais, super. Et ça, c'est un truc qu'on oublie sur Davy, c'est que Davy, il aime bien faire ses trucs, mais il aime aussi et sait. Coacher les gens, faire du management, pousser les gens dans leurs univers et tout, c'est un truc qu'il a toujours fait un peu à côté et c'est tout le monde peut faire ça. Il y a des gens qui sont très bons dans leur coin, mais pour aider les autres, ça a rien quoi. Et ça, Davy, le côté un peu directeur d'écriture ou directeur de collection, c'est un truc qui sait vraiment faire et qui fait. Et c'est surtout c'est hyper généreux quoi, de pas que penser à sa gueule et de dire tiens, il y a cette personne là qui a jamais fait de BD ou qui est pas forcément si connu que ça, je vais la mettre en avant et tout. Et ça, c'est voilà, tout le monde ne fait pas ça et je tiens à le dire. Parce que, c'est vrai. Merci. Et puis en plus Davy m'a on en parle que c'était décédé Davy à l'époque en tout cas sur YouTube oui. Non mais Davy, moi il y a eu justement comme je disais, moi j'ai eu j'ai appris mon métier dans cette famille qui était le Golden Show et avec vous tous et je compte aussi d'ailleurs Rémi, Clément et Vanessa. Il y avait deux choses moi qui m'ont fait me dire, parce que j'ai une image aujourd'hui du gars qui fait des courts métrages avec du piano à la fin, mais à la toute base, moi il y a deux trucs, c'était tes bandes dessinées et l'épisode 8 de la saison 3 de du Visiteur du Futur que j'avais monté, où je m'étais dit ah mais c'est trop bien, moi je veux faire ça. Et c'est ce qu'il y a beaucoup, il y avait aussi Bref à l'époque, et c'est ces trucs là et je pense qu'on sous-estime l'impact que ça a eu chez Raph fatalement aussi, enfin chez nous tous qui essayons de mettre un peu de fond dans nos sketchs. Je pense que ça vient de là à la base. C'est vrai, j'ai beaucoup fait chier Godel Moustache en disant et je voudrais que à la fin les gens ils pleurent. Mais non, mais on veut faire de la blague qui tâche. Pas moi. Ouais, mais je trouve ça génial moi. Parce que t'as fait ça aussi toi, ouais, John Rash. Ouais, et je trouve ça. En fait, c'est le genre qui me fait le plus kiffer en fait. Si à la fin. Franchement, les meilleurs commentaires de ma vie, c'est sur Jour de pluie, quand les gens m'ont dit j'ai chialé. Vraiment, à chaque fois, ça me met des frissons. Voilà. C'est le concept de l'humoriste, il a envie de le faire pleurer, alors que le mec qui fait pleurer, il a envie de faire rire. C'est rare que l'un et l'autre arrive, et quand on y arrive, c'est une vraie performance. En fait, non, j'ai l'impression qu'il y a une évolution. C'est-à-dire que moi, au début de ma carrière, vraiment, j'avais 20 ans, je voulais faire Les Inconnus, Les Nuls, je voulais faire rire. Sauf que pendant 10 ans, tu fais rire. Et après, tu dis, OK, je sais faire rire. Ouais. Et à un moment, c'est quoi la prochaine émotion que tu peux produire? Mais donc, mélanger le rire éploré. J'ai l'impression que c'est le truc ultime. Mais après, j'ai réussi à faire les deux. J'ai réussi à faire vomir. Moi, j'ai chialé devant un USB. Après, en connaissant vraiment, on se côtoie à peu près tous, on se connaît même si c'est de loin et tout, etc. On est tous un peu tristes. Hein. Enfin, moi, ça, c'est intéressant. Non, mais l'humour, c'est un nid à névrose. Ouais, c'est ça. Mais faire rire, c'est parce que t'es triste. Tout le monde dit ça, c'est le grand truc. Et c'est vrai qu'il y en a beaucoup. Mais mec, moi, je vous jure. Je vais super bien. Oui, toi, alors. Mais vraiment. Et à un moment, je vous jure que c'est vrai, il y avait tellement de gens tristes autour de moi dans ce métier qui disaient, c'est normal, il faut être triste et tout, que je me suis posé la question si j'étais fait pour ça. Peut-être qu'il faudrait que j'arrive à aller en dépression. Sans parler de vraie dépression, vraiment, ni de tristesse. Le loser, il est heureux, quoi. Ouais, j'étais à un moment, tout va bien. Ouais, tu te drogues pas, tu bois pas. Il veut juste faire rire. Non, tout en temps. Je me drogue pas, je me bois pas, mais sans je suis parler, pas heureux. Sans parler de vraie tristesse, on est tous un peu stress, un peu. Tu vois, je vous assure, moi. T'es pas stressé dans la vie des fois? Je vous jure, depuis que je fais staff, je suis l'homme le plus heureux du monde. Mais vraiment. Bah c'est bon alors, putain, mec. Mais vraiment, tous les matins, je me réveille et dès que j'ai un coup de mou, je me dis, non, mais regarde le taf que tu fais. T'es payé pour faire des conneries, tu te réveilles à l'heure que tu veux certains jours. C'est quand même un luxe incroyable, t'es bien payé. Tu crées, c'est j'ai une mais copine moi, géniale, vu, j'ai, mon gars, y a des névroses, j'ai une famille géniale, je ce suis mec est super heureux. Non mais ouais, non mais ouais. le travail Baptiste, ouais. Ça ouais. D'accord, je te rejoins. Moi je me lève avant, quand j'avais un vrai travail, c'est-à-dire que j'allais travailler comme graphiste et tout ça machin, je travaillais à 10h, je me levais à 9h30 et je faisais ouais. Maintenant je suis auteur BD chez moi, je me lève à 6h30, à 8h je suis à mon bureau et je dessine jusqu'à minuit, 1h, et je suis heureux. Après c'est plus dans la vie, des trucs machin, c'est ça où que je vais, tout ça, c'est ça. Là où je suis pas heureux, mais dans c'est le travail ça, je suis heureux. Moi le seul truc qui me rend maximum heureux, c'est quand je bosse. Mais oui, quand je bosse je suis waouh, la vie. C'est ça, on fait que ça. Moi je divise vraiment les deux. Bah ouais, pour moi il y a le travail et il y a ma vie privée et mes plaisirs qui sont de voyager. Oui, c'est quand on voyage on est heureux. J'étais blindé, on peut dire aussi, ça aide à être heureux. Mais ça, pour de vrai, en parlant sérieusement, on se rend pas compte à quel point c'est génial de pouvoir gagner sa vie. Ah oui, bah oui, et puis on normalement, gagne bien notre vie. Oui, c'est génial, mais c'est vrai. C'est pas juste par rapport à en 1999 sur internet, je peux vous dire qu'on gagne bien notre vie, hein. Et non, parce que Dailymotion ils ont pas donné les pizzas, hein. J'aimerais juste dire, en fait, peut-être pour rejoindre un peu on parlait de rire larme, peut-être moi la mini analyse que j'ai, c'est qu'effectivement je pense que l'humour c'est vraiment une grande pudeur de ok, je vais faire rire, je vais pas montrer que je suis triste, je veux montrer pour ceux qui le sont évidemment, mais je veux montrer que c'est rigolo, que la vie elle est fun et que machin et tout, et que peut-être à un moment tu dis oh vas-y, je vais montrer que des fois je suis pas là, ouf quoi, et du coup à ce moment-là tu t'enlèves un peu le voile. Mais moi je sais que c'est super important. Moi je ne pourrais pas faire un drame par exemple, ou une création dramatique, parce que je me trouverais lourd, insupportable, nombriliste. Que du drame, oui. Et je me rends compte, et je ne l'ai pas fait consciemment, et je le fais un peu plus consciemment. Enfin, en tout cas, je l'analyse plus consciemment, même si j'essaie de ne pas le faire consciemment, que l'humour est une façon de dire hey, tout va bien, sortez la tête des problèmes, tout va bien. Mais vas-y, je vous montre un peu un truc triste, mais après, je remets une blague derrière, parce que vous inquiétez pas, tout va bien. Ouais. On est dans une fiction, c'est cool. Mais effectivement, il y a un peu de merde. Moi, j'ai l'impression, c'est pire que ça, c'est que je fais des sketchs qui sont totalement cons quand il y a Vanda, mais il y a aucun message. Aucun truc, enfin, je sais pas, il y a des sketchs qui sont totalement cons et pas réfléchis, mais j'ai l'impression que cela ne reste moins, j'ai peut-être tort, ouais. Parce qu'on me reparle de Vandamme, on me reparle de plein de trucs, ouais. Reste moins que les gros trucs où à la fin la personne pleure. Quand t'as pleuré sur un truc, comme moi, quand j'ai pleuré sur un film, ouais. Je m'en rappelle et je le re-regarde. Ouais, c'est plusieurs fois. Ouais, je comprends. Tu vois, ouais, quand j'ai aussi rigolé, je le regarde. La fiche de Step Brothers, je le re-regarde et j'ai pas pleuré. Oui, mais moi, pareil, Zoolander, j'adore, je le re-regarde et tout, j'ai pas pleuré, mais moi, sur mon contenu internet, j'ai l'impression que ceux où il y a de l'émotion, c'est ceux qui sont le mieux et que j'assume le plus. Mais je pense que cette émotion, on peut la créer de toute pièce et on n'est pas forcément obligé d'aller chercher dans sa vie privée. Non, je pense. Oui, c'est possible. Mais moi, j'ai pas pris un jour de plus. Je l'ai pris dans un fait historique, tu vois. Donc c'est pas sur ma vie privée. Oui, mais ça te parlait. Ça fait c'est tes origines. Après, c'est chacun. Mais après, c'est chacun son rapport à l'art aussi. Ça, c'est après, c'est un truc de. Mais c'est vraiment parce que montrer que les gens qui sont pas dépressifs, vous inquiétez pas. Voilà. Bien sûr. Non, mais bien sûr. Et l'autre truc aussi, c'est que, enfin, c'est drôle que tu dis ça, parce que moi, j'ai fait une nuit originale récemment, et alors, on a fait une libre antenne qui était un peu dure pour mon ego, mais qui était intéressante. C'est ce qu'on est en train de faire, là, la nuit originale. Non, ouais, c'est un Mais quelqu'un m'a dit, pourquoi tes sketchs, ils sont moins bien qu'avant, comment on passe du bureau des rêves à des trucs sans fond sur Studio Bagel, quoi. Et j'étais là, genre, alors déjà, c'est un peu dur. Et en fait, c'est drôle parce qu'en fait, la personne avait mis effectivement sur un piédestal une fiction avec un peu de tristesse parce que ça l'avait touché. Ouais. Au-dessus d'un truc purement débile avec okay, des blagues des sketchs, ouais. Comme sur Bagel on a pu en faire comme Clash d'astéroïdes où c'est des mecs qui clashent un astéroïde. C'était très drôle, et pourtant ça. Moi je suis très fier des deux, tu vois, je mets pas un au-dessus de l'autre, mais c'est juste que ça a plus touché. Donc tu vois, il y a aussi ce truc là de plus ouais, toucher les gens. J'avais raison, moi, non mais ce que je veux dire, non mais justement en fait je te rejoins, je pense que tu touches plus directement les gens et tu leur dis hey, c'est la vie, on peut aussi être triste, et du coup ils font ah, et surtout ouais. Sur internet qui est un peu oui, la dictature de l'humour. Exactement. Et c'est par rapport à internet là où je dirais que au cinéma en France c'est l'inverse, c'est que ce qui enfin non j'allais pas ce que je veux dire, c'est que faire de la bonne comédie ça demande quand même beaucoup de boulot et c'est finalement on va dire pas si récompensé de ça. Ah non, tu vois, c'est très ingrat. Bah, ouais. On parle de Step Brothers et tout qui est excellentissime, et tu pourrais dire ouais bah de toute façon c'est des débiles ouais. qui font des débiles pendant, alors en fait c'est hyper précis, c'est hyper malin et j'ai tout. Beaucoup plus galéré sur les sketchs du Bagel que sur les trucs où je parle juste de la mort de mon grand-père et sur le fait que j'arrive pas à dormir. Ça découle beaucoup plus naturellement. L'humour, c'est le truc le moins fédérateur. Ouais. Là je peux vous faire une blague, si elle vous fait pas rire je vous la fais 100 fois et vous allez me tuer. Ouais. Si je vous passe une chanson que vous n'aimez pas, je vous la mets 100 fois, vous allez la chantonner. Ouais. L'humour, c'est, on pense que c'est le truc qui fédère le plus, mais pas du tout. Non, c'est pas plus système. Quand t'as un rejet, c'est vénère. Ouais. Ah ouais, quand t'as un rejet, c'est c'est comme des trucs, par exemple, sur l'humour simple, je vais citer quelqu'un, Marc. Ouais. Moi, je trouve qu'il est hyper drôle. Ouais. Je trouve que c'est un génie et qu'il est totalement dans fou. L'absurde, dans l'absurde. Dans l'absurde et tout, etc. J'ai montré à des gars de chez moi, de mon quartier et tout, etc. Il trouve. Il faut connaître l'humour anglais pour les meilleurs. Il le trouve pas drôle, il trouve que c'est gênant et tout, oui, etc. Alors limite, que... ça devient pitoyable, du coup, vu qu'il saute sans parachute. Lui, oui, voilà, c'est ça. D'où le fait que ça divise vraiment beaucoup de gens. On peut pas, de toute façon, nous, on le sait, en tant que créateur, on peut pas plaire à tout le monde. Mais à l'inverse, moi, le dernier sketch que j'ai fait chez Golden Moustache, qui m'a fait arrêter Golden Moustache, c'est J'aime plus. Ouais. Et qui était un sketch qui, au début, faisait croire que c'était drôle et à la fin, c'est pas drôle. Les commentaires des enfants. Oui. M'ont fait me dire ok, je suis pas à ma place, ouais. Faut que je m'en aille, mais ça c'est pas grave. Alors tu vois, moi je l'ai beaucoup analysé, je suis désolé, on passe une heure sur chaque question, mais on va accélérer. Mais alors, ça moi je l'ai pas mal analysé, parce que j'ai eu des fois ce sentiment de rejet. C'est juste parce que Golden Moustache aussi, tu parlais à beaucoup de monde ans, non, et beaucoup de monde en général en fait, ouais. Quoi qu'il arrive, et parmi ce monde là il y avait surtout des gens qui effectivement étaient beaucoup moins dans ton univers, parce que d'un coup moi je l'ai vécu d'autant plus que je suis arrivé avec Suricat et on a eu beaucoup d'abonnés, enfin Golden Moustache a eu beaucoup d'abonnés grâce à Suricat, et derrière moi j'ai fait d'autres choses, et du coup les gens disaient mais ramenez sur les quatre plutôt, et moi j'étais genre ah, les gars c'était moi aussi, ouais. C'était très compliqué à vivre, mais en fait c'est juste que tu parles à beaucoup de gens, et en fait moi j'ai appris, et enfin j'ai appris, j'ai aucun conseil à donner, mais ce qui m'a permis de relativiser, c'est de me dire ok, en fait j'ai un noyau dur qui est quand même là, j'ai un noyau de gens qui aiment ce que je fais, qui me soutiennent, voilà. Ouais, et au sein d'un truc aussi énorme que Golden Moustache, où il y a des gens qui s'abonnaient autant pour Suricat que pour Hakim Omiri, que pour toi, que pour moi, ou que pour les Hernadette, ou que pour les Chaussettes, ou que pour, enfin tu vois, ou même des fois qui se trompaient, juste ils ont vu une vidéo marrante, ils ont liké, c'était sûr que tu pouvais pas faire l'unanimité sur Golden Moustache, ouais. Comme l'inverse est arrivé après, c'est-à-dire que quand moi je suis parti, Adrien est parti, Suricat ont arrêté de faire des trucs, ça a été très dur pour la génération d'après, les Amaury et Quentin, les Multiprises, on leur a dit eh ben putain, là, l'époque où il y avait du fond et où on pleurait à Golden Moustache, c'est bien révolu. Hein. Là, c'est vraiment mais de la merde. Mais dernièrement, moi, j'ai vu un sketch, et ça fait longtemps que j'avais pas vu un truc de Golden Moustache qui était génialissime. C'est deux meufs. Ouais. Ah oui, bien sûr. C'était génial. C'était très cool. Je sais pas qui a écrit ça. C'est Anna et Laura. Et il y a Méniel dedans aussi. C'était génial. J'ai vu ce truc. Qui est en vacances. Qui est en vacances. Et quand tu dis, t'as l'impression que les enfants et tout, de plus être compris quand tu reviens, c'est le problème qu'a eu Eric Judor avec son film. Platane aussi. Avec Platane aussi, c'est que on trouve tout ça tout génial. Enfin, moi, j'ai trouvé ça génial personnellement. Et que lui, je me rappelle, dans Sofilm, il avait fait une interview où il disait que il a l'impression qu'il est dépassé, que ça ne marche plus. Que... Ah, Tom Montparnasse 2, hein, c'est ça. Ils font la suite de Tom Montparnasse, ils pensent être les mêmes. Là, pour le coup, j'ai moins bien aimé. Ce que je veux dire, c'est qu'eux, ils l'ont fait en disant bon, bah, c'est la même chose. Hein, c'est juste qu'on est un peu plus pété, mais c'est la même chose. Et tout le monde leur a dit. Les gars, c'est de la merde, allez vous faire foutre. Ils sont là, genre, oh putain, on a l'impression d'avoir juste fait la suite logique de la Tom Montparnasse. Mais sur Problemo, c'était autre chose parce qu'il avait construit une histoire, il a fait un truc et qui était très drôle. Ouais. Et derrière, deux fois, moi j'ai adoré. Ouais, et derrière, il se dit, putain, merde, je suis plus drôle, je sais plus faire rire, je suis plus en phase avec le public. Ça, c'est flippant, hein, surtout les métiers du monde. Moi, pour avoir travaillé avec quelques humoristes seniors, tu vois, du Jardin ou des Gad Elmaleh, tu sens que c'est leur crainte. Ouais, ils sont très intéressés sur ce qui plaît aux jeunes. Ah, c'est marrant, ça et tout. Ouais, tu vois, un Gad Elmaleh, il court après ça. Tu vois, ils vont voir. Il fait un truc avec Kev Adams. Un petit peu trop, quand même. Non, après, ça se voit. Mais il fait un truc. Non, mais tu vois, il fait. Mais mine de rien, il s'intéresse. Tu vois, il fait un truc avec Kev Adams, avec Gaston Bide, avec. Il s'intéresse à ces mecs-là. Plus discrètement, Légitimus fait ça aussi. Légitimus, il est ouvert à fond. Moi, il a tourné dans un de mes sketchs. Avec demande. De ouf, tu vois, il est pas, tu vois, il y en a plein qui sont encore un peu attirés par, tu vois, c'est la peur d'être ringard. Et Lycée Moon, il a cette peur, tu le vois sur les réseaux sociaux, je le suis, et tu vois qu'il a un peu cette peur aussi. Ouais. C'est vrai que nous aussi, ça va nous pendre au nez au bout d'un moment. Ouais, quand les Twitch nous remplaceront, ça va te dire. John Rachid, à l'époque où tu as commencé tes vidéos, est-ce que tu étais mal vu dans ton quartier, genre un mec qui mettait des perruques et qui jouait des rôles pour faire rire des gens sur internet? Est-ce que les gens comprenaient ton délire? Mais c'est super bien vu parce que c'est totalement vrai. Ouais, j'étais totalement mal vu. C'était. Tu parles bien dans ton micro. Ouais, j'ai totalement raison. Tape dans le mille de ouf. Je viens d'un quartier populaire avec des caméras. Et à chaque fois que je mettais une perruque et que je descendais faire un sketch et tout, etc., il me prenait pour un peu taré. De toute façon, il a toujours été chelou, celui-là. Mais bizarrement, dans la vraie vie de tous les jours, parce que je travaillais chez Orange et tout, j'étais totalement normal. Enfin, normal, comme dans la société, quoi. Ouais. Et quand je mettais les perruques, ils n'arrivaient pas à comprendre. Ils disaient, mais pourquoi tu fais ça? Pourquoi? Qu'est-ce qui t'arrive? Ça t'emmène quoi? Je fais, bah, je sais pas, j'aime bien. C'est pas tranquille. J'aime bien, ça me fait plaisir, ça me fait kiffer. Et ouais, au début, j'étais très mal vu. Mais ces mêmes personnes qui étaient même des fois très virulentes à base de. Mais bon, comme il n'y avait pas d'embrouille parce que je me battais très bien et que je me bats toujours très bien. ça vous pouvez le noter. ça allait jamais très loin, donc il n'y avait vraiment pas d'agression. Il n'y avait pas d'agression. L'humour mène à tout. Il n'y avait pas d'agression, il n'y avait pas de réelle agression, donc je m'en foutais. Mais il y avait vraiment des gens, mais il est fou, vas-y, parle pas avec lui, il est complètement taré. Et ces mêmes personnes, quand ça a commencé à vraiment faire quelque chose, on dit. On a toujours été fiers de toi, mon pote. T'es le meilleur. Je savais. Donc ouais, ça, dans un quartier populaire, au début, c'est chelou. D'accord. C'est très chelou. C'est une question. Alors, je vais d'abord la poser à Baptiste, mais en fait, elle vous concerne un peu tous. Quel est votre meilleur souvenir de rencontre avec quelqu'un dont vous aimiez le travail et qui a vu ce que vous faisiez? Parce que je sais que toi, t'avais fait The Fartist, par exemple, oui, à l'époque, oui. Et que vous aviez eu, alors qu'il était une parodie des artistes avec des pets, ce qui peut surprendre, hein, connaissant votre univers, mais. Mais c'était la. On avait repris plan par plan la bande-annonce de The Artist. Et ça avait. Azanavicius l'avait vu. Azanavicius l'avait. On nous avait envoyé un message pour nous féliciter. Dujardin, je vais à Cannes. Et Dujardin m'arrête. Hé, hey, ouais, trop bien, The Fartist. Et c'était à l'époque de The Artist. Était là, hein? Vas-y, viens, on fait une photo. Ok, c'est n'importe quoi. Ouais. J'y crois pas. Et ouais, c'était. Bah, Azanavicius, c'est quand même le grand détournement, la classe américaine. C'était plus lui dont j'étais fier que Jean Dujardin, que j'adore. Mais j'adore c'est son plus ta univers, culture Canal. Mais ma culture d'Azanavicius qui dit putain, les gars, bravo. Ouais. Là, tu fais ok, je fais ce taf parce que j'ai vu les nuls Canal et j'ai grandi avec Canal. Et t'as un papy qui te dit, enfin, papy, non, il est pas papy, mais t'as un des vieux de la vieille qui te dit. Petit genou, bravo quoi. Ouais. Et ça, ouais, il y en a eu. Puis après, j'ai pu tourner avec. Enfin, j'ai quand même tourné avec Gérard Darmon. Bah, c'est ce que j'allais dire. Trader Cameraman, vous avez enchaîné Berry et Darmon. Richard Berry et Gérard Darmon, c'était surtout Gérard Darmon par rapport. Richard Berry, j'avais tourné avec lui. Donc, ouais, dans un film. Mais pareil, Richard Berry, il faisait plein de trucs avec les nuls. Et Darmon, encore plus. Et d'avoir un Darmon toute une journée entière qui vient faire le con avec toi et qui accepte tes conneries comme Trader Cameraman à l'univers. Mec, ce truc, je suis désolé, je fais une parenthèse. Barré, j'adore ce truc, c'est le truc enfin ces dernières années, c'est le truc que j'ai le plus kiffé sur internet. Voilà, on a fait 22 minutes avec. Ouais, je sais, j'attends. Et ça c'est ouais, il y a eu des petits moments comme ça. Dimitri Perne, on a eu La Fouine qui est venue dans notre appart. Elle est MFAO. Ouais, Gaël nous a raconté elle est MFAO. Oui, elle est MFAO dans l'appart, c'est dans l'appart avec les gardes du corps qui arrivent. On a eu quand même ces histoires. On a fait des rencontres assez improbables. Et j'en oublie beaucoup, je pense. Ouais. François, toi, t'as eu des rencontres comme ça, des trucs qui t'ont marqué Bah alors, ça va paraître. Non, mais le fait que. Bah, que Davy. Parce que, en fait, parce que moi, j'allais. Elle est MFAO. Non, mais oui. Non, mais parce que j'allais en convention. et ça, c'est l'histoire que je raconte tout le temps. Mais je suis allé faire signer. On va traiter de forceur pendant une heure et demie. Donc, voilà, t'inquiète pas, moi, je suis avec toi. Mais j'ai fait mon Flaubert, comme on dit. comme on dit sur Internet. Oh non, je suis allé en convention voir Davy, faire signer mon. mon CD-ROM à l'époque. Putain. Et je vais faire merci, au revoir. Et après, j'étais à l'époque, mon net, et je fais t'as vu, c'était David, tout machin et tout. Ah, génial. Et du coup, quand des années plus tard, il m'a dit viens, on travaille ensemble. Je dis ok, monsieur. Et j'étais trop content. Donc, enfin, ça s'est pas reproduit 15 000 fois. Hein, j'ai pas, enfin, c'était. Non, voilà. Ça, c'est moi. Mais voilà quoi, après c'est sûr que au Golden Show, le fait de voir passer des gens dont j'étais fan, de voir un peu les diriger, ouais. C'était aussi incroyable, tu vois. Mais surtout le fait de voir, c'était l'année de Bref, et Bref, ils avaient refusé d'apparaître dans aucune parodie, ils ne voulaient pas se parodier eux-mêmes. Ouais. Et quand ils ont accepté de faire Bref, j'ai une voix off dans le Golden Show, et que je devais expliquer à Kian comment faire Bref, et je disais en mode, mais non, mais les gars, c'est à vous de le faire, quoi. Et ça, c'était vraiment, vraiment cool. Et puis surtout de voir, bah, moi, il y a tellement de gens sur Internet dont j'étais fan avant, que je voyais de loin et tout. Bah, bon, Ludovic et tout, je voyais ses vidéos quand il avait même pas 18 quand ans. Quand il reprenait Fatal Bazooka. Voilà, tu vois. Et après, de me dire, ah, c'est cool, c'est des potes, etc. Maintenant, enfin, j'ai une vraie, voilà, sans aller dans les people, machin et tout, dans le côté, dans notre génération, on va dire c'est une génération, ouais. et même si on n'a pas le même âge, mais c'est une génération. Ouais. Et c'est ma plus grande fierté, c'est de se dire qu'on a plus ou moins commencé au même moment avec les mêmes intentions. On est plus ou moins tous encore en train de faire des trucs, même si c'est un peu différent. Et j'ai l'impression, et peut-être que je suis naïf, qu'on n'est pas des fils de pute comme il peut y avoir dans d'autres milieux, type télé, cinéma, ouais. Où les gens se crachent dessus, s'insultent, etc. Il y a des ennemis, vraiment. J'ai quand même bipé 11 vrai. Noms depuis le début de l'émission. Mais oui. Ils sont des gens de la télé. Voilà. Ils sont pas des gens d'Internet. Ouais, donc du coup, c'est ça un peu ma fierté, c'est de me dire, voilà quoi. Bien sûr, tout le monde n'aime pas forcément le travail de tout le monde à 100%, mais globalement, il y a un respect global, une reconnaissance, voilà, tout le monde considère que bah, si t'as fait des trucs et t'en as chié pendant 10 ans et que t'es encore là, c'est que bah, ça vaut le coup, quoi. Donc, c'est ça qui me rend plus... Il y a un truc de... Pas d'hierarchie, mais il y a un peu première génération, deuxième génération, troisième génération, et chaque génération est un peu entre soi. Et puis, de temps en temps, il y en a qui vont se mélanger dans la nouvelle génération. Mais c'est comme au lycée, quoi. Ouais. Les terminales, ils ne traînaient pas avec les troisièmes. C'est vrai, quoi. C'est une raison de ouf. On reste à peu près avec les mêmes personnes avec qui on a commencé au même moment, à peu près, tu vois. C'est vrai. Ouais. Et il y a ce parallèle que j'avais mis sur Instagram. J'avais posté une petite vidéo des gars du Splendid qui expliquaient que comment ils étaient passés du théâtre à la télé, au cinéma et tout, etc. Et j'ai trouvé que quand ils étaient passés de gauche à droite. Non, aussi, exact, de ouf. Et ça ressemblait vachement, ça faisait une analogie avec le YouTube et ce que ça devient. C'était complètement ça. C'était pareil, tu vois, c'était le même. Et on est sorti d'un truc comme ça, même si on travaille pas tous ensemble. Mmh. On est sorti d'un truc comme ça et on se dirige vers d'autres trucs. Et c'est un peu pareil, sauf que c'est pas le même média. Quoi. Non, mais ce qui est drôle, c'est que moi, en plus, j'ai encore ce truc d'être content pour les. Enfin, moi, c'est vrai que quand j'ai vu la petite mort sortir enfin en BD, j'avais un truc de putain, t'achètes l'objet direct en fait. T'as un truc de fierté pour les gens. Là, j'ai vu Poulpe au Burger Quiz, mec, je te jure, ça m'a vraiment. C'est bizarre parce que Poulpe, moi je le vois un peu moins et tout, et voilà. Mais j'avais ce truc un peu nul de je me souviens quand on citait les nuls, Shabat, tout ça, et de le voir faire des blagues au Burger Quiz avec un Shabat qui tape sur la table. D'être parmi un des meilleurs guests du Burger Quiz. Ouais, et en plus tue l'exercice et tout, ouais. Mais. Ça fait des que trucs, quoi. Tu vois. Ça vous fait pas ce que truc qu'on n'avait pas plus jeune. Par exemple, Burger Quiz, c'est un bon exemple. Un jour, il y avait le Burger Quiz et autour de la table, les invités, bah, je les connaissais tous. Ouais. Tu vois, c'est ce qu'il y avait. Allison Miller. Il y avait Allison, il y avait Malik, je sais plus qui. C'est tous des gens que je connais, tu vois. Et ça m'arrive tellement des fois au cinéma, des fois machin. Et ce truc, c'est trop bizarre, quoi, parce que quand on était petit, on connaissait personne, on s'en foutait. Et ça nous donnait un écran, quoi, inatteignable, inaccessible. Exactement. Et aujourd'hui, des fois, je regarde des trucs et je me dis, je connais. Moi, l'avant-première du manoir, ça m'avait fait non mais c'est vrai, je te le dis honnêtement, j'étais là genre, enfin, surtout pour Tyrell parce que les autres sont des restats YouTube et tout, mais moi Vincent on a presque, j'étais presque plus connu que lui en vérité, en toute sincérité au début, mais c'était tout petit encore, mais on était vraiment les outsiders du truc, et de le voir dans un film où en plus il déchire, il joue bien et d'entendre le public, un grand Rex entier rire à ses conneries et tout. Bah ouais, il y a un truc. Alors il y a l'effet qui se coule, hein. Il y a aussi genre, bah j'ai hâte que moi aussi je fasse des trucs, tu vois. Mais c'est après, bizarrement. Mais d'abord, t'as un truc de ah, c'est cool, putain, c'est génial. Mais c'est ce qu'il a dit tout à l'heure, c'est qu'il n'y a pas d'animosité. C'est-à-dire non, que c'est moi, pas de la jalousie, c'est pas de la jalousie, c'est de la bonne jalousie, je sais pas si on peut appeler ça. Ça nous tire vers le haut. Et puis souvent, quand on voit quelqu'un qui a poussé une porte qui était le cinéma, par exemple, ou la télé, et que ça y est, on s'est installé, yes! Ouais. Putain, je me souviens, à la sortie du manoir, c'était le grand truc de tous les youtubeurs, tout le monde se le disait. Putain, faut que ça marche. Il n'y avait pas un qui disait, faut pas que ça marche. Et pourquoi? Parce que si ça marche pas, ça va être très compliqué pour ceux qui vont vouloir faire des films en venant d'Internet. Et heureusement, ça a fait 4 millions d'entrées. Donc... ça a fait 250 000 avec 176 copies et 100 affiches. Et un film interdit moins de 12 ans et une comédie horrifique avec un gars pendu par la bite. Et, avec en termes de communication, ça a été catastrophique de la part du distributeur. Ouais. Et donc, je sais que le distributeur reste très fier et que le film a été rentabilisé. Donc, ils ne peuvent pas dire non, c'est pas vrai, les films Internet, ça ne marche pas. Non, c'est pas un flop. Non, si ça avait été un plus gros succès, on aurait tous un petit film en développement. Non, mais surtout, moi, je trouve ça. Pardon, on ne va pas faire des heures sur le manoir, mais je trouvais ça trop bien que, en gros, entre grosses guillemets, le film des youtubeurs soit une comédie horrifique pétée, écrite par Kemar, qui est peut-être le gars le moins mainstream de la Terre, avec des blagues, avec des mecs égorgés et des blagues de beats. À l'ancienne, moi j'ai trouvé ça trop bien que le premier film YouTube, parce qu'il y avait aussi le Palma Show, mais là moi je connais moins les gars du Palma et tout, que ce film là et qui se revendique, qui était vendu comme tel, ce soit un film MTV début 2000 quoi. Quand je l'ai vu, j'ai fait putain, mais c'est Emek et Lumake, c'est Ohai, c'est Jay Silent Bob contre-attaque, c'est des trucs d'une débilité. Ouais. Je me dis, c'est trop bien, il y a des fumeurs de joint qui vont voir ça à 3h30 du mat et se péter des barres. Et du coup, je trouvais ça trop bien. Moi, j'espère qu'il fera une grande carrière DVD ce film, parce qu'il le mérite. C'est une vraie comédie débile et je trouve ça trop bien que le premier film d'Internet aussi soit. Ça va être une comédie bien débilos. Et ça, j'ai trouvé ça très cool. Moi, en souvenir, vous disiez, c'est avant-première. Moi, c'est l'avant-première du Visiteur du Futur, la dernière saison. La 4. Pour Max Linder. Ouais. J'étais, c'était trop bizarre. J'étais entre la fierté et la jalousie. J'étais fier pour toi. Je trouvais ça tellement bien, tellement cool, tellement, Et d'un autre côté, je disais, putain, moi aussi, j'ai envie de le faire. Tu vois, il y avait ce truc, ça m'a donné un coup de pied au cul. Vraiment, je me suis dit. T'as fait reboot après. Mais d'où la jalousie. Une bonne jalousie. J'appelle la compétitivité. Mais à la fin, je suis allé te voir, j'avais les larmes aux yeux, je fais bravo, je t'ai dit bravo, j'ai juste dit bravo, je crois. Mais j'étais vraiment. Et tu m'as fait un doigt et après t'es parti. Mais voilà. La fin de Nerds à Japan Expo, moi je me souviens aussi, parce que je vous connaissais encore pas, et je me souviens vraiment avoir une ambiance dans un truc, il avait fait ça dans le hall. Je me rends pas compte, moi je vais plus à Japan Expo, mais en tout cas à l'époque, c'était vraiment la folie interne. À Japan Expo, c'était vraiment, tu remplissais visiteurs du futur show, c'était des trucs ou qui. Mais la fin de saison 4, je me rappelle parce que. Il y avait un silence. Il nous avait prévenu en mode là, on va plomber Japan Expo et tout, etc. Quelqu'un va mourir. C'était ouf. Quoi. Et en fait, la fin de Nerds est très triste en fait. Mais genre, vraiment. Ah ouais, la fin du. Ah ouais, c'est vraiment. Comme tu disais, moi je pars du principe que quand tu termines un truc que tu sais que tu vas pas le refaire, il faut tuer quelqu'un, il faut que ce soit triste et que les gens ça rappelle toute leur vie. Et pas de suite possible quoi. Et pas de suite possible, putain. Et là, Nerds, les gens ils riaient. Et là, vraiment, la fin, mais vraiment, t'as la salle. Ça s'arrête, mais vraiment, t'as plus personne. Il y a eu des larmes et tout Oui, j'ai vu des filles pleurer, des mecs pleurer. Et il y a eu une ambiance, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, moi, ce que j'ai trouvé fou... C'était le silence. C'est que normalement, une fin de série... Si personne qui ne parle pas, c'est... ça, une fin de série, tu applaudis, normalement. Tu sais, il y a un côté, genre, on applaudit, c'est un visiteur, ça applaudissait. C'est genre, OK, on savait qu'il n'y aurait pas d'autre saison. OK, génial, le feu d'artiste. Là, les gens... C'est pas qu'ils applaudissaient pas parce que c'était pas bien, c'est parce qu'ils étaient séchés. Mais c'est ce genre de souvenir, c'est génial. James Dalek, j'ai pris une musique de James Dalek qui parlait du passage à l'âge adulte, parce que bon, moi, c'est un problème pour moi, a priori. Donc, on l'a mis dans Nerd, ce truc-là, et ça se terminait sur cette musique de James Dalek qui dit « Mais où est passé mon costume de cow-boy machin, tout ça. Maintenant, les mercredis, pour moi, ça veut plus rien dire. » Et t'as les gens dans la salle, vraiment, genre, ils étaient là, genre « Ah, putain !» Et j'étais très content de leur foutre une épreuve. Autant je me rappelle, pas de tous les épisodes de Nerd, autant je me rappelle mais précisément de la fin, pratiquement plan par plan. J'ai le plan quand il retombe au sol. La violence. Non, mais c'était un choc. C'était d'une violence incroyable. Quoi. Et surtout, ce qui était terrible, c'est qu'en plus, vous aviez teasé de façon glauque un personnage va mourir dès le début de la série. J'avais dit ça direct. Et en fait, nous, on s'attendait soit à un twist, soit à une blague, soit à un perso. Parce qu'en fait, il jouait toutes les 5 derniers épisodes, c'est... Ah, peut-être c'est lui qui va mourir. Moi, j'avais une tumeur, l'autre il se suicide, machin. Donc, il y avait des pistes de partout. Que des pistes de gens qui mourraient. Et c'était assez bien foutu parce que tu ne voyais pas ce personnage-là mourir. Et surtout, il y avait des personnages plus antipathiques que d'autres. Donc, tu dis, OK, peut-être ils vont tricher, naninana. Et en fait, ils te séchaient un peu avec ça, quoi. Ne dites pas qui c'est comme ça, on ne peut pas ne pas savoir. Non, mais je pense, après, c'est une série qui a des années. Moi, si je peux rapidement parler de ça, j'ai toujours été. Van Damme, super, génial, trop bien. Alors, moi, j'aimerais quand même demander comment ça s'est passé. Oui, vas-y, on l'a. mais ça va vous décevoir. Donc non, Vandamme génial, Légitimus génial, mais moi je suis un grand fan de VF, de comédien de doublage, ouais. Et je, c'est ma vie. Ah, Brigitte. Non, Brigitte, oui, mais mais Al Pacino, José ah, Lucioni. Oui, c'est vrai, dans Jour de Pluie. Dans Jour de Pluie, c'est José Lucioni qui fait la voix off. Et moi, enfin, vraiment, quand tu demandes à tous mes potes, ma copine, tout le monde, vraiment, tout le monde qui a vu des films avec moi, sait que je dis qui double la personne à chaque fois. Je suis ce relou-là, je connais par cœur et je kiffe, et voilà. Et moi, la première fois que j'ai eu ce petit pont vers les voix françaises, c'est dans un sketch où je fais Pablo Escobar, où je suis déguisé en Pablo Escobar, et la voix, c'est celle de Steven Seagal. Donc c'est Michel Vignier, qui est le père d'une vineuse qui traîne au Paname. C'est trop bizarre. D'accord. Et c'est son père, elle s'appelle Élise, et donc elle est très bonne chanteuse, et son père, et je dis, putain, ton père, c'est Steven Seagal. Et donc c'est Nico. Mais c'est ça, et c'est la voix de Steven Seagal dans Nico, et c'est la voix de Mickey Rourke dans tous ses derniers films et tout. D'accord. Et première fois, déjà juste ça, d'avoir... de Michel, j'appelle, est-ce que tu veux faire une voix dans mon prochain truc? Oui, je vais chez lui, il me fait la voix avec Steven Seagal, je fais putain trop bien. Derrière, Brigitte Lecordier, et je vais doubler Dragon Ball Super, je fais deux épisodes, incroyable. Ouais. Tous les trucs que je rêve de faire dans ma vie, ça marche. Légitimus, qui tombe dans un de mes sketchs, il était nul le sketch, mais il accepte. Il accepte. Et pourtant, puis, lui, c'est les inconnus. Il accepte et tout, tu vois, c'est, donc ça, ok, c'est génial. Mais tous les trucs que je pensais impossibles et intouchables, comme doubler Dragon Ball, c'est déjà rien que ça. Je sais même pas comment c'est possible, comment parce c'est arrivé. Techniquement, Dragon Ball devait pas revenir. Oui, il y avait beaucoup de oui, choses. Oui, c'est ça, il y avait plein d'obstacles sur ça et ça arrive et tu fais, ok, d'accord, et tu les doubles avec tout. Moi, j'étais avec tous les comédiens, quoi. Il y avait tout le monde, quand je suis passé, il y avait tout le monde. Et c'est ouf. Et moi, c'est, franchement, José Lucioni, pour moi, c'est. Je suis un fan d'Al Pacino et des VF d'Al Pacino, je suis désolé. Dans Hit, la VF. Donc, je ne sais pas comment joue Al Pacino en vrai. Je ne sais pas comment il joue. C'est genre, appelle, je t'appelle, tu fais les chips. Je ne sais pas comment il joue en vrai, mais en tout cas, sa voix française, José Lucioni, le fait de l'avoir sur un des trucs que qui me plaît le plus de ce que j'ai fait, même s'il y a plein d'erreurs, et ben. Ça m'a enfin vraiment juste c'est l'histoire c'est juste ça tu fais bien sûr c'est juste ça c'est quoi ça me rend plus heureux que Vandamme ouais je te jure c'est vrai Alors, tu peux nous dire vite fait, sans rentrer Vandamme, dans les détails Vandamme c'est une OP ouais c'est une OP donc il y a le charme en moins de l'OP ouais tu vois c'est pas un film que je tourne avec lui c'est ouais donc évidemment j'étais content mais j'avais une grippe de ouf alors sans mentir Mexicom et Webedia essayent de me le faire rencontrer depuis 5 ans. Donc, ils essayent de créer un truc. À chaque fois, ça rate. Ils m'en parlent un peu. Ils me disent « Ah, on a raté cette fois et tout. » Et là, Norman vient me voir. Il me dit « Mec, habille-toi. Il faut que tu sois... » Non, j'étais à Lyon. Il me fait « Viens à Lyon lundi. Viens à Paris lundi parce que tu dois tourner dans mon making-of. » Je fais « Mais attends... » Tu fais tourner dans un making of d'un truc. Mensonge. Non mais en plus j'ai pas réfléchi d'un making of d'un truc dans lequel j'ai pas tourné de sa vidéo de Noël ou je sais pas quoi. Et je fais mais j'ai pas tourné dedans. Pourquoi tu fais ce making of? Il me fait viens mec c'est obligé et tout. Je fais bon vas-y je viens et j'arrive et il me dit bah vas-y habille-toi go on part on va tourner le making of et tout. Je fais attends j'ai la grippe de ouf mec j'ai pas envie viens on le fait là vite fait et c'est bon. Et il me dit vas-y viens on va dans la voiture t'inquiète prends deux trois affaires. Je me pose dans la voiture. Et là, il me dit, bon, allez-y. Il demande au chauffeur de partir. Et dès le moment où il a dit, allez-y, okay, je fais, OK, c'est Jean-Claude Van Damme. Dans ma tête, c'était sûr et certain. Je fais, OK, je vais voir Jean-Claude Van Damme. Et je stressais un peu. Bon, ouais, il y a les caméras, il y a une OP. Oui, mais. Je joue le jeu, je suis comédien, tout va bien. Je fais style. Enfin, je fais pas style parce que j'étais un petit peu. Excité quand même. J'étais excité, sûr, tu vois, mais je savais pas vraiment où j'allais, mais j'étais oui. Sûr à 99%. Et on arrive devant l'hôtel. Où on a déjà, je comprends, hôtel. Je fais OK, c'est Vandamme, c'est sûr et certain. Ouais. On arrive devant l'hôtel, il y a un van. Déception, c'était pas lui. Mais mec, on arrive devant l'hôtel, on se gare et je sors du Uber et je vois un van, Jean-Claude Van Johnson. Et je fais OK, c'est bon, vas-y, allez, on va faire comme si je découvrais. Et puis je l'ai rencontré. Après, le moment qui se passe avec Vandamme, c'est énorme, c'est lourd, c'est incroyable, c'est magnifique. En même temps, Vandamme, il a l'habitude d'aller dans des plateaux télé où les mecs l'agressent et le prennent pour un bouffon. Ouais. Donc, il est un peu sur la défensive, il raconte un peu n'importe quoi, il s'en mêle les pinceaux. Là, il arrive devant un mec qui l'aime et qui est amoureux de lui et qui lui dit... Du coup, il est trop bien, il est là. Ça se voit. Ça m'a fait, moi, cette vidéo, elle m'a fait vraiment kiffer. Il y avait un truc de ah, il parce qu'il y avait, parce qu'il y avait un truc où voilà, là il est pas sur un plateau télé où tout le monde essaye de lui montrer des extraits. Alors, de lui où il tu penses quoi de l'eau ouais, hein, ça, la philosophie et tout, etc. Là il est devant un vrai fan, ce que je suis vraiment, et qui lui donne que de l'amour, donc il donne que de l'amour en retour. Et le vrai moment que j'ai passé avec lui, c'était que de l'amour. Quand Van Damme te fait ça et te prend dans les bras, tu fais ok d'accord, trop bien. Et même si c'est un putain de point et tout, de ouf de ce que j'ai vécu, ça reste une OP. Ce qui casse un peu le charme. Mais après, le moment qui s'est passé pendant ce truc-là, c'était énorme. Mais je reviens à José Lucioni, pour moi, ça et Dragon Ball, c'est... Voilà, tu vois, tu dis, bon, ok. Même si je suis l'homme le plus heureux du monde d'avoir rencontré Van Damme. Bien sûr. Voilà. Moi, juste en souvenir qui a marqué ma vie, c'est un souvenir qu'on a en commun avec François. Tu vas t'en rappeler, mais voilà. C'est à l'époque du Golden Show qui allait peut-être aller sur Canal au moment où on était en compète avec 10 minutes à perdre. Et Astier nous produisait. Et on est dans le bureau, donc on est assis sur un petit canapé, François, Poulpe et moi. Ouais. Et vraiment, il y a Astier assis qui parle à la directrice des programmes, quoi. Et Astier ne nous regarde pas dans les yeux. Moi, vraiment, je suis ardéchois. Pendant longtemps, on m'a dit, il ne faut pas rêver. J'ai fait 10 ans de bureau où j'étais graphiste. Moi, ma carrière, elle a commencé à 31, 32 ans. Donc, vraiment, moi, je me suis dit, je ne suis pas fait pour ça à un moment. Tu vois. Ouais. Et là, il y a Alexandre Astier qui parle à la meuf. Il ne nous regarde pas et il dit, avec Antoine Decaune, on a toujours voulu faire un sketch show. On n'a jamais réussi parce que c'est trop dur à faire. Et ces trois mecs, ils ont énormément de talent parce qu'ils savent le faire. Et là, j'ai fait, OK. T'as coché dans ta tête. Dans ma tête, j'ai fait... Ok, je peux arrêter d'angoisser sur est-ce que je suis légitime, un imposteur ou pas, la légitimité. Et en plus, après, juste Canal nous a dit pas de problème, on vous le fait le sketch show. Ah non, c'est pas ça. En fait. Non, après, ils ont dit 10 minutes à perdre, ils ont des têtes plus sympathiques. Voilà. Oui. Mais Assis avait quand même validé un truc qui. Ouais. Le père, tu vois, le père et le père. Qui te valide. Mais en plus, on avait entendu ça même jusqu'à Lyon, parce que c'est son fief, et que José, sa maman, Joëlle Sevilla, et nous, on a bossé avec elle dans son école de théâtre, on prenait des comédiens là-bas, et puis on allait même, nous, prendre des petits cours un petit peu des fois. Et on avait entendu ça, on avait dit, putain, mais il y a Poulpe et David, ils sont avec Astier en producteur et tout, c'est ouf. Il l'avait annoncé en King à Japan Expo, surtout. Je me souviens, on était à côté, et apparemment, et tu sais, je me souviens de Vanessa, car on était dans une cabane d'Ankama. En fait, il y avait une espèce de petite cabane de décor, mais qui était en fait là où ils posaient tout leur matos. Donc moi, je faisais du dérush là-dedans, de je sais pas quoi. Et Vanessa qui débarque en drone dans la cabane, genre, il y a Astier qui l'a annoncé sur scène. Il avait pas le droit. Après, c'était très, à un moment, tu sais, très drôle à la Aaron Sorkin. Tu vois, il y a un truc, oh putain, et tout, tu sais, genre, ça devient une. Il vient de se passer un truc de ouf, quoi, tu vois, c'était assez, assez rigolo. Et voilà, moi j'ai une dernière petite question que pour moi, je me la prends pour moi. Vas-y. Quelqu'un qui, parce que j'ai pas eu l'occasion de revenir dessus, donc c'est l'occasion, puis merde, c'est mon podcast après tout, attendez. Quelqu'un qui me dit qu'il a vu Mac Walter 3 et qui fait plein de compliments et merci beaucoup, je vais pas les lire parce que comme une. Tu l'as réalisé. C'est écrit par Vincent Thirel et Yvick Le Tessier. Et t'apparaît dedans à un moment, c'est le bâtard. C'est tellement drôle quand t'apparaît dans le fond. C'est très drôle dans ton verre, Et voilà, il y a plein de commentaires très gentils, mais je vais pas les lire parce qu'encore une fois, comme j'ai dit, j'aime me branler devant mes potes, je le ferai à la retraite. Moi, si je peux me permettre, encore une fois, deuxième génie total. Ah bah c'est Tyrell et Yvick. Yvick et Tyrell, génie total. Moi, j'ai tourné le sketch et j'ai fait, vous voulez pas justement vous faire un sketch show là, qui est une pile Tyrell, Yvick, un truc un peu stylé. J'ai rigolé pendant 20 cultures. Minutes, ça fait très très longtemps que j'ai pas rigolé pendant 20 minutes, vraiment. C'est génial parce qu'ils ont pas du tout la même culture et pas du tout les mêmes refs et ils ont le même humour. Et ça, c'est un truc, j'ai rarement vu ça quand même. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y en a un qui cite l'autre, il fait, bon, ça je connais pas et tout. Et vraiment, ils ont quand même une différence d'âge aussi un peu, tu vois. Yvick, il est jeune et tout. Et Vincent, il est vieux, voilà, on le dit. Non, mais tu vois, ils ont pas vraiment la même génération et tout. Et pourtant, ils ont le même humour sans avoir les mêmes références. Et ça, c'était très cool à voir de mon point de vue de réal, où j'essayais juste de faire en sorte parce que pour le coup on parlait de crainte et de alors les deux c'est des champions aussi, et c'était très excitant à faire. On en a cuté beaucoup, mais à la base 27 minutes utiles en 3 jours avec ces deux mecs là et du coup voilà, j'ai vraiment kiffé l'expérience. Et la question, car il y avait une question, disait est-ce qu'un sketch très dynamique avec une idée à la seconde, n'avez-vous pas peur de perdre le spectateur en étant trop frénétique, en accumulant trop les gags? Et je voulais prendre cette question parce que, et déjà il y a des comparaisons à MacGruber et à Police Squad, et merci beaucoup parce que c'est effectivement des références assumées, et on voulait faire un truc de, enfin en tout cas moi je voulais faire un truc de ce niveau-là. MacGruber avec le mec de Last, avec Will Forte, ah, j'adore ce mec, le plagiat de Mac, du Bled, oui, MacGruber. J'ai pas vu MacGruber, mais Last Man on Earth, c'est regarde MacGruber. MacGruber, c'est beaucoup plus absurde, c'est vraiment beaucoup plus loin. Et donc voilà, et donc la question n'est-ce pas trop dur? Et ben justement, c'est assez drôle parce que moi ça a été mon plus gros challenge et c'est pour ça que j'ai dit oui d'ailleurs parce que il y avait vraiment pas de thune sur MacWalter 3, mais j'étais très surpris qu'on m'appelle pour faire ça parce que normalement on m'appelle pas pour faire ça. Pour faire des parodies de code US action et tout, moi on m'appelle vraiment encore une fois quand ouais, on aimerait mettre on aimerait que ce soit un peu tristoun nani nana. Et là qu'on m'appelle alors que c'est purement débilos et que justement il y a 25 vannes par minute, moi j'étais méga chaud et en fait c'était très amusant à faire, mais je pense que je n'aurais, et c'est pas de la fausse modestie, je n'aurais jamais réussi à le faire sans un Ivic et un Tyrell qui sont des machines de guerre à c'est blague incroyable. En fait qui sont des Jim Carrey, des Mike Myers, c'est des mecs qui peuvent prendre le truc et ils t'emmènent, et les deux ensemble moi j'étais enfin c'était trop bien réalisé parce qu'en fait en réel vraiment les gars il y a quatre effets viteuf, mais en vrai c'est que du champ contre champ, vraiment c'est large serré, et c'est le montage où on s'est amusé quoi. Le montage était très long, bizarrement, beaucoup, c'est ça qui a pris le plus de temps. Il y a eu beaucoup de plans à mon et avis. Puis beaucoup de débats en fait avec tu vois Ivic, il est plus un style on coupe pour mettre la blague alors que moi je fuis ça de tout mon être, et du coup je t'en dis non mais t'inquiète ça va le faire nanina, donc beaucoup de débats pour au final avoir un truc qu'on est tous fiers, donc c'est trop bien. Donc voilà, c'était assez rigolo parce que c'était ma plus grande crainte, genre non mais là, et en fait de se dire il y a une blague par seconde, c'est assez cool parce qu'en fait il y a plein de blagues qui marcheront pas pour toi dans MacWalter 3, mais il y en a d'autres qui marcheront là ou chez d'autres, celles que t'en fais rire toi, les font pareil, et en fait ça va dans le flux en fait. Oui, c'est-à-dire qu'il y a temps, beaucoup beaucoup de blagues, et Scary Movie, je pense que si tu regardes un Scary Movie, moi le premier que j'aime beaucoup, quand je le remate, il y a plein de blagues qui me passent dessus et je rigole pas en fait, je les déteste pas, mais juste je rigole pas. Mais derrière, dans la minute où il y a eu 20 vannes, il y en a une qui va me faire rire aux éclats. Et c'était d'ailleurs le meilleur retour, parce qu'en fait, bizarrement, c'est une vidéo qui a pas été en tendance et qui a pas fait entre, qui a fait des vues, mais qui est pas, qui a fait beaucoup de vues pour ce que c'est, mais pour une chaîne de Ivic, c'est pas non plus un carton de ouf. Ce qui est trop bien, c'est que les top commentaires, c'est jamais la même blague. C'est-à-dire qu'ils adorent les gens citer leur blague préférée, et c'est le meilleur compliment. C'est qu'en fait, chacun dit, ah, oh, putain, cette vanne trop marrant. Et en fait, c'est jamais la même. Enfin, au fil des jours, c'était jamais la même vanne qui remontait. Ça m'a rappelé les trucs à la Leslie Nielsen. Complètement. Tous les films comme ça où il y avait une vanne toutes les 5 secondes, même en arrière-plan, même en. Tu vois. Et Tyrell, c'est un enfant de ça, tu vois. C'est génial. Moi, je me suis rematé Top Secret. Ouais, c'est ça. Non, c'est Police. Oui, enfin, y a-t-il un flic, tout ça. Ouais, y a-t-il un flic. Et j'ai rematé, ouais, moi, j'ai rematé les Hot Shots, j'ai rematé Top Secret, j'ai rematé tout ça. Voilà. Tout ce truc-là, c'est exactement. Et on a rematé ça, et du coup, on a essayé de faire ça au mieux. Et voilà, nous, on était très contents de le faire. Donc, si ça a plu, c'est cool. Et puis, c'est toujours cool de mettre des trucs sur internet de 25 minutes quand on a l'occasion de le faire, je ça suis fait kiffer. Très pour. Ouais, ça fait kiffer et c'est cool, même ça. Encore une fois, on touche moins de gens, mais c'est trop cool parce que le soutien est énorme. Forcément, mais... sur Jour de pluie, j'ai fait plus que mes vidéos normales. Quoi. Ouais. Comme on dit, il n'y a pas de règles. 2 millions 5, 2 millions 9, tu vois. Ouais. Alors que c'est très long et c'est pas pareil. Voilà, bah écoutez, on va toucher à la fin de ce podcast. On va faire un dernier petit tour juste pour l'actu de chacun, s'il y a de la promo, parce que bon, ça fait quand même 8 heures qu'on est ensemble. Ça fait très longtemps, putain. Peut-être heures, ça sera mais deux c'est un vrai moment, c'est un vrai moment. Ouais, ouais, je suis désolé, je suis en dans les débats, mais voilà, je sais qu'on est tous fatigués. Quand on va enlever les casques, ça va être terrible. On va avoir un coup de barre qui va être fou. Davy Mourier, oui. Ta promo en ce moment, mais quel est le truc quand dans le temps, là. Bah écoute, normalement, on est 4 jours après. Hein. Normalement, c'est en ligne lundi. Oui, mais après, je dis ça, je vois qu'on est déjà à 3:47, donc peut-être que ce sera un peu plus tard, ouais. mais en gros on est dans la semaine. En gros, bah dans ma maison, dans ma collection, une case en moins, il y a Eleanor Coste et Carensa qui ont fait une BD qui s'appelle La soutenable légèreté de l'être, et Jean Skibitz. Donc ça, c'est deux BD que je suis en tant qu'éditeur. Et sinon, il y a ma BD Davy Mourier versus Cuba qui vient de sortir. Ah, qui vient de sortir. Et vu que vous êtes des gens qui faisaient des vues sur internet, je continue une chaîne YouTube et je mets quelques vidéos, et là aujourd'hui je suis très content parce que j'ai fait un t-shirt beat, on a tout vendu, voilà. Mais oui, toute cette histoire, les gens n'hésitent pas à aller sur ta chaîne YouTube, il y a toute une histoire. C'est la même qu'avant ? Une histoire de beat. C'est la même chaîne YouTube qu'avant ? Ouais, c'est la même chaîne YouTube qu'avant. Ouais, ouais. Avec des droits d'auteur de beat qui n'ont pas été respectés. Enfin, on m'a volé ma beat. On m'a volé sa beat. Voilà. Baptiste Lorbert. Alors, l'actu, c'est sur YouTube, sur la chaîne de Bat et Gaël, avec le dessin animé Bat et Gaël, les aventures de la couille cosmique. Il y a toute la saison 1 qui est sur YouTube, sur notre chaîne. Et là, la saison 2, là, on vient de diffuser, vu qu'on est la semaine prochaine. Oh, mais on pas la pression, on sera peut-être après, mais ouais. On vient de diffuser. Alors normalement c'est bon, je suis large. On vient de diffuser l'épisode 5. D'accord. C'est l'épisode où ils sont dans le vrai monde. Ouais. Oh oui, j'attends. On a tourné avec le vrai cri d'amour. Ah, non. Ça, oui. Avec le réel de l'époque de. Ça je trouve ça stylé. Vous êtes allé jusqu'à chercher le réel de l'époque. Jean-François Pourri. J'y est là qui a produit. Il y a même Jean-Luc Cazoulet dans la série. Voilà, je n'en dis pas plus. C'est avec elle, regardez. Vous êtes allé au bout de l'idée, quoi. Au bout. Magnifique. Et ça, le dessin animé, on continue nos sketchs aussi sur la chaîne. Et puis, on est aussi en préparation d'une BD, mais ça sera pour 2019. D'accord. Et c'est très long, la BD. Ouais. Puis voilà, plein de petits projets, mais de l'actu. Et surtout, il y a de la collection. Je t'en parle parce que moi, c'est ma seule actu. Donc, si je peux parler de ça. Ça sort. Sur YouTube, mais il y a des gens qui ont un pouvoir d'achat. Bah, d'ailleurs, avec François, on a fait le roi des cons un 22 minutes. C'est quand l'habitude on sait pas, c'est pour ça que je voulais pas trop en parler. Non, mais sur YouTube, normalement, c'est à partir de ça. Mais en vrai, s'il y a des gens qui ont un fort pouvoir d'achat et qui sont abonnés Canal+. Moi, j'ai Canal+. Voilà, et c'est sur MyCanal. Tu peux voir le roi des cons réalisé par. Ah, c'est sur MyCanal, là ? Oui, c'est sur MyCanal. Et Trader Cameraman. Et t'as le Trader Cameraman. Il est sorti ? Oui. Mais moi, j'attendais comme un connard que ça passe. MyCanal est un peu mal foutu parce qu'en fait, il n'y a pas le titre et il n'y a pas les vignettes où c'est juste un bagel. Alors que ça aurait été cool de mettre le nom des courts-métrages avec. Donc ça, c'est un peu relou. Moi, j'ai kiffé jouer dans Gilet le tennis. Ah, bah putain, on en on y viendra. Avec l'araignée, là. Ouais, on y viendra, on y viendra. Mais du coup, ouais, Baptiste, toi, tu as fait donc deux, 22 minutes. Un, putain, avec Gaël Mektoub, qui s'appelle Trader Cameraman, réalisé par Louis Farge. Louis Farge, avec le Pelle Machaud dedans et Mathilde Amey. Entre autres, avec aussi pour les gens qui écoutent. J'ai l'impression que c'est des mots random. Il y a aussi Nicolas Bernot qu'on a invité Nicolas plusieurs Bernot, fois. Il y a pas mal de monde. Pas mal de monde. Aurélien Prévost qui était venu Aurélien aussi. Prévost, et t'es différent, mais ils sont tous venus dans ce podcast, putain. Oui, t'es dit. Et voilà, donc tu fais ça. Et Le Roi des Cons. Le Roi des Cons, avec François Descraques ici présent, qui avait réalisé le petit bébé et qu'on a diffusé déjà à Montreux, qui avait eu son petit succès. Et Ludovic, d'autant. Et il y a Ludovic dedans, il y a Slim, il y a Mathilde Amey, Alison Wheeler, Jérémy. Jérémy Détello. Il y a plein de gens. Il y a plein de gens. Ça a l'air génial. Ouais. Mais je ne trouve pas sur Canal. du coup, j'ai l'impression que c'est du caviar pour toi, François. Donc tu peux reprendre la balle en main. Tu as donc réalisé Le Roi des Cons. Oui, voilà. Donc sur Canal. Bientôt, j'espère, sur YouTube. Normalement sur YouTube. Bientôt, en gros, de ce que j'ai compris, c'est diffusé à partir de septembre. On n'a pas encore le rythme. Voilà. On ne sait pas exactement quand sort quoi. Ouais. Mais normalement, à partir de septembre, c'est sur YouTube. En tout cas, c'est annoncé sur la chaîne officiellement de Bagel. Hein. Donc normalement, c'est sur YouTube, c'est sûr. Donc, voilà. Mais on ne sait pas exactement quand. Et aussi, donc en juillet, je serai à Japan Expo pour la sortie du troisième tome de La Brigade Temporelle, qui est ma trilogie manga. Dont je suis très fier, qui est la suite du Vicent du Futur, dans lequel il y a Flaubert. Ouais, apparaît dans le deuxième tome. Il apparaît dans le deuxième tome et tout. Il y a plein de personnages du Vicent du Futur, mais ça peut être lu indépendamment. Donc ça, c'est le troisième tome qui sort là. Et il y a toujours Troisième Droite. Vous pouvez le lire sur Twitter, si vous êtes fan de réseaux sociaux et de fiction sur réseaux sociaux. Et qu'est-ce que je peux dire d'autre de concret? Et je vais tourner à la rentrée une nouvelle série d'horreur pour Internet. Voilà. Ça, c'est stylé. Ouais. John Rash. Eh bien, écoute, je ne fais rien de ma vie. Non. Tu viens de sortir une vidéo qui a cartonné là, sur Lyon, en plus. Elle est très cool. Je t'avoue que maintenant, les vidéos sur YouTube, j'adore les faire parce que je prends mon temps pour choisir les sujets, mais c'est un second plan. D'accord. Donc là, je suis plus mais sur... Mais ça a été très bien, je voulais te le dire. Merci beaucoup. Ouais. Là, je suis plus sur mon second court-métrage. D'accord. Parce qu'il y a Antoine Barriot, le réalisateur du premier court-métrage, qui est venu me voir il y a 4 mois et il m'a dit, mec, il y a les films Péléa, c'est une boîte de prod, et l'Opéra Garnier qui cherche des gens pour faire des courts-métrages. Et j'ai fait, ok, j'ai une idée, Le Fantôme de l'Opéra 2.0. Ouais. Enfin, tu vois, le reprendre Le Fantôme de l'Opéra. Et donc, on a proposé Le Fantôme 2.0, j'ai fait le pitch et tout, on a envoyé, et le CNC a financé. Et du coup, là, on est sur la construction du cours. On a un scénario qui ne va pas à tout le monde pour l'instant. D'accord. Du coup, on va le retoucher avec un mec qui travaille avec Costa Gavras. D'accord. Le fils... Romain Gavras. D'accord. Qui travaille avec lui. Donc, on va retoucher ça proprement et on devrait tourner cet été normalement. Et c'est Le Fantôme de l'Opéra et c'est dans l'Opéra Garnier directement. On a l'Opéra. Stylé. Et j'adore ce projet et c'est tout ce que j'aime. Ça va être encore du social, un peu de danse, un peu d'émotion et de l'humour, évidemment. Ouais. Et pareil, une voix off de mec, de comédien de doublage, sûr et certain. Je sais pas qui encore, donc on verra. Et c'est ce truc où je me concentre le plus. Mes vidéos YouTube, j'en fais parce que j'aime faire ça et que j'aime pas ne rien faire en attendant. Mais pour me faire plaisir, donc, c'est plus un kiff quoi. Ouais, et donc ce court métrage que j'attends beaucoup et qu'on va tourner, qui a déjà été financé en fait, c'est ça qui est cool. Et ma BD aussi qui sort chez Michel Lafon, d'accord, qui était au départ le deal, c'était trop con, c'était mais parle de ta vie de youtubeur et tout, j'ai dit bah non, je vais pas faire ça. Ça ne m'intéresse pas de faire ça. Si je fais une BD, je fais un vrai truc qui me parle et tout, etc. Et j'ai écrit un peu romancé mon histoire que j'ai vécue au foyer. Et c'était avant de sortir ma vidéo sur les foyers. Donc j'avais déjà écrit cette BD, ça fait depuis septembre que j'ai commencé à l'écrire. Et comme le dessinateur n'allait pas et qu'il voulait des trucs spéciaux YouTube, estampillés YouTube, j'ai dit bah non, on le fait pas. J'ai stoppé et ils sont revenus vers moi avec un autre dessinateur trop fort et très créatif. Et en acceptant mon histoire du foyer, etc. Et j'ai dit, bah go, on y retourne. Et puis là, on y retourne vraiment. Là. Trop bien. Donc voilà. Deux trucs. Et puis les vidéos YouTube, comme d'hab. Bien sûr. Voilà. Et voilà. Sur Twitch, j'ai mon Twitch. C'est fou. Et quant à moi, bah voilà, pareil, je te bégueule la collection. J'ai écrit, alors je l'ai déjà dit la dernière fois, je crois qu'il était déjà sorti, mais Sydney, avec Alison Wheeler, réalisé par Théodore Bonnet, qui est justement, on parlait en début de podcast de Crazy Ex-Girlfriend. Bah, c'est un peu la ref en vrai. On a voulu faire un truc un peu français, parce qu'il y a des chansons. C'est un peu une comédie musicale, sous fond de grossesse non voulue. Voilà. C'est plus Crazy Ex-Cassos, quoi. Ouais, c'est ça, c'est Crazy Ex-Cassos avec des comédiens super, Mel Habedia, Comme Levin, enfin des mecs, enfin des gens extraordinaires. Donc ça, voilà, c'est très cool. Et j'ai écrit et réalisé un faux documentaire qui s'appelle Eglandine. Qui est vachement bien. Ah, merci. Oui, François a eu le Baptiste aussi, tu l'as vu aussi. Voilà, il l'a diffusé. Ouais, je l'ai vu, ouais. Non, mais toute cette collection, parce que j'étais génial, dedans et j'ai été coupé au montage. Ouais, j'ai coupé Baptiste Lorbert au montage. Voilà, bon, une seconde. Mais toute cette collection, elle a l'air géniale, vraiment. C'est ouf. Un cachet normal, 5000 euros. J'en ai vu qu'un. T'as vu lequel? Bah Gilles. Ouais, Gilles du coup. Bah ouais, en fait c'est Canal qui a lancé ce truc là. Ça devient plein de gens. Vraiment, budget, à la base c'était carte blanche et ça s'appelait comme ça. Et moi en tout cas j'ai eu l'impression d'avoir une carte blanche. J'ai vraiment été emmerdé. On a vraiment fait ce qu'on voulait. Et puis ce truc de Jérôme là qui a l'air trop. Mais ouais, bah, toi qui aimes les doublages. Ouais, ah, mais là Phantom Force c'est que ça. J'ai toujours pas vu. C'est sur l'application. Tu peux tout voir. Et ils ont pris toi qui connais les voix Gilbert Lévy pour faire le méchant. Gilbert Lévy qui est dans Batégal les aventures de la couille cosmique. Également. Et voilà, moi ça s'appelle Eglandine, c'est un faux documentaire dans la grande tradition des faux docs, à la moins The Office que plutôt. C'est plus pop star. Ouais, plus pop star. En fait, on a voulu faire un. En gros, je me suis enquillé Never Say Never sur Justin Bieber. Oui, 5'2", je cherchais le titre. Tu l'as écrit seul ce truc? Ouais. En fait, Natou m'a fait confiance. Elle avait un regard, elle me disait, voilà, parce qu'elle a créé le perso d'Eglandine sur YouTube. Elle me disait, voilà, ça je le vois plus, ça je le vois moins, mais j'ai. Vraiment écrit tout seul avec Robinson Latour qui est le directeur d'écriture de toute cette collection et Nat qui venait aux réunions et qui proposait des vannes. Et puis surtout, elle les jouait. Donc en fait, on voyait tout de suite ce qui marchait, ce qui marchait pas. Donc elle a été très présente tout en me laissant une grande liberté. Et j'ai adoré faire ça. Ça se rapprochait le plus de ce que j'imaginais d'être auteur au SNL. C'est-à-dire qu'on a un comédien super qui tient un personnage dans toute sa palette d'émotions et tu peux lui faire des trucs et tu vois tout de suite si ça marche ou pas. Et ça, j'ai adoré cette expérience. En plus, le faux documentaire, c'est un truc que je voulais faire depuis longtemps. Et là, j'ai eu l'occasion de le faire. Et sur un 24 minutes, c'est très bien. Ça m'aurait fait chier pendant une heure et demie parce que c'est dur de tenir en haleine. Là, 24 minutes, c'est parfait. Et voilà, donc je me suis enquillé. Les trucs de Katy Perry, de One Direction, tous ces trucs-là. Et voilà, et c'est dans l'univers de la youtubeuse beauté. Oui. Et c'est ça parle un peu de YouTube, en fait. C'est pour ça que j'ai hâte de... Je voulais que David le voie parce que je sais qu'il avait un projet là-dessus aussi. Ça a été très vite fait, ce truc. On l'a fait... Trop vite, si tu veux mon avis, parce que ça a été très vite. En fait, quand on l'a diffusé en avant, enfin, tu sais, on fait des projos dans la chaîne à Canal+, quand on l'a diffusé, ça faisait un mois pile qu'on avait commencé le tournage. C'est-à-dire que quand j'ai joué dans Gilles le Tennis, qui a été diffusé 3 semaines avant Eglandine, je n'avais pas écrit une ligne du scénario. C'est-à-dire qu'on n'avait pas tous les mêmes délais pour faire le projet. Nous, ça a été très, très, très, très, très vite. Mais je trouve que c'est peut-être ça aussi qui fait qu'il y a une urgence dans le truc. Je sais pas, tu sais, moi, je métaphorise beaucoup sur tout. Je vais regarder ce soir. Et bah, écoute, je suis curieux d'avoir ton avis. J'ai trouvé de ouf. Et on s'est beaucoup amusé à le faire. Et j'ai hâte que ça sorte sur YouTube. Et moi, je vais pousser un peu Canal pour que ça sorte un peu plus vite parce que Internet, on l'a vu ce soir, ça devient vite autre chose. Et nous, on parle d'Internet d'aujourd'hui avec moi, ce que j'ai connu avec des profs. Des trucs que j'ai pu observer et donc du coup ça parle un peu d'Internet maintenant et si vous l'avez vu n'hésitez pas à nous dire si vous avez la chance d'avoir MyCanal ce que vous en avez pensé parce que nous on est en déj de retour quoi. Ma mère à Canal elle a vu Roi des Cons et c'est la seule retour que j'ai eu après heureusement on l'a montré à Montreux genre des humains et c'était plaisant de voir des moi, gens moi je sais que j'ai failli envoyer des mails à des conventions genre je peux pas venir me faire inviter comme ça je vous projette Eglandine parce que vraiment c'est pas vu par assez de gens mais donne-moi quand je vais dans les conventions je les diffuse mais on a pas parlé de la diffusion de Calendar War je vais faire un mail à Tot je m'engage pour voir pour que tu fasses une vidéo au début pour expliquer je la mettrai sur ma chaîne peut-être qu'il y aura à nouveau des gens mais oui et tu mets fit c'est entre parenthèses et tu mets tous les noms tu mets 50 blazes bon en tout cas merci à tous d'être venus pour ce très long podcast je pense que c'était très cool et merci à tous d'avoir accepté ça m'a fait très plaisir de faire cette mission ça fait longtemps que je voulais la faire et on a enfin réussi donc c'est trop cool bisous tout le monde bisous. Ciao. À bientôt. Ciao. Salut j'ai sommeil je suis